Je m'en lasse pas de ce morceau. C'est encore une fois le titre le plus joué cette semaine dans tous les clubs d'Europe. Numéro 1 en Espagne, en Autriche, en Suède, en Angleterre également et en Allemagne. Avicii avec le son de Wake Me Up sur Fun Radio. En deuxième, Robin Thicke avec le Blurred Line. En troisième, Armin Van Buuren avec le This Is What It Feels Like. Quatrième, Martin Garrix qui est le numéro 1 des clubs en France avec le Animals. Et cinquième, les Daft Punk avec Get Lucky, à noter cette semaine les deux entrées. Celle de Naughty Boy avec le La La La qui risque de faire très mal dans les prochaines semaines puisque c'est un des gros cartons de la rentrée. Et également le One Republic avec le Counting Stars. Belle soirée à vous, bon courage pour le taf, bon courage pour les cours. Retour de l'Eurodance 25, bah même heure, même punition, ça sera dimanche prochain à 18h pour terminer le week-end. Et lui est en direct, ce qui n'est pas le cas forcément sur toutes les radios. Ah, je te le confirme. Voilà. Comment va? Bah très bien ma foi, avec un très bon Eurodance 25 encore une fois cette semaine. Donc, mais oui, et j'ai entendu le Capital Cities qui est toujours là, je suis très content. Capital Cities qui est toujours là effectivement. Voilà. On a entendu également Britney Spears en nouvelle bombe hors classement et je sais qu'il va repasser tout à l'heure. Eh bah écoute, on va voir, je vais le proposer en tout cas à ceux qui écoutent là. Si vous voulez réentendre le son de Britney Spears que vous avez découvert sur Fun, bah faudra aller donner votre avis évidemment sur le Facebook, taper Mickaël officiel. Voilà, toi tu l'as kiffé j'imagine. Bah je suis en train d'aller sur la page Mickaël pour liker. Très bien, d'accord. Mais liker le morceau ou liker Britney? Ou les deux? Tout. D'accord, très bien. Bah alors faisons comme ça. Non, très bien. Elle est très jolie, il faut dire. Oui. Non, oui, oui, bien sûr. Elle est bien très sûr. Belle. Elle est très belle. Pour avoir mixé le warm-up de sa tournée Femme Fatale Tour. Oh, comment il se la ramène. Oh là là, excuse-moi, tu blancs sur le sujet. Britney Spears est très jolie, c'est vrai. Là, oui, moi je connais Britney Spears. Blablabla. Oh là là là là. C'est bon. Ça va, tranquille. C'est bon. Bonne soirée. Bonne émission, bisous. Rencard dimanche prochain, oui. L'Eurodance entre 18h et 20h. Salut Nico, ciao. Bon ben nous on est parti là, 20h tout pile sur Fun Radio. C'est parti pour Mickaël No Limit, on est jusqu'à minuit. Le dimanche soir, 20h minuit. Ah, vous allez me corser les couilles longtemps là. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Eh oui. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, ça fait plaisir de vous retrouver là après le long week-end, enfin le week-end, parce qu'on est parti vendredi, hein, vendredi, samedi, puis on est de retour dimanche soir en tout cas. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, un bon samedi, bref un bon week-end dans l'absolu et que vous êtes au taquet ce soir, on est là. Bienvenue à tous les nouveaux qui viennent de nous découvrir ce soir et Dieu sait qu'ils sont nombreux jour après jour à en voir en tout cas le Facebook et le Twitter qui se portent très très bien, l'Instagram également. Alors moi c'est Mickaël, l'émission s'appelle Mickaël No Limit, vous êtes chez vous et on est là jusqu'à minuit le dimanche de 20h à minuit et la semaine évidemment de 23h à 2h du mat. Alors si vous voulez nous rejoindre, bah, il suffit de faire le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0 pour la Belgique et vous passerez évidemment à l'antenne comme Angélique qui est avec nous déjà maintenant là. Bonsoir Angélique, tu nous appelles. Bonsoir. Pourquoi dis-moi? Bonsoir. Je vous appelle par rapport à mon ex. Par rapport à ton ex, d'accord, ok, très bien. T'as passé un bon week-end, Angélique? Nickel. Très bien, malgré l'ex, parce que j'imagine qu'il t'a foutu dans la merde, c'est pour ça que tu nous appelles. Voilà. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, on va en parler dans un instant, Angélique. Bon, Angélique, et évidemment, au standard, vous pouvez donc appeler le 02 851 4x0 pour la Belgique ou le 01 42 48 5000 et vous tomberez sur Sandro, qui est de retour. Comme quoi, tout peut arriver. C'est un miracle. Eh oui. Voilà, profitez-en. Elle est là, ça va bien? Ça va super bien. Bon, parfait, impeccable. Bon, elle est là jusqu'à minuit, donc si vous voulez l'appeler, n'hésitez pas, 02 851 4x0 pour la Belgique et 01 42 48 5000. Également avec nous Toff, qui a passé un bon week-end. Très bon, très bon. J'étais déçu qu'il pleuve, mais sinon... Bah oui, parce que pour sortir le scooter, c'est emmerdant, quoi. Ouais, c'est contrariant le scooter et nous c'est emmerdant quoi. J'ai été mouillé tout le week-end. Bah c'est ça, du coup et d'ailleurs t'as perdu des cheveux aussi. Oui c'est oui. Ça. Oui bah c'est obligé. Oh hein. Il a été chez le coiffeur, qu'est-ce qu'il est moche. Tu sais, avant que j'aille chez le coiffeur j'étais moche, après le coiffeur je suis moche donc au final je me dis... Bon. On va photographier pour voir comment ça se passe si les gens bien. Angélique qui va faire son service militaire. ouais c'est vrai. Ouais. Est-ce que t'avais vu la tête de Toff déjà, Angélique, sur le Facebook éventuellement ou... Non pas encore. Ah pas encore. Hein. C'est dommage, tu ne pourras pas comparer. Mais si, je vais faire un avant après. Je vais vite faire un film. Ah parfait. On mettra ça sur le Facebook dans quelques instants. Alors parfait. Bon et puis il y a Polo qui est là également évidemment avec son célèbre pipeau bien entendu. Un petit coup de pipeau. Écoute, je le sors de l'étui. Allez, 3. L'étui est là. 4. On y va. Quel talent, bien ouais. Évidemment. Oh là là. Mais en tournée bientôt, effectivement. Dis-moi, Angélique, est-ce que oui. T'as entendu le nouveau son de Britney Spears déjà avec Work Beach? Ouais, vite fait. Ah, vite fait, très bien. Bon, on se le remettra peut-être tout à l'heure. Bon, t'as aimé ou t'as pas aimé à la première écoute? Aimé. Aimé, très bien. Bah, Work Beach. Ah, ça, c'est le nouveau Britney. Oh là là, il a l'air de déchirer. Eh oui, effectivement. Work Beach sur Fun Radio, si vous voulez l'entendre ce soir sur Fun Radio, entre 20h et minuit, à vous de jouer. La Twitter, hein, vous tapez le hashtag et Mickaël. Et puis on écoutera peut-être le son de Work Beach tout à l'heure, donc de Britney Spears. Alors j'ai calé pour vous aussi Robin Thicke. Robin Thicke avec To Give It To You. Bon alors peut-être tout à l'heure aussi j'aurai le son de Backer Matt, là je sais que vous l'aimez bien celui-là. Avec Van Dyke. Truc avec la saxo là. Enfin limiteur, pour dire ça comme ça. De Polo évidemment avec le saxo, le pipeau. Voilà Backer Matt tout à l'heure. Il y a un son que tu préfères Angélique? Britney Spears, bah écoute très bien, bah écoute on te le passera tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Et puis restez bien là également puisque toute cette semaine il va y avoir du lourd. Déjà je vous offrirai eh bien, vos places pour aller assister au concert de Macklemore avec Fun Radio. Et on écoutera aussi d'ailleurs un Wet Walls. Voilà, place pour le concert de Macklemore à gagner. Et puis j'aurai aussi les jeux GoDance à vous offrir. Vous allez pouvoir danser comme des oufs et surtout apprendre à bien danser. Ça va intéresser Sandro, ça à mon avis. Grave, hein, bah oui, qui hein. va peut-être pouvoir nous faire une petite démo, allez savoir. Et puis on vous offrira aussi les iPads et des PS3 qui vont bien. Ce sera dans la colle d'ici quelques instants. Ça justement, on aura l'occasion d'en reparler avec Arnaud d'ici quelques minutes. Bon, alors Angélique, revenons avec ton problème. Enfin, c'est pas vraiment un problème, mais c'est ton ex, c'est ça? Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il a fait encore? Toujours pareil, c'est pas mal. Ouais, attends, il t'a trompé. En fait, non, pas du tout. T'as vu, c'est pas toujours pareil. Non, parce qu'on s'est séparés il y a 15 jours et puis il m'a dit, ouais, en fait, on n'est pas fait l'un pour l'autre. Bah, il a peut-être raison, Note. Comment? Il a peut-être raison, Note. Ben, je sais pas, parce qu'il s'est fait monter la tête par sa meilleure amie. Attends, il y a Tof qui veut savoir si tu es peut-être faite pour lui. Oui, alors, Angélique, combien mesures-tu? La musique est en panne. D'accord, combien pèses-tu? 80. Quel est ton tour de poitrine? Non mais oh. Non mais c'est juste pour être sûr. 100, non, c'est pas vrai. Bon alors combien? 95. Mais c'est la lettre qui m'importe surtout. Hein. Ah ben ça je dirais pas. Autant de ta voix, je dirais un petit D. Non. Ah c'est alors? Non. Non, ça c'est du B ou du A parce que sinon elle l'aurait dit. Ah ouais? Non, pas forcément, hein. Il y en a qui veulent pas, hein. Qu'est-ce que t'en sais? Du B, c'est du B. N'importe quoi. Non, je le garde pour moi. Bon, bah très bien. On dira C alors pour la forme. On dira C. Et la taille des pantalons que tu as acheté? 44. Très bien. Ouais. Mais en même temps, c'est les filles qui disent oui, non, mais ça, je le garde pour moi. On va pas te le prendre. Non. On te le garde. Oh là là, on te le laisse, y a pas de problème, Angélique. Au pire, palper un peu, mais c'est tout. Oui, voilà. Mais non, ça, non, c'est même pas le droit. Quoique maintenant, avec ta nouvelle coupe de cheveux, je suis pas sûr, hein, Taf. Hein. Que je puisse palper. Déjà avant, t'avais pas beaucoup de chance, mais là, maintenant, attends, tu sais quoi? Ah bah voilà. Ah, ça va mieux là. Voilà. Tu trouves pas mieux, Angélique, après un coup de lance-flamme dans la tronche? Ah si, ça va. Ah, t'as mieux. Vu, hein. Voilà, c'est ça. Merci, Angélique. C'est vachement mieux, effectivement. Bon, et donc, du coup, il est pas fait pour toi. Bah, ok, d'accord. Et quel est le problème? Je lui envoie des messages, il me répond pas. J'ai appris une nouvelle, je lui ai dit, il me répond toujours pas. C'est quoi la nouvelle? Qu'il va être papa. Oh, ah ouais, non, c'est... Ah ouais. Oh merde. Ah ouais, voilà la nouvelle, ouais. Donc, on est bon, il là. Répond toujours pas et je sais pas comment faire pour... pour eh bah, félicitations, hein. Merci. Bon, et bah écoute, on va essayer de l'appeler alors, hein, déjà. Mais c'est sérieux, ça m'étonnerait ouais, ouais, tu lui dis ça pour le récupérer? Enfin, c'est un vice ou c'est vrai? Non, c'est vrai. Ah ouais, d'accord, et ok. Vous mais... il t'a jeté avant que tu lui annonces? Ouais, voilà. D'accord, et vous étiez ensemble depuis combien de temps? Ça allait faire un an. Bon, dites-nous si vous avez déjà vécu ce genre de situation et puis on va en parler, on va essayer de l'appeler aussi, tant qu'à faire. Hein. Si jamais il décroche, bah il décroche, sinon tant pis, on verra bien. Donc Angélique, bouge pas de là, d'accord? Ok. Très bien, on va prendre Arnaud avec nous maintenant là. Bonsoir Arnaud, comment ça va? Salut Mickaël, salut toute l'équipe, ça va? Ça va, tranquille Arnaud. Toi tu nous appelles parce que tu veux faire la colle ce soir. Et la colle ce soir, oui. Et la colle ce soir donc va te permettre peut-être de repartir avec le jeu GoDance qu'on vous offre toute la semaine, un jeu Sega qu'on va vous offrir toute la semaine. Et en plus de ça, tu vas pouvoir jouer sur l'iPad par exemple, hein, et puis tu vas peut-être choisir une PS3 aussi, comme tu veux. Voilà, iPad ou PS3 et le jeu GoDance. C'est toi qui choisiras, ou ce sera l'auditeur qui aura donné la bonne réponse, évidemment, par SMS ou par Facebook qui choisira. On verra. Pour ça, il y a la colle d'abord. Alors, fais péter la colle ce soir. Alors, je suis né dans l'eau, je vis dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. Qui suis-je? Alors, je suis né dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. C'est ça ? Voilà, c'est ça. Qui suis-je ? Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. Hein. Il suffit simplement de balancer votre réponse tout simplement sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. Et si vous êtes tiré au sort parmi les bonnes réponses, eh bien, vous repartirez tout simplement avec le jeu Go Dance qu'on vous offre toute la semaine sur Fun Radio. Et puis, vous choisirez si vous voulez l'iPad ou la PS3 en plus. Voilà. Bon, je répète, je suis né dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. Qui suis-je ? C'est bien ça ? C'est ça. Bon, et si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez aussi jouer sur les SMS, bien sûr. Vous envoyez MIKL par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Donc MIKL par SMS avec la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. On te récupère tout à l'heure, Arnaud, d'accord ? D'accord. Bon, et puis on va se mettre le nouveau Britney, t'as déjà entendu ou pas ? Ouais. Ouais, alors t'aimes pas ? Il est kiffant. Mais surtout, allez voir la pochette, je vous ai mis sur le Facebook, là, elle est charmante. Voilà, allez voir, facebook.com/mikl officiel. Et on va saluer aussi Victor qui est passé nous voir. Il est venu les mains vides, Victor. On a vu que... Hein, ah, attends, on t'entend mal parce que le micro est pas allumé. D'accord, tu disais... J'ai apporté l'apéro. Ah, il n'est pas venu les mains vides, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Effectivement, très bien, voilà. Merci, Victor. De rien. Ça fait plaisir. Ça, tu vois, les auditeurs de Fun, ils savent... Ils savent être accueillis. Exactement, ouais. Bon, mais Britney Spears, on va se le mettre dans un instant sur Fun Radio, soyez les bienvenus, c'est Mickaël No Limit. Ici vous prenez la parole, vous faites vous prenez le contrôle, vous faites comme vous voulez, on fait de la radio ensemble jusqu'à minuit sur Fun Radio. Grâce à vous, avec vous, 01 42 48 5000 ou alors tout simplement le 02 851 4x0 pour la Belgique si vous voulez venir nous rejoindre. Vous êtes les bienvenus, le Britney Spears Work Beach, c'est ce qui va arriver dans un instant sur Fun. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900 sur Fun Radio. Le dimanche soir, 20h minuit. Mickaël. No Limit. Sur Fun Radio. Et venez nous rejoindre également là. Venez nous rejoindre sur le Twitter de l'émission là. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et merci à vous d'ailleurs de passer le message à tous vos potes tous les jours de la semaine. Quand vous êtes au bahut par exemple hein, vous tapez MIKL officiel pour venir nous rejoindre sur le Twitter. Si vous me faites un follow, eh bien je vous ferai un follow également. On est plus de 11 000 là sur le Twitter là depuis qu'on a commencé. Ça fait presque 2 mois là. Un petit peu moins de 2 mois. Un bon mois et demi. Donc c'est plutôt pas mal. 11 000 déjà, ça fait plaisir. Merci à vous. Continuez à prévenir tous vos potes également qu'on est là sur Fun Radio tous les soirs. Évidemment de 20h à minuit le dimanche et de 23h à 2h du mat du lundi au jeudi. Je compte sur vous évidemment. Dans un instant on va reparler avec Angélique là, qui comprend pas pourquoi son ex l'a jeté alors que maintenant il décroche plus et donc elle voulait lui annoncer qu'il y avait un polichinelle dans le tiroir. Et donc on va en parler dans quelques instants, bougez pas de là. On parlera également d'un ami corse de Toff là, si vous étiez pas là avec nous la semaine dernière. Très gentil ami corse. Oui. Trop gentil même. Oh là. Ouais, très gentil. On en parlera dans un instant. Bougez pas de là, ça se fait juste après. Et ben le son de Britney Spears que vous allez découvrir cet après-midi à 15h en exclu sur Fun Radio. Je vous le remets maintenant, c'est Work Beach sur Fun Radio. Bonne soirée, c'est Mickaël No Limit. Qu'est-ce qu'il est bon le nouveau Britney Spears à l'instant, Work Beach sur Fun Radio. Évidemment, vous l'avez découvert sur Fun Radio, ça tombe sous le sens. Et si vous voulez qu'on vous le repasse encore une fois tout à l'heure avant minuit, là, balancez vos messages maintenant. Vous mettez le hashtag Mickaël sur le Twitter, évidemment, là, pour demander encore une fois le nouveau son de Britney Spears tout à l'heure avant minuit. Il y a Petit Panda qui dit bonsoir Miloulou, comment ça va là, vous m'avez manqué. Bah merci Petit Panda là. Bah, toi aussi, tes gâteaux nous ont manqué parce qu'on les a toujours pas goûtés. Hein, tu devais passer il y a un mois maintenant nous déposer des gâteaux là et plus jamais t'en reparles, Petit Panda. Je dis ça, je dis rien après. Bizarre. Étonnant. Il y a Dame Ceci qui voulait réagir, Angélique, là, au risque qu'on avait à l'instant. Là, je pense qu'elle va pas être convaincante avec son histoire, surtout si elle dit qu'elle est enceinte, mais bon courage quand même. Et puis Anaïs qui dit, attends, c'est quoi, vrai, mais après, elle lui a balancé un SMS pour lui dire, je ne pense pas qu'elle le fasse revenir, au contraire. Allez, on verra. Il y a Olivia qui dit aussi, le son de Britney Spears, il est juste dément. Enfin, pas mal, il a dit. Attends, il y avait quoi, un message aussi de Pierre qui dit, énorme le nouveau Britney Spears, repassez-le avant minuit. Prince Nadia qui dit, très bon le nouveau Britney Spears, là, attends. Et Sandro qui fait l'émission en même temps que nous au standard. Le prince Edia qui dit très très bon le nouveau Britney. Work Beach, il donne la patate. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Si vous êtes un peu en mode déprime à la fin du week-end, là, il est pas mal. Mathias qui dit énorme le nouveau Britney Spears. Ça envoie en plus avec une chanteuse super sexy, ça ne peut que marcher. Bah allez voir la photo justement, je vous l'ai mise sur le Facebook de l'émission, facebook.com/mikl officiel. La photo où il y a Britney Spears avec son nouveau single, la Work Beach, il est sur le Facebook de l'émission. Allez voir, elle est, comment dire, sexe. Bah, c'est ça. bonne. Oui, c'est, oui, je sexe, voilà, c'était sympa. Ouais. Et wesh ma gueule qui deux semaines que vous avez pas que je vous avais pas écouté, mais je regrette. Ah bah ouais, mais il fallait venir plus tôt quand même. Tout ce que t'as loupé, plus tôt. Avec, c'est-à-dire qu'en deux semaines, comment t'expliquer que t'as loupé pas mal de choses. Et Enzo qui dit enfin je peux écouter Mickaël, ça fait plaisir de vous entendre. On salue Mathias également qui dit mais Mika Toff il a toujours été moche. Un bazooka dans sa gueule. Ouais, allez, si tu veux, d'accord, ok, bazooka. Voilà, c'est tout ce qui mérite. Et on va vous mettre la photo de sa nouvelle coupe également là, hein, sur le Facebook dans un instant. Soyez déjà bien présents sur le Facebook de l'émission. Bon, Angélique. Oui. Bon, très bien, Angélique qui est de retour. Tiens, t'aimes bien le Nutella, Angélique, toi? Pas trop, parce que pour les fans de Nutella, c'est rare, hein, il y en a beaucoup, on tombe rarement sur quelqu'un qui n'aime pas le Nutella, mais ouais. Ça arrive. Pour les fans de Nutella, je vous ai mis un truc drôle sur le Facebook ce week-end, là, j'ai mis ça hier, donc si vous voulez aller voir, c'est une seringue, vous allez voir. Bon, la seringue à la base n'est pas terrible, mais c'est drôle dans l'esprit. En tout cas, vous avez été plus de 2000 à la partager. C'est donc, pour faire son shoot Nutella. Ouais, voilà, c'est pour faire son shoot de Nutella, effectivement, donc vous pouvez aller voir. Et puis vous êtes presque plus de 50 000 à l'avoir vu, donc je pense que ça a bien marché. Donc si vous voulez la voir, c'est la seringue Nutella, donc sur le Facebook de l'émission, je l'ai mis ce week-end vu le temps qu'il faisait, facebook.com/Mickaël officiel. Bon, toi tu nous appelais pas pour parler de Nutella, Angélique, hein. Tu nous appelais parce que, eh ben, tu as une liaison avec un mec pendant un an. Voilà. Donc une liaison, c'était son vrai mec. Ouais, c'est son vrai mec. Oui, c'est ça. C'était ton vrai mec. Et donc, ça s'est terminé. Sauf qu'aujourd'hui, t'essaies de reprendre contact avec lui, il décroche plus pour lui annoncer qu'en fait, t'attends, il va être papa, quoi. Voilà. Mais il va être papa dans combien de temps? Je le suis de 3 mois et demi. Ah ouais. 3 mois et demi, donc ouais. Bon, dans là, ouais, c'est ça, dans un peu moins de 6 mois, effectivement. Bon, attends, il y a Farès qui est avec nous là, qui a vécu apparemment là, à peu près la même chose. Salut Farès. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien, je suis dans les bouchons. Ah, t'es dans les bouchons, merde, t'es ouais. Où là? Je suis à Lyon là, j'arrive à Lyon. Oh là là là, bah bon courage. Hein, tunnel de Fourvière, mec. Bah ouais. Quoi? T'es dans le tunnel de Fourvière? Bah non, mais c'est lui qui est embêtant en fait. Mais c'est bon, là, je vais le passer. D'accord. Bon, très bien. De toute façon, en même temps, c'est toujours bouché par là. Donc non, c'est, le tunnel, c'est... En fait, le tunnel de Fourvière, c'est le seul truc que je comprends pas. Je parlais un petit peu de circulation. Oui, attention, Bison Futé est avec nous ce soir. Tous les mecs qui viennent du nord et qui vont dans le sud vont savoir de quoi je parle. C'est que en fait, c'est un endroit. En fait, l'autoroute, elle fait 4 voies et puis ça arrive sur 2 dans un tunnel. Et au bout du tunnel, t'as un virage en angle droit. Ah comment oui. Tu veux que ça aille? Comment tu veux que ça soit pas que de ça bordel? Roule, ouais, c'est clair. Eh ben, je vous fais une bise parce que j'y arrive juste là. Ah bah écoute, bon courage. Hein. Bon, l'avantage au moins, c'est que tu seras à l'arrêt, donc t'es tranquille, quoi. Ouais. Voilà. Et tu peux passer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, c'est bouché. Ouh. Ah ouais. Voilà, n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ouais, c'est. Eh bien, nous vérifierons. Bah, tous les Lyonnais. Les Lyonnais, là, appelez-nous, là, 01 42 48 5000, ou alors dites-nous sur Twitter. Venez parler du tunnel de Fourvière. Voilà, bon sujet, on va se marrer ce soir. Ouais, bon, alors. Il faudra appeler la mairie pour se plaindre. Ouais, bah, on pourrait éventuellement essayer, mais je pense que. Ça fait des années que ça dure, apparemment, et ils ont rien changé. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait, tu sais, je pense qu'ils s'en battent les couilles, mais bon. Bon, alors, Farès, toi, tu voulais réagir, Angélique, toi, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je t'ai écouté là dans l'oreillette, je viens d'apprendre qu'elle était enceinte depuis 3 mois et demi. Ouais, exact. Et c'est toi le père, non? Non, on sait jamais. Non, mais je trouve ça assez fou quand même qu'aujourd'hui une nana se rende compte qu'elle soit enceinte à 3 mois et demi, et d'autre part qu'elle veuille rappeler son ex pour lui dire qu'elle est enceinte, d'une part pour le récupérer. Mais attends, tu veux le récupérer, Angélique, ou pas? Parce que c'est quoi la question? Parce qu'on t'a pas posé. Du moins, c'est pour lui annoncer comme quoi je suis enceinte, quoi. Comme voilà. Quoi, il va douiller pour les allocs. Ouais, c'est ça. Non, ouais, mais voilà. est-ce que... En gros, c'est ça. En le rappelant, il va avoir franchement une grosse culpabilité. Et le truc, c'est que... Il va passer pour celui qui a mis la graine et qui est parti. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça. Et moi, il m'est arrivé la même histoire. Et ça a été... les 3 mois les pires de ma vie. Donc juste qu'elle réfléchisse. Ouais, mais il faut quand même le prévenir, le mec. Tu vois, même s'il a pas envie de revenir, il doit quand même savoir qu'il est père. Ouais, ça ferait chier qu'on me le dise pas, quoi. Dans sa tête, elle veut le garder, le petit. Ouais, tu veux le garder, toi, Angélique? Ben, je peux plus rien faire. De toute façon, ouais, après 3 mois, c'est mort, hein, quoi qu'il arrive, effectivement. Ouais, bon, ouais, écoute, on va en parler. Ouais. Et toi, il t'est arrivé quoi exactement, toi, même chose? Ben, moi, en fait, j'avais un gros feeling avec une nana. Mais on n'était jamais ensemble officiellement et moi j'ai 24 ans, je commence la vie active nanana, et je conçois pas éduquer un enfant dans des conditions pareilles. Et du coup elle m'annonçait ça comme si elle m'annonçait qu'elle allait chercher des pains au chocolat. Et au fait, je vais chercher les pains au chocolat. Bah, écoute, t'auras un gosse aussi, hein. Tu veux pain au chocolat, croissant? Ah bah non, gosses. Prends plutôt, là, hein. Oui, je prends voilà. Des sucettes, mais pourquoi faire? Bah parce que comme on va bientôt être parents, ah bon tu vois là. Surprise avec. Ouais, c'est ça, ouais, je prends ouais, Kinder ouais, avec. Bah, c'est ça, j'ai un sentiment qu'elle le prend. C'est un sentiment, c'est pas un jugement, j'ai un peu le sentiment qu'elle le prend un peu pareil. Et au final, le mec, il passe pour celui qui est venu, qui a pris du plaisir et qui s'en va. Non, mais après, on connaît pas le mec. Pas, hein, ça se trouve, c'est un gros connard. Hein, parce que là, on est en train de le défendre, ouais. Mais on sait pas. Mais on va essayer de l'appeler, justement. Non, mais c'est vrai, je sais pas. On va essayer de l'appeler. Il y aura Nicolas dans un instant également. Et puis, je vous avais parlé aussi de... si vous étiez pas là cette semaine avec nous, on a eu un nouvel ami de Tof. Il va te faire enculer, connard. Non, oui, c'était presque celui-là, quoi. Mais c'était notre ami Corse qui était comme ça, quoi. La taille de votre bite. À te faire enculer au PD, va. Voilà, tu vois, c'était à peu près pareil, hein. Hein, on est d'accord, c'est à peu près pareil. Donc on va se le remettre dans quelques instants, là, l'appel, justement, là, comme ça, pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez voir ce qui se passe également, quelque chose, hein, toute la semaine sur Fun Radio de 23h à 2h. Nicolas, avec nous, là, dans un instant, tu vas nous donner ton avis aussi par rapport à Angélique. Ouais, voilà, ouais. Ah, aussi à Lyonnais, toi. Alors, le tunnel de Fourvière. Ah non, le tunnel de Fourvière, moi, je sais pas, j'y vais pas. Non, je comprends rien. On va te rappeler, Nicolas, parce que, à mon avis, la ligne est mauvaise. Ne bouge pas de là, Nico. On va te rappeler dans 30 secondes. Angélique, bouge pas. On va essayer de d'appeler ton mec dans un instant. Ne fût-ce que essayer, tu vois. Au mieux, il décroche. Il y en a qui répondent. Mais on sait jamais. On sait jamais. Donne le numéro à Sandro. Là, je te le repasse maintenant. Angélique, ne bouge pas de là. Et puis, souvenez-vous, hein, c'était cette semaine, hein, pour ceux qui étaient là. Les autres, vous allez découvrir. Donc, Tof s'était rendu compte que. Merci. J'ai oublié. Ben non, en fait, je cherchais le... Ah oui, le championnat du monde de petits bits. Voilà, donc je cherchais le plus petit sexe d'Europe. Voilà, parce qu'à New York, ils avaient élu le champion du monde de la plus petite bite, c'était 7 cm. Et donc du coup, bah, on s'est dit, on va essayer de faire celui d'Europe. Et donc on a appelé un petit peu partout pour essayer de savoir si, lui ou oui ou non, on pouvait trouver quelqu'un qui avait une aussi petite que 7 cm. T'as remarqué que pour toi, l'Amérique, c'est le monde ? Pourquoi ? Parce qu'en Amérique, ils ont fait la plus petite bite du monde. Bah oui. Ah non, mais ils ont élu peut-être la plus petite bite du monde. D'accord. Bah, et toi ici, t'es en France, pourtant tu parles de l'Europe. Oui. Ah, toi tu te la ramènes aussi, comme eux. Bah oui, mais on est d'accord. J'en ai rien à foutre des Américains. Très bien. Bon, allez hop, c'est parti. Plus petite bite, maintenant on va essayer. On avait essayé d'appeler en Corse et d'aller voir ce que ça donnait. Hein. T'as failli très peur. Hein. Ah oui, faut dire les choses, c'est vrai. Et la Corse, c'est la Corse. Oui, on appelle en Corse, pas en France. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis à la recherche du plus petit sexe d'Europe. Vous devez faire une erreur, là, non ? Ah non, pas du tout. Et en fait, je voulais connaître la taille de votre bite, monsieur. Pardon ? Non, je voudrais connaître la taille de votre bite. Ah, t'es fait enculer au PD, va. Ah, qu'il était bon celui-là, qu'il était bon. On s'en remettra tout à l'heure. Ah, la fin est juste énormissime. Donc, on le mettra encore tout à l'heure d'autres appels qu'on avait fait. On va se remettre, là, vite fait. De quoi ? Allez, on se le remet vite fait. Encore une fois, cet appel-là ? Ouais, si tu veux. Attends, vas-y. On va se le remettre. Hein. Donc, on l'avait appelé cette semaine, là, pour ceux qui débarquent. Il est pas long, on peut se permettre. Ah non, il est pas long, c'est sûr. Et puis, on aura le chéri, je peux te faire cocu aussi tout à l'heure. Allô ? Oui, bonsoir, monsieur. Ouais ? Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis à la recherche du plus petit sexe d'Europe. Bah, écoutez la fin. Hein. Vous devez faire une erreur, là, non ? Ah non, pas là, du on coup. Sait qu'on est encore. Et en fait, je voudrais connaître la taille de votre bite, monsieur. Pardon ? Non, je voudrais connaître la taille de votre bite. Ah, te faire enculer au PD, va. Ah mon dieu, qu'il était magistral. Bon, allez, on va revenir dans un instant sur Fun Radio. Plein de messages encore qui arrivent. Là, Arthur qui dit vous êtes super, je vous écoute tous les jours. Continuez, merci Arthur, sois le bienvenu sur Fun. Baptiste aussi qui dit un coup de pelle dans la gueule de Polo, il l'a bien mérité. Bon, je sais pas pourquoi, mais sinon on sait pas, lui il le sait certainement. Juliette qui dit énorme nouveau Britney Spears que vous avez mis, remettez-le. Avec le nouveau Showtech, ouais bien sûr, pas de problème, on va te le remettre. Le nouveau Showtech, il y avait Cookie qui demandait aussi le nouveau Showtech, on va se le mettre tout à l'heure. Ce sera Booyah sur Fun Radio. Il y a Marie aussi qui dit des chants nouveau Britney Spears, Nayagom aussi qui dit trois foireux le tunnel de Fourvière. Ah et qui sont d'accord avec toi. Mais bien sûr, mais tout le monde et personne ne peut pas être d'accord avec toi. Ouais, et Halloween qui dit on peut avoir la moto de Tof s'il vous plaît. Ah bah on l'a mise tout à l'heure, attends une seconde, il faut qu'on aille la rechercher la moto de Tof. Parce qu'on la met dans un endroit pour être sûr qu'on vienne pas nous la piquer, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent de la piquer. Bon t'es prêt, on la redémarre là. Allez, eh ben voilà. voilà, si vous voulez faire un tour avec la moto de Toff, n'hésitez pas, hashtag et Mickaël évidemment. Vous nous demandez sur le Twitter, il n'y a pas de problème. Retour dans un instant avec Arnaud pour la colle, avec Anthony, avec Angélique également là pour le problème d'Angélique, c'est-à-dire elle comprend pas pourquoi son ex l'a acheté. Et on va essayer d'appeler l'ex en direct dans un instant sur Fun Radio. Et puis on va se faire maintenant le son de Robin Thicke sur Fun Radio. To give it to you sur Fun Radio. Allez, bonne soirée tout le monde, il est 20h29. On est en direct sur Fun Radio alors que les autres roupies, on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio. C'est Mickaël No Limit, 20h minuit toute la semaine et 23h, 2h du lundi au jeudi. Bonne soirée, merci d'être avec nous sur Fun. Hey, hey. Girl, give it to me. Girl, you know. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, balancez tous vos messages et je rappelle également que ce soir, évidemment, comme tous les soirs, il y a le top Twittos. Hein. Si jamais vous avez envie, parce que je vois qu'il y en a qui se posent la question là sur le Twitter, évidemment qu'on fera le top Twittos le dimanche soir également. Le principe est simple, évidemment, on va élire les 5 meilleurs auditeurs de la soirée, les plus influents sur le Twitter de l'émission. Pour ça, il suffit de balancer un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël, que ce soit en parlant avec nous, que ce soit en parlant avec vos potes, peu importe, il suffit simplement de mettre un maximum de messages avec le hashtag Mickaël et tout à l'heure à minuit, un tout petit peu avant minuit, eh bien on élira l'auditeur le plus influent sur la page de l'émission. Donc à vous de jouer, vous tapez Mickaël officiel pour nous ajouter sur le Twitter et puis vous faites tous vos messages avec le hashtag Mickaël, évidemment, voilà, c'est aussi simple que ça. Et je disais un truc, tiens, Angélique, toi t'es là aussi, tiens, t'es toujours là Angélique, hein? Oui, je suis bon, très bien. Je disais un truc en arrivant à la radio, tiens. Il paraît qu'inconsciemment, les hommes prennent plus de place que les femmes dans les transports en commun. Ah, il paraît, hein. Bah, en fait, quand t'as le wagon qui est vide, si tu veux, bah, les mecs, ils ont plutôt tendance à. S'affaler, quoi. Après, il y a quelqu'un qui arrive, même s'il est plus rempli, voire même il est bondé, le mec aura plutôt tendance à s'affaler, c'est genre à prendre deux places parce qu'il est bien, il est plus confort avec deux places. C'est ce que je fais. Que de laisser. Oui, ça m'étonne pas. Vous êtes chiés, les mecs. Que de laisser la place aux autres, quoi. Ah, bah, bravo. Bah, il paraît. Ils sont pas galants, pas tous, Angélique, quand même. Mais tu prends, toi, les transports en commun, Angélique? Non. Ah bah, tu vas pas pouvoir nous confirmer ou pas, alors, le truc. Bon, bah, si vous prenez les transports en commun, là, métro, train, tramway, bus, bref, n'importe quoi, dites-nous comment ça se passe. Est-ce que vous trouvez aussi que les mecs sont des connards à ce niveau-là? Est-ce qu'ils ont plutôt tendance à prendre toute la place et pas du tout être galants à vous laisser vous installer, mesdemoiselles? Vous nous dites. Voilà, vous balancez votre message maintenant, vous envoyez un message par SMS, vous débutez le message par Mickaël, vous envoyez ça au 64 900, ou alors tout simplement au 3044 pour la Belgique, ou alors vous laissez votre message sur le Facebook, tout simplement Facebook et Twitter, vous tapez Mickaël officiel, c'est aussi simple que ça. Bon, Angélique, bouge pas avant de te reprendre et avant d'essayer d'appeler ton mec. On a Arnaud avec nous maintenant là. Arnaud, t'es toujours là? Toujours. Ouais, très bien. Alors Arnaud qui est avec nous parce que bah, il avait envie de repartir avec le cadeau de ouf qu'on offre cette semaine, c'est-à-dire GoDance. On va vous offrir le jeu GoDance et on va aussi vous offrir soit l'iPad, soit la PS3. C'est toi qui choisiras. Ou alors, toi tu prendrais l'iPad toi? Oh bah oui, écoute, carrément. Bon bah écoute, voilà, donc iPad ou PS3 à gagner. Et le principe est donc très très simple. Tu vas donc poser une colle et tout à l'heure, avant 22h, on donne la réponse et on saura qui gagne, soit toi, soit un auditeur qui aura balancé la bonne réponse. Alors vas-y Arnaud. Donc je suis né dans l'eau, je vis dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. Qui suis-je? Bon, alors il y a Lucas qui proposait une goutte d'eau. Non, du tout. Il y a Camille qui dit le moustique. Non, d'accord, ok. Lucas qui dit la réponse c'est à la colle, c'est la goutte. Ah, c'est un autre Lucas, ça, non, c'est pas ça. C'est pas la goutte. Non. Bon, d'accord, ok. Il y a Eduardo qui dit c'est l'eau la réponse de la colle. Non. Non, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Nathan qui dit la vapeur. Ah, pas con la vapeur. Ouais mais non. Bon bah si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous allez sur le Facebook de l'émission maintenant. Vous allez voir, il y a une espèce de banner comme ça, une photo où on parle de GoDance avec les iPads et les PS3. Si vous voulez répondre, il suffit de répondre à cette colle. Et si vous avez la bonne réponse, vous êtes appelé en direct à l'antenne. Si vous avez la bonne réponse à l'antenne, c'est vous qui repartez avec le jeu GoDance évidemment. Et aussi avec l'iPad ou la PS3, c'est vous qui choisirez. Ou alors ce sera Arnaud, on verra. Ça dépend si quelqu'un trouve la bonne réponse. Je vous souhaite bonne chance tout cas Arnaud. Bah, écoute, je t'en prie, bonne chance à toi. Pour donner vos réponses, donc vous allez sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel, vous laissez un commentaire sur le banner, donc, ou alors si vous n'avez pas internet, vous envoyez tout simplement un SMS maintenant en débutant le message par Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique à la question je ne suis pas né dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. Qui suis-je? Voilà. Je suis né dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. qui suis-je? Voilà. En général, les cuisiniers tirent la gueule quand on le fait sans avoir goûté. Quand on en remet, quoi. Voilà. Ah, bon, oui, si oui. Vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Il va m'insulter, Arnaud, parce que je donne un indice quand même là, mais c'est pas grave, il a raison. Il pourra m'insulter. C'est pas grave. Droit, il pourra. Voilà, il aura le droit. Donc voilà, facebook.com/michaelofficiel pour vos réponses. Bonne chance. Et puis, retour avec Angélique maintenant, là, qui comprend pas pourquoi son ex l'a viré. Toujours là, Angélique? Toujours là. Bon, très bien. Alors, Angélique, il y a Anthony également qui est avec nous. Salut, Anthony. Salut. Ça va bien? Ça va, très bien, ouais. Bon, tant mieux. Alors, toi, Anthony, est-ce que tu prends les transports en commun, toi? Oui, parce que je suis justement conducteur de car. Ah, d'accord. Ah. Est-ce que tu trouves que les mecs ont plutôt tendance à prendre toute la place? Oui, c'est pas faux. Mais par contre, dans les transports en commun, ce qui est plus dérangeant, c'est que les places de devant, c'est jamais la belle minette qui s'assoit, c'est toujours la boule puante qui se met à côté du corps. En fait, c'est surtout ça le truc vraiment chiant. Ouais. Ouais. C'est jamais la belle minette ou quelqu'un de sympa, agréable et tout qui sent bon, c'est toujours soit le poivreau ou la boule puante qui se met à côté. Bah, ouais. C'est pour pas vomir. Ou le mec relou qui arrête pas de te prendre la tête pour savoir où il doit aller. Ouais, c'est ça. Voilà, par où je vais? Où est-ce que je m'arrête? Excusez-moi, c'est pas ici que je dois descendre. Non, mais je vous ai dit que j'allais vous dire. Non, mais vous êtes sûr que c'est pas là, hein? Oui, vous inquiétez pas, moi des fois je vous le rappelle, des fois que vous ayez oublié, on sait jamais. Bon bref, le relou quoi. Donc ils prennent plus de place. Donc c'est avéré apparemment, c'est un chauffeur de bus qui nous le dit. Vous nous dites hein, si vous prenez les transports en commun là tous les jours là, comment ça se passe? Est-ce que les mecs ont plutôt tendance à se mettre à leur aise et à prendre toute la place, contrairement aux filles qui essayent plutôt de se faire plutôt discrète et de laisser la place à un maximum de monde? Paraît-il, c'est le sondage, on verra bien. Hein. Bon, vous nous dites par Twitter, vous mettez le hashtag Mickaël. Bon Anthony, toi tu voulais qu'on parle avec. Enfin tu voulais parler d'Angélique toi? Ah non, pas du tout, non. Ah, tu voulais parler de quoi alors? Non, pas du tout, non, je la connais pas, c'est Angélique. Non, mais nous non plus, on la connaît pas, mais. Non, on a la foutre, je vous connais pas, vous êtes qui? Je m'en vais. C'est Angélique qui parlait de son mec, mais bon, tu voulais parler de quoi toi alors? Bah, moi, c'était le tunnel de Fourvière. Ah, le fameux! Oh là là, le Lyonnais. Bon, et qu'est-ce que tu voulais dire? On a lancé ce débat comme ça, tu sais, bêtement, en se disant, de toute façon, on s'en fout, c'est un truc à la con, tout le monde s'en branle, mais non. C'est pas juste les Lyonnais, c'est le calvaire de tous les mecs qui partent en vacances. Ouais, tous ceux qui vont dans le sud, c'est vrai, ouais. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire, toi, Anthony? Non, mais c'est totalement vrai, en fait. C'est une autoroute à trois voies, et après, ça se réduit à deux voies. Et limité à 70, c'est juste avant, il y a un radar. Donc tout le monde ralentit, et le problème, c'est que ça fait des bouchons. Ah ben voilà. Ah, c'est à cause du radar, en fait. Bah, entre autres. Entre autres, oui. Ouais, ça aide pas, en fait. Ouais, c'est ça. Non, attends. Non, ça aide pas le radar. Attends, parce que. Bref, à cause du radar aussi. Il y a Jérôme, un autre Lyonnais, là, qui est là. Ça va, Jérôme? Ça va. Bon, bah, bienvenue à toi. T'appelles pourquoi, toi, Jérôme? Bah, aussi, pour parler du tunnel. Oh, bah oui, c'est à cause du Parisien hein, que le tunnel, lui, nous, ça va très bien quand on le prend. Hein. Moi, je le prends tous les jours pour aller au travail. J'ai habité 2 ans devant le tunnel. Ah bah non, moi, j'habite à côté, hein, pas loin, dans le 6e, c'est juste à côté. Mais tu vas quand même pas dire que le tunnel est vide tout le temps. Ah bah, une grande partie, si, mais bon, c'est vrai que le week-end, c'est vrai que c'est pas vrai, mais quand je vois la moto que tu as sur Internet, où on voit comment dire un siècle, là, de toilette, c'est souvent bouché, hein, c'est pour ça, hein. Mais voilà, mais avec la moto, il passe partout, c'est parce qu'il était tellement terrorisé par les bouchons que... Prends la mobilette, toi. Mais oui, maintenant qu'il a la mobilette. Ouais, mais j'ai plus... Mais pour la mobilette, pour aller dans le sud, ça va me faire loin. Ah, écoute, il y en a qui l'ont fait, hein. Mais c'est un tunnel, c'est vrai qu'il aurait besoin d'être rénové comme la Croix-Rousse, mais bon, c'est vrai que c'est souvent les Parisiens qui foutent la merde. Bah ouais, comme d'habitude, comme le Paris. Le mec, il est vénère. C'est un ancien Parisien, donc du 15e. Donc je sais très bien comment ça fonctionne aussi le périphérique à Paris. Oui, mais voilà, après, c'est toujours bougé. Mais c'était pas un débat qu'on voulait lancer là-bas. C'est juste Pof qui a dit oui, le tunnel. Non, moi, c'est simplement que le tunnel de la Croix-Rousse, il y a des heures à éviter, mais autrement. C'est un bel endroit à visiter si vous allez à Lyon, quoi. C'est comme le périphérique à Paris. Voilà, à visiter, c'est super bon. D'avoir un loving fun autrement? Un loving fun, tu peux si tu veux, un pack fun. On va te filer un pack fun si tu veux, oui. Oui, en tout cas, vous êtes vraiment génial et je suis vraiment content de cette émission que j'ai pris en cours depuis un mois. Eh ben écoute, c'est super, sois le bienvenu, Jérôme. T'es bienvenu chez toi, il n'y a pas de problème, Jérôme. Merci à toi en tout cas. Eh ben merci à vous et à très bientôt. Salut, à bientôt. Salut Jérôme, ciao à toi. Anthony, bah écoute, merci de passer, tu reviens quand tu veux toi aussi, hein. Eh ben de rien, y a pas de soucis. Eh ben avec plaisir. Bon bah bouge pas de là, Anthony. Angélique, on va te reprendre dans un instant. Toi du coup, on va appeler ton mec. Il s'appelle comment ton mec en fait? Cyril, d'accord, ok, bah écoute, on va l'appeler dans un instant, ne bouge pas de là. On aura également le chéri je peux te faire cocu qui était juste magistral la semaine dernière. Oh là là là. Ah, t'as écouté ou pas toi Angélique, le chéri je peux te faire cocu la semaine dernière? Non, j'ai pas écouté. Oh là là là là là, c'est-à-dire que comment t'expliquer que t'as tout raté hein, la semaine dernière. Oh là là. Ça va, j'écouterai ce bah, tu demain. Vas non mais ce soir même, ce soir. Demain on en fait un nouveau, ce soir on va remettre celui que t'as raté c'est lundi dernier. Alors ça donnait ça par exemple hein. J'en ai rien à branler, tu vas dégager si ça. Voilà, il y avait ça aussi. Vas-y, ferme ta gueule, passe-me-la. Passe-me-la et puis c'est là. Ouais, c'est ferme ta gueule toi, connasse là. Voilà, il parlait évidemment à sa meuf, bien sûr, sinon c'était pas drôle. Qu'il aime, bon, qu'il aime. Et qu'il aime, bien entendu, ça s'entend déjà tellement fort. Bon, Angélique, bouge pas de là, on va revenir dans un instant. Tiens, en parlant des Lyonnais, ils vont jouer là ce soir au foot. On vous tiendra au jus, évidemment, à partir de 21h. Et puis on va s'écouter du son aussi, comme promis. Sur la radio, le son de Jason Derulo. Jason Derulo avec The Other Side, c'est ce qui va arriver dans un instant. Et pour la prochaine heure, faites vos propositions pour les sons Dance Floor. Vous tapez le hashtag Mickaël sur Twitter, vous faites vos propositions. Et puis on écoutera ce que vous proposez tout à l'heure avec grand plaisir. C'est Fun Radio, 20h43, c'est Mickaël No Limites. On est ensemble jusqu'à minuit, bienvenue. Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. No Limites. Fun. 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. No Limites, 20h minuit. Fun. C'est Mickaël No Limites. Mickaël. On Fun Radio. Sur Fun Radio, exact, on est en direct sur Fun là tous les soirs, il est 20h48, on est au taquet sur Fun Radio et en direct dans toute la France. 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard. Il y a Sandro d'ailleurs qui décroche ce soir en pleine forme. Bah oui, toujours. Eh bah oui, très bien, voilà, donc si vous voulez l'appeler, n'hésitez pas, vous passerez à l'antenne, ça m'étonne pas, tiens. Donc si vous voulez passer à l'antenne, vous êtes les bienvenus, 01 42 48 5000. Et ça y est. La photo de Toff avec la nouvelle coupe de cheveux est disponible sur le Facebook, vous pouvez aller voir. facebook.com/Mickaël officiel. Juste et moi ou j'ai grave maigri. Ah fais voir ton bide. Non c'est tu t'es rasé, arrête ton cinéma, oui. Tu te poses pas de la même manière, l'autre il se la ramène là. Non, ça me rassure au contraire. Oh il se la ramène, l'autre il bouffe que de la merde et oui j'ai maigri. Oui arrête ton cinéma. Perdu tu t'es rasé la barre. On est arrivé ici. Hein. Si bah donc je sais pas comment tu fais hein. Parce qu'avec ce que tu bouffes comme crasse. Je sais pas non plus. Voilà. Pom, pom, pom, pom. Bah il ressemble à... Non, je crois pas. À du faut Perrier. Te peser, faut que tu te pèses. Bah allez, on verra. Je viens de te dire, j'ai perdu 6 kilos depuis qu'on a commencé l'émission. Bon, allez, bah, bonne soirée tout le monde. On va revenir dans un instant. Là, bougez pas de là, on s'écoute maintenant le son de Jason Derulo avec The Other Side. Bonne soirée tout le monde, c'est Mickaël No Limites. Et on est en direct évidemment sur Fun Radio jusqu'à minuit. Bienvenue tout le monde. Jason Derulo sur Fun Radio, c'était The Other Side. Bienvenue si vous venez de débarquer là. Tout à l'heure je vous avais fait découvrir le son de Britney Spears avec Work Bitch. Hey, je vous l'ai fait découvrir tout à l'heure sur Fun Radio, donc pour ceux qui veulent le réentendre ou ceux qui n'étaient pas là, eh ben vous avez la possibilité de leur demander. Hein. Vous demandez ça sur Twitter, vous mettez le hashtag Mickaël sur Fun Radio maintenant sur Twitter, hashtag Mickaël et vous mettez Britney Spears. Je vous le remettrai tout à l'heure avec plaisir. Ce qu'on va se remettre également, c'est le chéri, je peux te faire cocu cette semaine, qui était juste énormissime. C'était lundi, d'ailleurs tous les lundis on fait le chéri, je peux te faire cocu après 23h. Le principe est simple, donc bah vous êtes imaginons un garçon, vous voulez piéger votre copine, et ben on l'appelle ensemble et donc du coup bah vous lui demandez si vous pouvez exceptionnellement coucher avec une autre meuf juste un soir quoi, et comme vous êtes honnête, bah vous lui demandez avant de le faire, ce qui est quand même une preuve d'honnêteté quand même exceptionnelle. Ouais. Et d'amour, c'est exactement. Beau, c'est beau. Et donc on fait le jeu tous les lundis. Donc pour ceux qui étaient pas là lundi parce qu'on fait ça assez tard, ben on va le remettre ce soir d'ici quelques minutes. Il y a Max27 qui dit Sandro est revenu là, trop content. Bah oui, là Franco là aussi qui dit comeback de Sandro. Le prince Nadia qui dit ah mais oui le chéri je peux te faire cocu là de lundi dernier à réentendre tout de suite. Il était trop bon. Ah ouais on s'est bien marré hein. Et Cookie qui dit je vous aime Mickaël, Sandro, Toff, Polo et bien sûr Nini bah Let's Be Freaks quoi pour ceux qui connaissent pas. Ah, et Thibaut aussi, qui dit c'est quoi la colle le soir et Toff etc. Et Toff est gros. Merci. Voilà. Bon la colle de soir c'est Arnaud, tu vas nous le répéter là la colle de soir là. Vas-y. Alors, la colle. Oui. Je suis né dans l'eau, je vis dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. Qui suis-je ? Voilà, donc je suis né dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. Qui suis-je ? C'est ça ? C'est ça. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer maintenant. facebook.com/Mickaël officiel pour gagner le jeu GoDance, évidemment. Et aussi, d'ailleurs, vous allez pouvoir choisir soit un iPad, soit une PlayStation 3. C'est vous qui choisirez. Alors, si jamais Arnaud gagne, il prendrait l'iPad, c'est ce qu'il a dit, c'est ça, hein ? Oui. Voilà, et si quelqu'un trouve la bonne réponse sur le Facebook ou par SMS et qu'on le prend à l'antenne, qu'il est tiré au sort, quoi, eh bien, c'est lui qui repartira avec le cadeau et Arnaud repartira la queue entre les jambes. Bon, à vous de jouer, facebook.com/michaelofficiel pour envoyer votre réponse. Ou alors, si vous n'avez pas internet, vous pouvez le faire aussi. Ou alors, en plus, peu importe, sur les SMS, vous envoyez Michael par SMS au 64 900 ou alors au 63 22 pour la Belgique. Je vous souhaite bonne chance. Tirage au sort un petit peu avant 22h. Voilà, tu restes avec nous, Arnaud? Bah oui, toujours. Bah très bien, en même temps si tu raccroches t'as perdu, ce serait con. Bah oui, ce serait quand même très con. Bon voilà, donc je suis né dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche, je disparais à nouveau. Qui suis-je? Bonne chance Arnaud, à tout à l'heure. Merci. Allez, à tout à l'heure Arnaud, j'étais un petit peu coupé la chic. Bon, il y a Angélique le retour là, maintenant Angélique. Oui, oui. Alors, avant de faire le chéri, je peux te faire cocu. On a juste un petit témoignage de Nicolas qui est avec nous là. Nico, t'es là ? Ouais, je suis là. Ouais. Voilà. Avant d'appeler ton mec, Angélique, il y a Nico qui voulait te parler d'abord, hein, puisque Angélique, pour ceux qui viennent de débarquer, ne comprend pas pourquoi son ex l'a jeté. Elle essaie de reprendre contact avec lui, mais il ne décroche pas. Et en fait, le problème, c'est qu'elle voudrait lui annoncer bah, qui va être papa. Ouais ! Voilà. Et bravo. Oui. Cool. C'est gagnant. Bon. Bah voilà, c'est ça. Bon, alors du coup. Si jamais on l'a au téléphone, tu vas lui niquer son dimanche soir. Oui, bah peut-être. Ou il va peut-être être content, on va savoir. Ah bah s'ils sont séparés, déjà ça part mal quand même. Oui, c'est vrai. Mais il sera peut-être content d'être papa, on va savoir. On sait jamais. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, si on n'arrive pas à le joindre, t'inquiète pas, on prend directement la mobilette de Toff. Et on va lui péter sa gueule, Angélique. Bah si vous voulez venir sur Bergerac, y'a pas de soucis. Hein. T'inquiète pas, la mobilette de Dove peut aller partout. Mais oui, il faut juste Cyrano. La pousser un peu dans les Elle est équipée, d'ailleurs j'ai pris rendez-vous dans un mois et demi, on met des pneus neige sur la mobilette. Waouh. Exactement, oui, pour être sûr, les pneus hiver. Ça existe ça? Bon, on va inventer, on mettra des clous dessus, tu vas voir, elle va être au taquet. Bon alors Nico, c'est quoi le conseil que t'avais filé Angélique toi? Ouais, en fait moi j'ai eu un problème à peu près similaire, enfin à peu près. Ouais. En fait moi je suis sorti avec ma meuf pendant un peu plus d'un an et j'étais vraiment... C'était vraiment génial, tu vois. Ah oui. Et genre, du jour au lendemain, plus de nouvelles, pareil et tout. Et donc, j'ai galéré à l'oublier, tu vois. Et là, en fait, depuis un mois, je suis avec une fille que je vois vraiment souvent et tout. Là, depuis le début de la semaine, bah voilà, on est un peu ensemble, quoi. Mm-hmm. Et on est un peu ensemble, j'aime bien le un peu. C'est le mec qui prend pas trop de risques. On non, est un peu. Non. Okay. Ah oui, ça fait une semaine, ça fait 7 jours. Ouais. Ils sont un peu ensemble, pas tous les jours. Un peu ensemble. Quoi. C'est ça. Et donc? Et donc, en fait, c'est mon ex maintenant qui me reparle. Depuis que je suis avec l'autre, en fait, elle me dit ouais, qu'est-ce qu'il y a, machin. Elle me parle et tout. Donc, je réponds pas pour un moment, mais je sais pas quoi faire, en fait. Bah, t'as envie de retourner avec elle ou pas? Bah, en fait, je sais pas, tu vois, parce que je l'aime encore, mais je me dis maintenant, je suis avec une autre. Puis si l'autre, elle me refait un coup comme ça, je vais pas le supporter, quoi. Bah, non, mais en même temps, bah oui, mais ça, c'est un risque. Après, tu sais, la meuf, elle peut s'être trompée. Après, voilà, si t'es encore amoureux d'elle, vas-y. Ouais mais voilà, elle m'a vraiment laissé tomber comme ça, du jour au lendemain. Ouais mais voilà, peut-être qu'elle t'a laissé tomber parce qu'on sait ce qu'on a, elle sait pas ce qu'elle a trouvé en l'occurrence, peut-être moins bien, probablement même. Et puis rassure-toi, la meuf avec qui t'es maintenant, bah Toff il peut s'en charger hein. Lui encore une fois là, hop là, il démarre. Non ça va. Voilà, il démarre, il arrive et pas de problème hein. Et au quart de tour, je lui fais ça. Ouais, mais je suis bien aussi avec celle que je suis en ce moment, tu vois. Ah, mais tu pourras pas avoir les deux, donc il faudra te décider à un moment ou à l'autre. Hein. Non, mais c'est vrai. Ouais, mais je sais pas. Écoute, moi je te dis, si t'es encore amoureux de la première, retourne avec la première. Ouais, mais imagine me refaire un coup comme ça. Eh ben, ouais, mais non, mais c'est le risque, hein. C'est comme si t'as un boulot et qu'on te propose un boulot qui est un peu mieux payé. Tu te dis, bon, je vais y aller, mais si jamais je me fais virer, ah bah oui, mais ça tu sauras jamais, hein. Ouais, mais l'autre, vraiment bien aussi, quoi. C'est pas que l'autre, elle me paye mieux. Genre, les deux, je les aime vraiment, en fait. Enfin... Bah écoute, alors là, écoute, alors fais-la attendre, essaye avec la nouvelle, et si avec la nouvelle ça se passe mal, t'iras voir la seconde. Ouais, enfin, t'iras voir la première plutôt. Sinon, moi je propose le temps partagé, hein, trois jours avec l'autre, et ça, c'est un jour pour te reposer parce qu'elles t'auront saoulé. Voilà, peut-être. Ou alors pour essayer de trouver une nouvelle pour remplacer une des deux. Ah, le dimanche. Non. C'est une idée, ouais. Bon, Nico, reste avec nous, on va essayer d'appeler le mec d'Angélique, là, le Cyril, là, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Tu parles ou je parle, Angélique? Si non, jamais. Je te laisse faire. Bon, si jamais il décroche, hein. Bon, on y va, c'est parti, on l'appelle. Allez. Oh, j'ai toujours rêvé d'annoncer des bonnes nouvelles comme ça, je suis content. Allez. Tu es un peu la cigogne. Oui, voilà, c'est ça, j'apporte le petit. Il arrive avec le bébé. Exactement, j'espère qu'il va décrocher surtout. Ça m'étonnerait. On verra. Pourquoi il décroche jamais au numéro masqué? C'est rare. D'accord. J'en connais une qui l'a tellement saoulé, ouais. Ouais. Attends. Au pire, je lui laisse un message, t'inquiète. On le rappellera d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Messagerie Orange, parfait. Bonjour. Bon, c'est pas grave. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. C'est rien. Veuillez laisser votre message après le bip. Non, t'inquiète. Allô, bonjour Cyril. Bah écoute, je suis un ami d'Angélique. Alors je te préviens, je vais te rappeler d'ici 20 minutes, une demi-heure. Voilà, parce qu'elle n'arrive pas à te joindre, elle a un truc important à te dire. Je te rassure, c'est pas pour te récupérer ou te faire la misère ou quoi que ce soit. C'est vraiment, voilà, pas du tout ça. Donc je te rappelle d'ici, voilà, j'essaie de te rappeler d'ici un quart d'heure, une demi-heure maximum. Donc voilà, si tu peux juste décrocher, après l'histoire sera terminée. Mais voilà, il y avait juste un truc important à te dire et après ça sera fini. Donc voilà, bah écoute, je te remercie d'avance. Hein, à tout à l'heure, Cyril. Salut à toi, ciao. On peut là. Bon, eh ben écoute Angélique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir, on va vérifier dans un quart d'heure, hein, un quart d'heure, une demi-heure, on va le rappeler. Ok, y a pas de On va essayer en tout cas. Bon, ben merci Nicolas en tout cas d'être passé. Hein. Ouais, ben alors, par contre, je voulais dire, est-ce que je peux répondre à la question là, le mec, le truc de l'eau? Tu peux, mais tu gagneras pas. Je gagnerai pas. Ah non, parce qu'il faut, bah non, c'est normal. Attends, tout le monde répond par soit sur le Facebook, soit par SMS. Alors toi, t'arrives comme ça, hop, hop, hop, hop, je court-circuite tout le monde. Donc tu peux donner une réponse. Oui. Non, ça par contre pas de problème. Ça tu vas gérer avec Sandro au standard, d'accord? Ok, génial. Bah vas-y, moi je dis c'est le sel. Peut-être, on verra. Bah en même temps, j'ai pas Arnaud sous la main là pour vérifier, mais si jamais c'est la bonne réponse, tu pourras dire merde, putain, je repars avec un pack fun alors que j'aurais pu avoir Godens et un iPad. Bah surtout lui, il aura les morts parce qu'il aura rien du tout, tu vois. Ouais, oui, en plus, ouais, en plus. Mais enfin, cela dit, j'ai pas dit si oui ou non c'était la bonne réponse, j'en sais rien. Ouais, on verra bien avec Arnaud. Bon, bah, salut en tout cas, Nico. Hein. Ouais, allez, salut, merci. Salut, ciao à toi. Retour avec Jonathan dans un instant et David là, pour parler du métro là, et Cécilia également. Vous êtes là tous les trois? Oui. Salut. Ça va? Ça va. Tranquille. Bon, alors, soyez les bienvenus sur Fun Radio. Alors, on va honneur aux filles, évidemment, Cécilia. Hein. Hein? D'accord. Bon, alors Cécilia, on voulait parler des métros, toi, puisqu'on était tombé sur une enquête. Alors il fallait quand même qu'on me dise oui ou non. Une enquête qui dirait que les mecs prennent plus de place dans les transports en commun, ce qui est assez improbable. Ouais. Genre, par exemple, s'il y a un wagon vide, bah ils vont prendre toute la place. Ouais. Bon, là, qui ne le fera pas? Mais même si le wagon n'est pas vide, ils vont prendre toute la place. Et apparemment, c'est prouvé, ça, a priori. C'est faux. Bah, on a eu un chauffeur de bus qui nous a confirmé. Ouais, mais quand tu prends le métro ou d'autres transports communs, c'est 50-50, hein. Non, t'as apparemment les bagages, des ouais, non, des ça sacs, peut être, mais les meufs sont peut-être plus attention à prendre le moins de place alors que les mecs s'en battent les couilles. Ouais, mais enfin elles ont des sacs grands comme un cabas. Mais toi t'as un sac à dos qui fait le poids de ton appartement. C'est parce qu'il y a ma vie dans mon. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, Cécilia, qu'est-ce que t'en penses toi de ce sondage, enfin de cette enquête plutôt? Ben, ils prennent place là où il y a les filles pour pouvoir mieux, on va dire, se coller, profiter d'eux un peu, de laps de temps qu'ils sont dans le métro. Ouais, ça c'est... t'en fais déjà, nous a raconté un truc dans le bureau. Bon, comme d'habitude, on l'a pas cru, mais force est de constater qu'on va quand même lui laisser le bénéfice du doute. Ouais. Mais il a raconté avec Polo tout à l'heure, ouais, moi j'ai déjà vu des meufs, un couple, c'est en train de baiser en métro. Non, t'exagères. Si. Oh, qu'est-ce qu'il a dit, Toff? Il a dit ou il a pas dit? Toff, il l'a dit. Oh, un coup de flamme pour mensonge. Et bien sûr. Voilà. Et une coupe, pas un coup de pelle parce que. Voilà, c'est mieux. Voilà. Attends, il y a la coupe de cheveux là qui déborde. Ah oui, merde, attends une seconde. Voilà. Voilà, c'est mieux. Donc ouais, je dis moi je m'emballe vite. Attends. Et... Ouais, voilà. Mais j'avais... Oh, attends. Voilà. J'avais réduit un petit peu quand même le. Ouais. Le propos. Attends, encore un petit truc là. Non, vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. Voilà. Là c'est parfait. Et donc ouais, enfin, je m'emballe, je dis parfait, mais bon. Ouais, enfin vite fait quoi. Voilà, c'est ça. Et donc ouais, donc c'était. Hop, il en restait une. Voilà. Tu disais? C'était un matin où je travaillais pour un très grand groupe de pop à l'époque. Allô? Un très grand groupe de pop. Attends une seconde, David, là, il y a Toff qui est en train de nous embrouiller encore là. Non, c'est un très grand groupe. Un très très très grand oui, groupe. Oui bon bref. Et donc en fait je devais prendre le métro super tôt pour arriver là où il y avait le matériel. Et donc j'ai pris le premier métro à 5h et quelques. Mais pourquoi tu dis pas directement je suis rentré dans un métro? Ouais, non, parce que... Parce que j'explique pourquoi je prenais le métro à 5h du matin. Il a envie de parler ce soir. Ouais. Attends, c'est pour sa langue. Ah, je lui crame comme ça, il parlera pas trop. Bon, donc. Non, je suis sûr que ça t'aurait fait rire de savoir qui était le groupe, mais Top Pays, t'as pas envie. Bon, c'est qui le groupe? C'est les Toubitri. Oh la honte. Oui, j'ai honte, mais. Oh la honte. C'est pas un groupe de pop, c'est un groupe de merde. Oui, si tu veux. Bon, soit. Alors bon, continue. Et donc, quand je suis rentré dans le métro, il y avait une espèce de couple qui était là, qui était complètement torché, et le mec était en train de mettre des doigts à la meuf, quoi. Ah oui, carrément. Voilà. Ah, c'est sympa ça. Ça t'est jamais arrivé, toi, Cécilia? Ça peut arriver parce que en fait moi je suis un petit peu complexée mais mon copain il est très rapide tu vois donc il a un peu sans gêne. Donc si c'est pas moi qui lui dis stop pour lui-même il peut carrément me baiser dans le train. Ah ouais ça arrive, non d'accord, ok j'ai rien dit, ok. Je n'ai rien dit, très bien. Bon. Et du coup tu l'as déjà fait ou pas Cécilia, non? Non, j'ai jamais baisé dans le train, mais j'ai déjà été doigté dans le train. C'était peut-être toi. Bon, ok, j'ai rien dit. Très bien, ça m'apprendra. J'ai raté l'occasion de me taire. C'est quel train? Parce que toi, voudrais, Polo voudrait venir avec, avec les caméras, les GoPro, tout ça pour les installer. D'accord, donc toi, t'étais plutôt d'accord, Cécilia, alors, c'est ça, hein? Oui. Comme quoi les meufs prennent moins de place et les mecs beaucoup plus. Ok, prenons l'avis de Jonathan qui est avec nous, 29 ans, du 80. Salut Jonathan. Salut, salut l'équipe de fun. Comment ça va? Le chauffeur de bus. Salut. Alors le chauffeur de bus. Eh bien, bon, déjà pour revenir au truc de... Les mecs prennent vraiment plus de place que les filles, ça c'est vrai. Les filles se font discrètes, s'assoient sur les sièges, essaient de ne pas déborder. Les mecs s'étalent sur des sièges. Ça, de ne pas déborder, j'aime bien, ouais. Bah c'est vrai, franchement les filles sont bien plus discrètes. Après les mecs veulent faire un peu les malins et prennent plus de place. Ça, d'accord. Je confirme. Et sinon, il m'est arrivé un truc, parce que il m'arrive de faire aussi les navettes des discothèques. Ouais. Et en fait, un soir, je fais une navette, donc s'il faut, je vais le dire pour que les gens de ma région connaissent. Donc c'est l'Arena à la Grave, je suis sur Albi. Et en fait, il y a un mec qui s'est endormi dans le bus. Et un de ses potes, il avait vomi dessus. Et c'est donc, bon ça. À l'arrivée, donc je me lève, je vois qu'il reste quelqu'un, je m'approche de lui, putain, dégueulasse, il avait des grumeaux sur lui. Classe. Merci pour ceux qui sont en train de manger, bon app. Je le réveille, mais sans le toucher, je gueule dessus, je l'ai pris en photo. Je vous avoue, je l'ai pris en photo. Je pourrais vous la moyer, la photo. Ça ira, c'est... Et le mec, je lui fais... Vomito, tu te lèves? Vomito. Il se regarde partout, il est rentré chez lui, il devait être dégoûté. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, mais c'est clair. Quelle horreur. En plus, ça devait puer. Quelle angoisse. C'est des bus qui font que les navettes, donc on a l'habitude d'avoir du vomi, mais moi, je le plaignais, c'était dégueulasse, il avait partout, dans les cheveux, dans le manteau, il avait partout. Ouais, il s'est vomi dessus, quoi. Quelle horreur. Bon, lui, pour le coup, à mon avis, il pouvait se permettre de prendre toute la place, personne voulait venir à côté de lui, hein. Mais je pense que même devant, même derrière, il n'y a personne qui se met à côté. Ouais. Sans blague. Et attends, il y a David aussi qui est avec nous là. Salut David du Val d'Oise. Salut. Ça va? Ça va. Bon, alors toi, tu voulais réagir aussi toi? Alors toi, t'es d'accord avec cette espèce de grande enquête comme quoi les mecs, il faut aller voir un médecin, Cécilia, maintenant. Hein, Cécilia? J'irai demain matin. Oui, c'est mieux, Cécilia. Bon, donc t'es d'accord avec cette enquête, David, qui dit que les mecs prennent plus de place dans les transports en commun, ils s'en foutent. S'il y a une meuf qui arrive et qui a pas de place, bah c'est pas grave. Non, c'est faux. C'est faux pourquoi? Parce que toi tu le fais pas ou parce que t'en as vu plein qui étaient comme ça? Non, mais moi j'en ai jamais vu. Bon, mais toi c'est parce que t'es un gentleman. Bah bien sûr. Bah voilà, toi. Comment il se la raconte, toi? Ouais, mais t'es un gentleman, toi, c'est pour ça. Donc jamais, même tes potes, ils prennent pas trop de place. Non. D'accord. En même temps, c'est con comme question, mais je me suis dit aussi, mais qu'est-ce que c'est con comme sondage? Ouais. Tu vois, comme enquête, à quel moment tu t'en fous de savoir s'il y a des gens qui prennent plus ou moins de place dans les transports, quoi? Enfin bon. Ouais, mais ça nous a permis de raconter des histoires. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, moi, je dis oui, les hommes prennent plus de place pour profiter des tripotés les femmes. Mais dans exactement. Non, mais ça, il y en a d'ailleurs. Dites-nous si vous avez déjà fait l'amour dans les transports en commun, tiens. Si vous avez fait l'amour, ou alors si, comme Cécilia, vous avez fait les préliminaires dans les transports en commun. On peut en parler aussi, ouais. Mais c'est comme les mecs, tu sais, qui viennent et qui prennent le métro ou le bus, genre aux heures de grande affluence et qui collent la bonne meuf. Ouais. Juste pour pouvoir c'est la au Japon, ça, surtout. Ouais, mais ça, il y en a plein partout. Ouais. Bon, ben Jonathan, merci à toi en tout cas d'être passé. Et tu reviens quand tu veux, Jonathan. Hein. Avec plaisir. Bon, ben, toute l'équipe. Bon. Salut, merci à toi. Merci à David également. Cécilia, je te fais des bisous. Ok, à pas de soucis. Et va voir le médecin, Cécilia. Bon, soigne-toi. Salut, Cécilia. Ciao à toi, bye bye. Bon, il y a Tonio aussi dans un instant qui est avec nous là. Bonsoir, Tonio, t'appelles pourquoi? Allô, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va, nickel. Bon, donc on va parler dans un instant avec toi, dis-moi. Ben, j'ai eu un petit souci à ma copine, voilà, en gros. Ah, encore, écoute, on va en parler dans un instant. Tonio, reste avec nous. On va toujours appeler le mec d'Angélique dans quelques instants sur Fun Radio. On aura la colle avec Arnaud aussi dans quelques instants. Et pour gagner votre jeu Godens ce soir et aussi votre iPad ou votre PS3, c'est vous qui choisirez. À vous de jouer maintenant. Rencard sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Dans un instant, vous l'aviez demandé, le son de Snow White Mutton Heads. C'est le son d'Ence Floor de Fun qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Il est 21h10, on est en direct avec vous toutes et vous tous. A vous de venir prendre le contrôle, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. C'est Mickaël, nos limites, on est là jusqu'à minuit le dimanche soir. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. Mickaël, Mickaël, No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. C'est comme ça sur Fun Radio, tous les dimanches soirs on est là. Et oui, il se passe quelque chose sur Fun Radio, il se passe quelque chose sur les radios d'ailleurs en France tous les soirs. On est avec vous évidemment de 20h à minuit le dimanche et toute la semaine de 23h à 2h du mat pour prendre le contrôle de Fun. Un seul numéro, ça se passe au 01 42 48 5000, le numéro du standard de Fun. On va vous offrir dans un instant le jeu GoDance avec soit l'iPad soit la PS3, c'est vous qui choisirez. Si vous voulez repartir avec ça, c'est facile, il faut répondre à la colle d'Arnaud. Je suis né dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. Pareil à nouveau donc, qui suis-je? Pour donner vos réponses, facebook.com/mikaelofficiel ou par SMS, vous envoyez simplement Mikaël et la réponse au 64 900. Allez, bonne chance tout le monde. Dans un instant, le chéri, je peux te faire cocu, vous allez voir, c'était juste de la grosse tuerie lundi dernier, je vous le remets dans un instant. On appellera le mec d'Angélique aussi pour lui annoncer qu'elle est enceinte, hein, voilà, malgré qu'ils ne sont plus ensemble en fait, tout simplement. Donc ça va bien se passer. Et puis toujours 0-0 pour les Lyonnais là, qui affrontent Rennes ce soir à Lyon. Donc bon, à voir comment ça va se passer. Je vous tiens en jus comme promis, le son de Motorhead, c'est maintenant sur Fun Radio, c'est Snow White. Shadows in my heart. Et n'oubliez pas de venir nous rejoindre également sur Fun Radio. Là, on est sur le Twitter également. Vous tapez Mikaël officiel pour venir nous rejoindre. Si vous me faites un like, et bien, enfin un follow plutôt, et bien je vous ferai un follow également sans problème. Il y a Valentin qui dit les mecs. Ah oui. C'est pour terminer, les mecs prennent plus de place que les filles dans le bus car les mecs sont les patrons et qu'il faut de l'espace vital pour nous. Oh là là, comment ils se la ramènent celui-là. Eh oui, mais oui, c'est ça. Il y a Étienne aussi qui avait envoyé un message là. Faux pour les transports. Attendez, je prends le train tous les vendredis soirs et le train est plein et les filles sont allongées sur les sièges du train, les valises sur les sièges alors que les mecs rangent tout. Alors bon, je sais pas. Ah, t'es peut-être tombé sur des mecs qui étaient bien aussi, hein, va savoir. Lorraine qui dit oui, j'avoue que les mecs prennent plus de place dans les transports en commun. Je prends le tram tous les jours aux heures de pointe, tu remarques vite que quand les gens montent, les filles sont toutes agglutinées pour faire de la place et les mecs ne bougent pas et font chier le monde. C'est bien parce que les mecs sont pour les mecs et les meufs pour les meufs. Et alors il y a Marine aussi qui dit c'est vrai, vous prenez toute la place, mort de rire. Et puis il y a Mathias qui dit coup de bazooka pour Toff, pour mensonge et délit de mocheté et un coup de pelle pour la forme. D'accord, ok. C'est bon ça. Attends une seconde. Ça fait beaucoup quand même. Non. Et dans sa gueule. Il l'a mérité. Voilà, merci à toi pour le message Mathias, avec grand plaisir. Et Juliette qui dit passez Showtech. On va te le mettre Showtech dans un instant, tiens, et vous serez content parce que ce soir je vous le mets avec la version slowdown. Un son que vous avez découvert il y a très longtemps là pour le coup sur Fun. Et je vous le mettrai également en version bouillard. Vous êtes nombreux à vouloir l'entendre, alors je vous le mettrai. Voilà, Bouya avec Showtech sera tout à l'heure sur Fun Radio. Bon, en attendant de récupérer Angélique pour appeler son mec en live, en attendant d'avoir Tonio également qui veut nous appeler pour un souci avec sa meuf, et en attendant de reprendre Arnaud également, nous allons nous faire maintenant le chéri, je peux te faire cocu, le chéri, je peux te faire cocu, c'est simple. Eh bien, c'est un jeu que nous faisons tous les lundis sur Fun Radio. Si d'ailleurs vous voulez participer, je vous rappelle qu'il y a des cadeaux évidemment à la clé, notamment des places pour le concert de Michael Moore, hein, si vous voulez. Eh bien, il suffit simplement d'appeler Sandro maintenant au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. On jouera demain. Le principe est simple. Si vous êtes une fille par exemple, eh bien on appelle votre mec en direct à l'antenne. Vous lui dites que vous avez rencontré un mec et que bah le mec vous a plu, mais que vous avez juste envie de coucher avec lui, juste une fois, juste un soir. Et donc voilà, vous lui demandez son autorisation. Donc c'est le seul concept, bon, hein. Chéri, je peux te faire cocu. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ce jeu, on a fait ça lundi dernier. Et écoutez ce que ça a donné, c'était du pur caviar. C'est parti. Allô. Oui, mon cœur. Oui bébé, pourquoi t'es en privé? Oh, qu'est-ce que ça pleut? Pourquoi t'es en numéro privé? Eh bien j'appelle de mon portable parce que bah du coup comme je déconne, et eh bien du coup c'est pour ça que j'appelle en privé en fait. Ok, ça va? Ça va, et toi? Ça va, les enfants ils dorment? Oui, ouais, du coup bah, je t'appelle en fin de compte parce que j'ai quelque chose à te dire. En fait, voilà, tu sais quand je suis sortie en boîte... la dernière fois avec les filles au Macumba, ouais. Et puis en fin de compte j'ai rencontré un mec. Pardon? Et, oui, j'ai rencontré un mec. Et, j'ai mal entendu là. Oui, et en fin de compte donc On va coucher ensemble. Là, il est à la maison avec moi. Attends, t'es en train de me dire que le mec, il est à la maison et les enfants, ils dorment à la maison? Oui, oui. Donc là, et bien, du coup, on va faire un gros câlin. Ça va être que du bonheur, quoi. Je vais te défoncer, tu le sais. Bon, c'est le Séverine. Est-ce que c'est fini, là, au téléphone? Oui, oui, bientôt. D'accord. C'est qui? J'arrive. Oh, bah, dépêche-toi, parce que moi, là, j'attends. Hein. Dis-lui qu'il ferme sa gueule, gros bâtard, là. Est-ce qu'il est d'accord? Vas-y, passe-me-le. Est-ce qu'il est d'accord? Ah, il veut me parler? Bah, moi, je le connais pas, moi. Oui, oui, vas-y. Bon, bah, d'accord. Oui, allô? Ouais. Bonsoir, monsieur. Qu'est-ce que tu fous chez moi, toi? Comment ça? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu fous chez moi? Bah, elle vous a pas expliqué, Mais j'en ai rien à branler de ce qu'elle m'a expliqué. Il y a mes gosses chez moi. Ah non, mais ils dorment, hein. On a fermé la porte. Oui, mais j'en ai rien à branler. Tu vas dégager, fissa. Ah, mais je comprends pas pourquoi vous énervez. Pourquoi je m'énerve? Parce que t'es chez moi, t'as rien à foutre chez moi, il y a mes gamins qui dorment. Oui, mais ils dorment, mais moi je les ai même pas vus, rassurez-vous, moi je suis discret, hein. Ouais, mais j'en ai rien à branler, tu vas dégager de chez moi, c'est clair. Bah sinon quoi? Bah sinon quoi? Sinon je te jure que si je te chante, mon gars, ça va mal se passer. Non, mais je comprends bien, mais je comprends pas pourquoi s'énerver autant comme ça, là. Mais pourquoi je suis énervé? Attends, t'es chez moi, ma femme elle me dit qu'elle va coucher avec toi et tu crois que je vais le prendre en rigolant, que c'est d'accord, c'est la fête. Ah non, mais alors toutes mes excuses. Non, mais je savais pas. Mais on va aller à l'hôtel alors. Non, mais y a même pas question d'aller à l'hôtel. Tu non, mais moi je savais pas que le problème était. Je comprends, ouais, c'est vrai, j'aurais dû penser. C'est vrai qu'avec les enfants, ça se fait pas. Oh chérie, on va aller à l'hôtel alors, hein. Non, mais déjà, oh, tu l'appelles pas chérie. Tu peux me servir un verre là? Tu peux me serrer une petite bouteille, parce que je te jure que je vais te défoncer, toi, derrière. Chez toi, là. Je te serre le verre. Très bien. Et magne-toi, hein, parce qu'avant, y aller, du coup. Pardon? Dépêche-toi. Ferme ta gueule. Et puis c'est bien comme ça, tu marches comme ça. Hop là, je vois tes petites fesses se rebondir. Eh, je vais te défoncer. Allô, excuse-moi, j'ai pas entendu. Tu disais? Parce que j'ai entendu que ça parlait, là, mais. Comment? Tu as arrêté mes gamins, je vais te défoncer la gueule. Ah, pourquoi? Parce que oh, viens chercher le verre au lieu de parler là! J'attends depuis 2 heures! Oh là là! Qu'est-ce qu'elle est lourde! Mais t'es un branque! Bon, défoncer. Comment ça? Mais je comprends pas pourquoi, enfin, c'est incroyable! Ferme ta gueule, repasse-moi ma femme! Bah, oh non, elle est partie me chercher un verre là! Non, mais j'en ai rien à branler de ton verre! Mais dépêche-toi! Oh là là! Je vais le défoncer! Mais qu'est-ce qu'elle traîne! Oh putain! Elle est comme ça avec toi aussi? Ou c'est juste avec moi? Vas-y, ferme ta gueule, passe-moi là. Non, mais je comprends pas, est-ce qu'elle est comme ça avec toi aussi ou c'est juste. Non, mais pour... je veux même pas te parler, vas-y. Non, mais vas-y. C'est pour voir, tu vois, comme ça moi je sais si elle le fait exprès ou pas, enfin tu vois ce que je veux dire. Je veux pas te parler, repasse-moi ma femme. Non, mais attends une seconde. Oh, ouais. Non, mais t'es sérieuse là? Et la glace? Elle va venir toute seule la glace? Mais il est fou. Eh, tu gueules comme ça, y'a des gamins qui dorment, mais je te jure. Eh, je bois ça comment? Ah bah attends, il est fou, il gueule comme ça chez moi, il y a mes gamins qui dorment, mais je vais le défoncer. Allez, c'est que je te trouve pas, hein. Mais va me chercher les glaçons là. Oh putain, qu'elle est gourde. Oh là là là là là là. Mais comment il parle, mais enculé. Eh, dis donc, passe-moi ma femme. Tu t'appelles comment? Et ça peut te foutre. Moi c'est Michel. Passe-moi ma femme. Non, ouais, c'est bien. Moi c'est Michel. Ouais. Et donc, dis donc, toi aussi elle se fout de ta gueule, parfois elle t'apporte un verre sans la glace? Et ça peut te foutre. Bah je te demande. Enculé. Passe-moi ma femme. Oh qu'il est bête. Non mais je lui pose une question, il me répond pas. Mais c'est dingue. Non mais j'ai même pas envie de te parler, passe-moi ma femme. Oh mais qu'il est bête. Ah ben voilà, tu vois là. Moi je savais qu'il fallait que je torde un peu, oui, là. Il fallait que je savais que je devais tordre un peu là. Bon Séverine. Oui. Bon je te repasse ton pseudo-mari là. Ben il est pas fait ouais, putain, je comprends. Pseudo-mari mon cul, t'es devant, tu sois venu vers moi, hein, je comprends. Tiens, je te le passe. Ouais, oui. T'es à voir, t'es devant si je t'attrape. Allô. Toi, ma parole, samedi, ça va chier pour ta gueule. Attends que je rentre, tu vas voir. Il rentre quand? Quand est-ce qu'il rentre? Samedi matin, il rentre. Ah, parce que j'ai pas de logement, là, jusqu'à là. Donc, ouais, est-ce que je peux rester sûr, ou pas? Mais bien sûr. Mais t'inquiète pas, j'irai déposer les petits à l'école. Hein. Vas-y, touche mes gamins. Mais tu sais pas, toi. Samedi matin, hein. Ouais, c'est ferme ta gueule, toi, connasse, là. Vas-y, je te jure, quand je vais rentrer, ça va mal se passer. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il est d'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais t'attraper, ma vieille, je vais te défoncer. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais te défoncer. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, qu'est-ce que je dis? Tu vas voir si je te trouve. Tu vas voir si je te trouve, mon gars. Est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Déjà tu fermes ta gueule, t'es chez moi, tu fermes ta gueule, il y a mes gamins qui dorment. Est-ce qu'il se raconte de la chasse qu'il a? Tu dégages de chez moi. Tu te barres de chez moi. Est-ce qu'il se raconte de la chasse qu'il a? Séverine. Oui. Est-ce qu'il se raconte de la chasse qu'il a? Pose une demande lui. Ben oui. Je vais défoncer. Vas-y, rigole. Du coup, on va aller faire notre câlin. Ouais, c'est ça, ouais. Va faire des grosses putes. Séverine. Oui. Et si tu me chercher à boire, là. Encore un petit verre, là. Je l'ai déjà fini, là. Ok, mais je vais... Allez, plus vite. Enculé, je rêve. Allez. Oh là là. Ah ben, on est bien chez toi, hein. Ouais, on est bien, ouais. Tu vas voir, mon gars. Non, mais on est bien installé, je veux dire. Ouais, ah ouais, mais que je te trouve pas, mon gars, parce que je te jure, ça va mal se terminer. Bah, tu peux me trouver facilement, je suis chez toi. Ah ouais, mais fais le malin, parce que je suis loin. Tu vas voir. Ah, t'es loin, t'es où? Ouais, qui ça peut te foutre? Bah, je m'intéresse, tu vois, il y a un moment, je vais me faire ta femme, alors j'aimerais quand même qu'on sache. Tu vas rien te faire du tout, oui, tu vas te faire une chèvre si tu veux, mais tu touches pas ma femme. Je vois pas le rapport, c'est très. Ouais, Séverine, ah il t'a insulté de chèvre, c'est hein, c'est moi, ça se fait ah pas. Ouais, hein. C'est ça, ouais. Il t'a insulté de chèvre. Il pris le verre. Mais encore heureux, il était temps. Bon, il t'a insulté de chèvre, hein. De quoi, je suis une chèvre? Oui. Ah ouais, t'es une grosse chèvre, ouais. Ah bon, bah, c'est bon, t'as fini, il y en a moins qui travaillent. Oh hein oh donc, va te faire baiser, oh fous-moi la paix et on va régler ça samedi. Nique ta mère. Oh merde, il est parti donc. Attends, on va le rappeler, on va finir là. Merde, attends, la ligne, comment ça, la ligne n'est pas prête. Si, elle est prête. Allez hop, on y va. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu te mets dans le cul, c'est bon maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Nique ta mère, t'as compris, c'est bon maintenant? Mais t'es qui toi? Oui. Voilà. Allô? Bon. Oui? Qu'est-ce qu'il y a encore? Nous on va aller faire le câlin et puis voilà quoi. Jusqu'à samedi. Ouais, mais c'est bien, mais fais ce que tu veux, fais ce que tu veux, tu vas voir samedi. Tu vas voir comment ça va se passer, t'inquiète. Oh là là, il s'énerve. C'est juste pour Tu te rends compte de la chance que t'as? Ouais, mais t'inquiète. Tu te rends compte de la chance que t'as? C'est la maligne. Eh, hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Connard, tandis qu'il est rayé, mon gars. Bon, tu te rends compte de la chance que t'as? Non, ça va, il veut nous faire croire qu'il travaille, là. Bon. Ouais. Bon, comment il s'appelle? Olivier? Ouais. Olivier. Bon, allez, excuse-toi, là. Je m'excuse de quoi? Bah, pour toutes les insultes que tu m'as faites, là. Alors là, tu peux y compter, mon gars. Ah non, allez, excuse-toi, tu vas voir que tu vas pas regretter. Non, je m'excuserai pas, mais là, mon gars, t'as rêvé. Si, excuse-toi, là. Non, dis, non, je suis bon. Olivier, je m'excuse. Ouais, bah alors là, tu peux te gratter. Ah ben non. Ah bah alors là, c'est gagné. Et après, je vais te dire un truc, tu vas être content. Non, mais je m'excuserai pas, tu rêves, toi. Excuse-toi, dis, je m'excuse. Non, c'est bon. Dis, pardon, je retire ce que j'ai dit. Non, mais rien du tout. Bon, Séverine, dis-lui, et après, il va le faire. Allez, mais excuse-toi. Non. Allez, mais excuse-toi. Non, c'est... Tu m'excuses de quoi, pauvre conne? Mais excuse-toi. Pauvre conne. Bon, Olivier. Quoi? C'est Mickaël, t'es sur Fun Radio. Oh là là. Bah oui, c'était le chéri, je peux te faire cocu. Plein de messages qui sont arrivés là. C'était Mathias qui dit, il était très très lourd le chéri, je peux te faire cocu. Dame qui dit, tu te rends compte de la chance que t'as, mort de rire, je suis plié. Mathis aussi qui dit, putain énorme là, je kiffe sa race. Etienne qui dit aussi, est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Ben non, il se rendait pas bien compte hein, jusqu'à la fin là, de la chance qu'il avait. Il est con, hein, c'est dommage. Et Mathias, le mec m'avait vendu du rêve là, mais là c'était encore pire. Hugo qui dit, était grave fort le chéri, je peux te faire cocu, mort de rire, le chéri, je peux te faire cocu. Et tous ces noms nom d'oiseau là, simplement marrant. Encore un petit verre, c'est Max27 là qui a envoyé le message. Et puis le prince Nadia qui lui aussi, est-ce qu'il se rend compte de la chance qu'il a? Je sais pas. Tu te rends compte de la chance que t'as? Ah, les gens s'en rendent pas forcément toujours compte. S'en rendent jamais. Et Anaïs aussi qui dit, il se rend compte de la chance qu'il a. Et qu'est-ce qu'il dit là? Le tout en hurlant, évidemment, c'est énorme. Ouais, je fais ce que je peux, évidemment, Anaïs. Tu te rends compte de la chance que t'as? Mais qu'est-ce qu'il dit? Bon, Clara aussi, Clara aussi qui dit, fais le malin parce que je suis loin. En plus, il fait des rimes. Ah oui, mais il était bien, hein, Thibaut qui dit, il était énorme. Bah, vous avez bien kiffé, tant mieux. Si vous voulez qu'on nous en remette un autre à l'occasion de Chérie, je peux te faire cocu, parce qu'on en a un autre hein, qu'on fait depuis presque deux mois là maintenant. Là, on en a plein en stock des anciens Chérie, je peux te faire cocu. En attendant le nouveau, demain, c'est chaque semaine de pire en pire. Hein. Enfin, de mieux en mieux au final, de plus en plus lourd. Ouais. Donc, si vous voulez vous aussi participer, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Allez, dans un instant, comme promis, on reparlera de la colle avec Arnaud. On va récupérer Angélique, on va essayer d'appeler son mec là. Angélique qui n'est plus avec son mec depuis maintenant. J'ai oublié. Angélique, ça fait combien de temps? 15 jours, voilà, c'est ça. Et donc, tu t'es rendu compte entre temps que t'étais enceinte et le problème, c'est que lui décroche plus, donc tu voudrais lui annoncer, c'est ça? Ouais, mais il m'envoie des messages. Ah, c'est déjà ça. Bon, ben, on l'appelle en direct dans un instant, Angélique. Bouge pas, on écoute maintenant Showtex et Slow Down sur Fun. Mickaël No Limit jusqu'à minuit. Bienvenue. Bon, à l'unanimité, là, on vous le remettra probablement tout à l'heure. Bon, pas celui-là, mais un autre, Chérie, je peux te faire cocu, bien, bien lourd aussi, peut-être tout à l'heure, avant minuit, sur Fun Radio. Et là, c'était le son de Showtech avec Slowdown. Il y en a plein qui disent, ouais, putain, pourquoi t'as pas mis Bouya? Ben, il arrive. Il arrive, vous inquiétez pas, il arrivera tout à l'heure, là, le son de Showtech avec Bouya. Et il y a Clara C aussi qui dit, là, je veux encore le nouveau son de Britney Spears. Ouais, ben, lui aussi, on le passera tout à l'heure, tiens. Et il y a même Victor, un auditeur qui est dans le studio avec nous là, qui nous, il nous a mis bien hein, un petit verre de vin là. Je rappelle qu'il faut boire avec modération, etc. Ah, blablabla. On est au top, on est au top. Mais non, on est bien mis là. Merci hein, Victor. T'as mis ton micro là si on t'entend pas. Voilà, merci pour le pour l'apéro. Hein. Bah de rien, c'est bien. Non, c'est bien. Bah du coup, on te remettra Britney Spears tout à l'heure, si ah, tu veux. Ah oui, déchire en plus. Voilà. Donc Britney Spears tout à l'heure, on vous l'a mis en exclu tout à l'heure à 8h sur Fun 8h15. Et ben on va vous le remettre tout à l'heure avant minuit sur Fun Radio, le nouveau son de Britney Spears avec Work Bitch. Voilà, on fait ça dans un instant sur Fun Radio et puis on va récupérer maintenant Angélique, Angélique de Bergerac dans Dordogne. Angélique, toujours là? Toujours là. Parfait. Bon, il y a un message qui dit, oh putain, j'ai pleuré de rire avec le Chéri, je peux te faire cocu, c'était Céline. Bon, il était fort, hein, il était très très drôle. Tu l'avais pas entendu toi, Angélique, hein? Non. Bah voilà, comme ça au moins c'est fait maintenant. Bon, Angélique, on appelle ton mec, Cyril donc, pour lui dire que t'attends un petit, on la vient de l'appeler il y avait une petite demi-heure là, à peu près un quart d'heure, une demi-heure pour lui annoncer. C'est moi qui l'avais appelé en disant que j'étais un pote à toi et que j'avais un truc important à lui annoncer, etc. Parce qu'il décroche plus depuis 15 jours. Et tu nous dis qu'il t'a envoyé un message là? Ouais, c'est ça. Tu lui as dit un truc ou pas? Non, je lui ai dit juste qu'il réponde quand il t'appelle. T'as très très t'appelle. Bien fait, bravo. On peut pas lui envoyer Papa Outé dans la gueule? Ah, attends, oui, bah alors je vais le préparer. Attends, il est là. Outé, Papa Outé. Parfait, je le garde en stock. Très très bonne idée, Polo, bravo. Je vous remercie. Tu as le droit de jouer un peu de pipeau. Mais allons-y. Vas-y. Voilà. Merci bon. Pour cette récompense. Avec plaisir, Polo, avec plaisir. Bon, alors on y va, c'est parti, alors, on appelle. Précision, c'est pas son mec, c'est son ex. Son ex-mec. Bon, c'est parti, donc je lui parle, Angélique, hein, donc je lui annonce tout au final, comme j'ai dit. Ouais. Bon, très bien, allez, c'est parti, on y va. Tu te régales de faire ça, Mike? Oh, je suis content d'annoncer des bonnes nouvelles, là. Ah, bah oui, sacré bonne. Il va avoir un petit bébé. C'est quand même une bonne nouvelle. Ben, on va voir. Messagerie Orange. Oh non, il est sérieux là. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Bah alors qu'est-ce qu'il fout? Il est con, quoi. Bon, je le rappelle. Moi j'étais chaud là, je pensais que ça y est, il a décroché, on allait faire la fête. Bah non. Ouais, on avait déjà sorti le vin. Hein. Bah bien sûr. Je suis pas. Attendez, je rappelle. Ouais mais t'offre bois, t'inquiète. Ouais. Moi je pense que c'est la bonne, il a dû faire une mauvaise manip. Ouais, son doigt a glissé. Ouais. Attends, je... Vas-y Cyril là. Allez. Ah non, ça va être le répondeur. Je vais lui relaisser un message. Hein. Messagerie Orange. Ah, il est pas sérieux là, Angélique là. C'est quoi ce mec? Mais oui. Bon, je lui relaisse un message, lui, que je l'appelle dans 5 minutes là. Ouais Cyril, bah écoute, voilà, je suis toujours le copain de, enfin le pote de, d'Angélique là, je devais te rappeler d'ici une petite demi-heure. Bah c'est fait, mais c'est toujours ton répondeur, donc bah écoute, je sais pas, peut-être que t'es occupé ou quoi, bah écoute, je te rappelle encore une fois avant 10h, donc essaie de décrocher, promis ça prendra pas longtemps, hein, et je veux pas te prendre la tête, moi je veux juste mettre les choses au clair, et après hop, l'affaire elle est pliée, et puis on tourne la page quoi, donc voilà, juste décroche une seule fois, et puis voilà, bah je te remercie en tout cas, à tout à l'heure. Comme tu parles bien. Ouais. Ah, il est encore en ligne. C'est pas grave. Bah si, c'est grave. Bon, bah écoute, voilà, écoute Angélique, on va le rappeler dans un instant. Hein. Ouais, dès que j'ai un message de lui, je te le dis. Ouais, surtout vas-y, hein, surtout n'hésite pas, effectivement. De toute façon, quoi qu'il arrive, moi j'ai des amis maintenant, attention. Oui, hein. À te faire enculer au PD, va. Voilà, donc moi j'ai des amis maintenant, attention. Ouais, c'est Mathias qui dit putain. Attends, c'est quoi? C'est Mathias qui disait tu peux me balancer la réplique du Corse dans la gueule. Bah voilà, ça y est, c'est fait. Hein. Tu l'as eu en pleine tronche là, Mathias. Bon, bah Angélique, reste avec nous. On va reprendre Arnaud en attendant là avec la colle. Tu es là, Arnaud? Oui, toujours. Très bien. Bon, Arnaud, alors d'Orléans, toi, tu veux tenter de repartir avec le jeu Godens que je vous offre toute la semaine sur Fun Radio jusqu'à jeudi inclus. Et donc, vous allez pouvoir repartir avec le jeu Godens. Et en plus de ça, vous repartirez soit avec l'iPad, soit avec la PS3. C'est vous qui choisissez. Ça va, bon. Ils sont gâtés, hein? Ah, ils sont bien mis, là. Là oui. On vous met bien. Là, ils sont plutôt bien, effectivement, oui. Bon, alors, Arnaud. Oui. Bon, nous allons maintenant jouer ensemble. Arnaud, vas-y, fais péter. Alors, je suis né dans l'eau, je vis dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. Qui suis-je ? Je suis né dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. Qui suis-je ? C'est bien ça ? C'est ça. Bon, à vous de jouer. Si vous avez la bonne réponse, dernière ligne droite, on mettra, on prendra un auditeur tout à l'heure avant 22h, comme promis, pour lui offrir le jeu Godens et aussi l'iPad ou la PS3. C'est vous qui choisirez. Voilà, le principe est simple. Vous donnez la réponse sur le Facebook de l'émission maintenant, facebook.com/mikaelofficiel ou par SMS. Si vous n'avez pas internet, vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Alors il y a des réponses qui arrivent, c'est un coquillage. Non du tout. Non, une bulle. Non. Non, Léa qui dit une vague. Du tout. Non, Simon qui propose une méduse. Encore moins. Une grenouille pour Lucas. Non. Marina qui dit une bulle. Oh bah on a déjà dit non. Une sirène. Une sirène pour Sandro. Non, du tout. Non, d'accord, ok. Attends, tu sais quoi, Sandro, c'est ce que t'as mérité, je suis confus, mais... Voilà. Y a Aude qui dit l'écume. Non, du tout. Non plus. Y a Fafa qui dit aussi c'est la bulle. Bah non, on a déjà dit non, effectivement. Et Valentine, qui proposait la neige par SMS. Non, du tout. Non, le caramel aussi pour Woody Allen. Non. Woody Allen, nous écoute. Oui, Woody Allen. Bah attention, qu'est-ce que tu crois, toi, évidemment. Bon, bah si vous avez, vous, la bonne réponse... À vous de jouer maintenant, vous n'hésitez pas, facebook.com/mikaelofficiel, vous répondez sur le Facebook ou alors par SMS comme je vous le disais. Et Arnaud, peut-être que dans un instant, le jeu Godens et l'iPad ou la PS3, ce sera pour toi. Évidemment, on se tirera quelqu'un au sort parmi les bonnes réponses. Si la personne qu'on appelle donne la bonne réponse à l'antenne ou en tout cas décroche, qu'il dormira. Eh ben on verra, elle repart avec le cadeau, sinon ce sera pour toi Arnaud. Bon, pourquoi je dis Arthur? Ce sera pour toi Arnaud, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, ciao. Tonio, avant de rappeler le mec d'Angélique dans un instant. Tonio, on va parler de quoi dans un instant après la pub avec toi, dis-moi. On va parler de ma copine et j'ai eu un petit accident en lit, on va dire. Attends, qu'est-ce qui s'est passé avec ta copine? Ben en fait, j'ai fait les préliminaires à ma copine et j'ai fait une connerie. Je lui ai mordu les tétons en fait. Sans tétons. C'est vraiment la grosse boîte, toi, non mais... Il faut pas mordre. Non mais oui, il faut pas mordre. Attends, beau. J'ai un message pour toi des mignons. Ouais. Voilà, je pense que tout est dit. J'en ai encore un autre. Grenade. Voilà. Bon, mais comment est-ce possible de... Enfin bref, on en parle dans un instant, Antonio, bouge pas de là. Les autres, dites-nous si vous avez déjà eu... quand vous étiez en train de faire des préliminaires ou en train de faire l'amour avec votre copain ou votre copine, est-ce que vous avez déjà fait des trucs un peu embarrassants, comme là, par exemple, lui mordre un petit peu trop fort les tétons, ou un mec quand vous êtes en train de faire une fellation avec votre mec et que vous avez éventuellement sorti l'écrou. Bref, qu'est-ce qui s'est déjà passé comme truc un peu emmerdant? N'hésitez pas à venir nous en parler maintenant, évidemment. Vous appelez Sandro au standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Tonio, tu bouges pas de là? Tonio? Ouais. Ah, bouge pas de là, je disais. Non, toujours, je suis toujours là, t'inquiète. Non, mais d'accord, mais c'est parce que je m'inquiétais justement. On va s'écouter Michael Moore aussi dans un instant, tiens, tu connais? Ouais. Ah bah c'est nouveau, c'est White Walls. Ça vient juste de sortir ça. Eh bah exactement, ça vient de sortir, c'est sur Fun, on vous l'a fait découvrir la semaine dernière en exclu. Et puis on va aussi bah, vous offrir vos places pour aller au concert de Michael Moore aussi. Ça te plairait ça toi, Tonio? Ah ouais, quand même. Ah, ce serait bien. Bah ce sera pour toi ou pas? Je sais pas, ah, je me tâte. On verra, Tonio. Bon, en tout cas, tous les autres, restez sur Fun Radio. On est là tous les soirs sur Fun Radio, le dimanche soir de 20h à minuit. Et du lundi au jeudi de 23h à 2h. Faites que ça se sache, évidemment. Venez, inscrivez-vous sur le Twitter également. Et Mickaël officiel, vous me faites un follow et je vous ferai un follow également. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000. Sur Fun Radio. Mickaël, nos limites, 20h minuit. Sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio. Allez hop, vous savez, on a un stagiaire dans l'émission, donc comme il travaille pas beaucoup, si jamais vous voulez choper les stickers de l'émission, n'hésitez pas à l'appeler maintenant. Hein, 01 42 48 5000. Vous l'appelez, vous lui parlez, vous lui demandez des stickers, vous pouvez l'insulter également au passage. Hein. Ouais, ouais. On peut ouais, le dire, on peut le faire, on peut le faire. Bien sûr. C'est plus intéressant. Voilà, c'est ça. Donc 01 42 48 5000, vous appelez en masse, vous lui demandez les stickers, et puis bah comme ça, il sera content. Il aura de quoi s'occuper pour toute la soirée, justement. Ça lui fera plaisir. Il y a Valentin aussi qui avait envoyé un message qui disait que l'émission était magique, ce serait possible d'avoir un pack fun. J'attends la réponse, merci, bonne soirée. Bah oui, t'inquiète, il y a pas de problème, on va gérer ça, il y a pas de problème aussi pour le pack fun. Valentin, fais un mail si tu veux à sandro@funradio.fr. et puis Mathis qui dit amour, attends c'est quoi, amour, gloire et je vais te faire un bébé. Oui, bah c'est exactement ça, ouais. On va encore le rappeler dans un instant, le mec d'Angélique là, pour lui annoncer la bonne nouvelle, même s'il veut pas décrocher, mais on va y arriver, rassurez-vous. Toujours 0-0 pour l'Olympique Lyonnais ce soir face à Rennes, là c'est la mi-temps maintenant et on s'écoute le son de Michael Moore sur Fun Radio. I wanna just live. Et plein de messages qui arrivent aussi là. Il y a le prince Nadia qui dit qu'est-ce qu'elle dit? Tu es génial Mickaël, ton émission est magique. Merci le prince Nadia. Je ne dis pas ça pour avoir un pack fun en retour, mais juste parce que je le pense. Bah écoute, c'est bien gentil. Il y a Kevin qui dit pas mal le nouveau Michael Moore. Juliette qui dit faut faire quoi pour gagner une place pour aller voir Michael Moore? Eh ben on va jouer ensemble toute la semaine. Et avec notamment évidemment le chéri je peux te faire cocu demain, avec le jeu de la rupture lundi, mardi pardon, avec également le je t'emmerde mercredi, le canular du jeudi, bref, il y aura de quoi faire, t'inquiète pas. On te tiendra au courant. Il y a Clara ici qui dit pendant les vacances je viens avec mon bol de soupe dans le studio et je verrai enfin Toff. Bah si tu veux hein, pas de problème avec le bol de soupe. Putain Sandro tu m'avais manqué. Soupe. De quoi? Je dis on partagera la soupe. Bah bien chacun. Sûr. Mathias qui dit putain Sandro tu m'avais manqué. Mickaël qui dit lancer un coup de pelle à Toff. Oh il en a eu beaucoup ce soir mais, ouais, mais ça lui fera pas de mal d'en prendre une de plus. Pour moi ça me fait ouais, bah, dans sa gueule, voilà. Voilà dans sa tronche, il y a pas de problème. Bon, retour avec Angélique. Allons-nous arriver enfin à clôturer cette histoire, Angélique? Oui, toujours là. Bon, bah oui, j'imagine. Angélique qu'on a eu en début d'émission. Angélique qui voulait appeler son ex-mec pour lui annoncer qu'il allait être papa. On a essayé de le joindre deux fois. On a deux fois laissé un message pour lui dire qu'on avait un truc important à lui dire, etc. On va devoir le rappeler maintenant encore une dernière fois. S'il décroche pas, bah tant pis, j'aurais tout fait pour y arriver là. S'il décroche plus, il décroche je lui plus. Je dirai. Hein. De quoi? Je lui dirai. Oui, bah voilà, c'est ça. Bah, tu enverras un faire-part de naissance. Voilà, c'est une idée. Voilà. Bon, allez, on rappelle maintenant, c'est parti. Le mec d'Angélique, c'est Cyril. Et puis j'espère qu'il va décrocher surtout. Hein. C'est con parce que j'avais prévu le. Ce serait bien, quoi. Bon, au pire, tu lui laisses sur répondeur. Ouais, c'est sur vrai. Répondeur. Oui, au pire, oui, c'est vrai. Ah, bah il a pas de couilles, hein, le Cyril, là. Hein. Non, il n'a pas les couilles. Bon, bah je vais lui laisser le message puisqu'il a envoyé un SMS après Angélique. C'est bien la preuve qu'il écoute ses messages. Mais qu'il ne veut pas te parler. Message bah, Orange, ouais. Bonjour. Bah bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Hein. Ah ouais, t'inquiète. Message après le bip. Salut Cyril, bon bah écoute, voilà, tant pis, j'appellerai plus après, hein. tu veux pas me parler, c'est dommage parce que je voulais vraiment pas te prendre la tête. C'est juste que voilà, j'ai eu une discussion avec Angélique, elle m'a expliqué que vous étiez plus ensemble et que bah c'était dommage, pas qu'elle veuille te récupérer à tout prix, mais que bah il y en a un là qui ou une qui va peut-être se poser la question d'ici quelques années de. Voilà, c'est la grande question qu'il ou elle va pouvoir se poser puisque tu vas être papa. Voilà, je sais pas si la nouvelle sera bonne pour toi, mais bon, on voulait te l'annoncer en direct sur Fun Radio, Cyril. Donc Angélique est enceinte de 3 mois et demi, donc c'est mort, hein. tu peux rien faire. Et donc, bon, bah voilà quoi, elle voulait simplement te le dire, hein. C'est pas forcément pour que tu retournes avec elle, mais juste bah, pour être honnête, et puis pour que tu saches aussi que tu vas voir un garçon, une petite fille, on sait jamais, on verra bien. En tout cas, dans 6 mois, voilà, plus que 6 mois dormir, et puis tu seras enfin papa. Bon, bah écoute, Cyril, si tu veux nous appeler, t'es le bienvenu, mais visiblement, t'as pas trop envie ou t'oses pas, je sais pas. Donc quoi qu'il en soit, si tu veux, n'hésite pas, 01 42 48 5000, tu passes quand tu veux. Bon bah salut Cyril. Hop. Voilà, c'est fait, Angélique. Bon, on n'aura pas eu la finalité, mais tiens-nous au courant, hein, si jamais il te rappelle ou qu'il t'écrit, tu nous dis ce qui s'est passé, d'accord? Ok, y a pas de soucis. Bon bah je compte sur toi. Merci Angélique, à bientôt. Par contre, ça serait possible de faire une dédicace? Bah vas-y, à une seule personne, vas-y. À ma jumelle que j'aime énormément. Oh, très bien, bah, le message est passé, pas de problème. Il m'a répondu. Ah, qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a marqué, si c'est un pote à toi qui se fout de moi, alors laisse-moi. Non mais c'est parce qu'il a pas entendu le message que je viens tout juste de laisser en fait. Donc t'inquiète pas là. En fait, tu sais quoi, on va le garder un peu au standard parce que je pense qu'il va rappeler dans pas longtemps là, Angélique. Il va te renvoyer un message dans quelques secondes là. Bouge pas, on va te reprendre dans un instant, Angélique. Bon, pour ceux qui étaient pas là la semaine dernière, on avait appelé les Corses là tout à l'heure, enfin la semaine dernière pour leur demander, pour essayer de trouver le plus petite bite d'Europe, puisqu'aux États-Unis ils avaient trouvé 7 cm. Donc on s'est dit en Europe on va peut-être pouvoir faire moins que 7 cm. Ah, et donc on était tombé sur un charmant Corse. À te faire enculer au PD, va. Voilà, donc très sympa. Et on avait également appelé ce monsieur-là, qui était, ma foi, très charmant également. Hein. Comme ça, vous voyez que la semaine, il se passe des trucs entre 23h et 2h sur Fun. Et qu'il faut rester là, évidemment. D'ailleurs, je compte sur vous pour en faire la promo au boulot, au bahut, qu'on est là tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Hein. Je compte sur vous. Ouais. Oui, bonsoir, monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je suis à la recherche du plus petit sexe d'Europe. C'est pas moi. Ah, et combien fait le vôtre alors? Ah, il est plus gros que le plus petit d'Europe. D'accord, mais en termes de chiffres, monsieur. Une bonne soirée. Hein. Bah oui, mais ça me dit pas la taille, monsieur. Ouais, allez, ciao. Bah donc ça c'était la muse-gueule, hein. Donc maintenant on a évidemment le vrai appel derrière. Quand on a rappelé, vous allez voir que il fait peur, attention, tout le monde a eu peur dans le studio, il faut le savoir. Ouais. Oui, excusez-moi, mais vous avez coupé, vous ne m'avez pas donné la taille. Et la vôtre? Moi 18. Ah, 18. Oui. Ouais. Mais vous savez, les truites en montagne, la maille est à 18. Oui. Vous êtes tout juste à la maille. Et? Ben, plus petit, c'est inacceptable. Ah oui. Ah oui, donc vous êtes au-dessus de 18. Ah oui, vous êtes sacrément bien membré. Ouais. Je vais dormir. D'accord. Allez, une bonne soirée. Ben vous aussi, monsieur, au revoir. Ciao, ciao. Oh, voilà, donc le mec, on dirait le parrain, quoi. Exactement. Non, on sentait que t'avais un peu peur, toi. Ouais. Bah, évidemment, t'as vu comment il parle, Luc. Bon, je vais dormir. Ah, même pas, okay. Bon, on sait. Je vais dormir. Voilà, maintenant, c'est ça. Hop, terminé, quoi. Terminé. Ouais, c'est exactement ça. Il y a Stéphie aussi qui dit, moi, mon ex, il avait une petite bite. Ah bah, dis-nous combien, tiens. Mélanie qui dit, Mika, viens dans l'arrière, je veux un bisou. Bah, viens, Mélanie, pas de problème. Mathias qui dit, il y a le nouveau Britney Spears, c'est juste bombasse. Bon, ça le remettra tout à l'heure. On vous l'a fait découvrir à 20h sur Fun. Et le nouveau Britney Spears avec Work Bitch. Ce sera tout à l'heure avant minuit, je vous le remettrai avec plaisir. Il y a Mathias qui dit, Mika, t'as encore des stickers ou pas? Ouais, pour choper les stickers, vous appelez stagiaire au standard. Hein. 01 42 48 5000 ou pour la Belgique, 02 851 4x0. Alors, bonne nouvelle, ce week-end, on en a envoyé plus de 1000. Donc, ils vont arriver là demain, après-demain maximum. Et vous pouvez l'appeler deux fois? Bien sûr, une fois pour l'insulter, une fois pour lui demander les stickers. N'hésitez pas, c'est stagiaire au standard, pas de problème. Et donc, les stickers, on en a envoyé plus de 1000 ce week-end. Donc, voilà, ça va arriver demain ou après-demain. Plutôt après-demain, à mon avis. Connaissant la poste, faut pas trop leur demander non plus. Hein. Bon, dans un instant sur Fun Radio, on va récupérer Tonio là, toujours là Tonio. Ouais. Tiens, est-ce que t'as un animal de compagnie, Tonio? Comment? Est-ce que t'as un animal de compagnie? Un chat, un chien? J'ai un chat. Un chat. Tonio. Et tu le trouves beau, le chat? Ben, il est mignon, c'est un bébé. Oh, c'est un chaton. Il s'appelle comment? Il s'appelle Mimoun. Mimoun. Ah non, oh, le pauvre chat. Bon, il s'appelle Mimoun. Bon, non, en fait, j'ai mis sur Facebook tout à l'heure la photo du poisson le plus laid du monde. Ah. Faut aller voir, il ressemble un peu à Toff. Je sais pas ce que Paul en pense. Ouais, il s'agit de quelque chose. Sauf que la couleur n'est pas la même, mais c'est la couleur gueule, n'est pas la même, mais la gueule est la même. On sent qu'il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être de la famille là-dessous, quoi. Le teuf est même beaucoup plus moche que le poisson. Que le poisson. Ouais. Bah, c'est vrai que là, on parlait du poisson le plus, enfin l'animal le plus laid du monde. Hein. Bon, allez voir. C'est un poisson. Il est quand même très moche. Allez voir sur le Facebook. Donnez votre avis. On en parlera. On lira les messages dans un instant. Facebook.com/michaelofficiel. Et vous, justement, c'est quoi vos animaux de compagnie là? Est-ce qu'il vous a déjà fait des trucs bizarres, votre animal là? Qu'est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire avec lui? Venez nous dire si vous avez des animaux étranges ou si ils ont déjà fait des trucs incroyables, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il t'a déjà fait un truc bizarre, Tonio, toi, ton chat? Non, il court partout, à part ça, non. Oui, mais c'est un chat, après, c'est normal. S'il court partout, c'est un chaton, donc c'est normal, tu veux qu'il court, qu'il court un peu partout. Bon, bah très bien, parfait. Bon, on en parle dans un instant, en tout cas, avec vous toutes et vous tous. Allez voir sur le Facebook la photo donc du poisson le plus moche du monde, facebook.com/michaelofficiel. Bon, Tonio. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi? Bon, ben, en fait, j'ai eu un petit souci avec ma copine, quoi. En fait, j'ai fait les préliminaires et... Ouais, ça, et tu nous avais dit juste avant la pub. Et comme un con, ben, j'ai mordu son téton. Mais comment t'as fait? C'est-à-dire, t'étais tellement en chien que t'as voulu le manger, ça se mange pas. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais t'es sérieux? C'était tellement chaud. Ouais, non, sérieux, ouais. Mais t'étais bourré, c'est pas possible. Ouais, ouais, ben, non, j'étais pas bourré, mais j'étais vraiment, je sais pas, j'étais dans mon truc et voilà, j'ai mordu, quoi. Oh. Mais c'est, en plus j'ai mordu, tu vois, sur le côté du téton et il s'est un peu entaillé, quoi. Quelle horreur. Oh putain. Mais elle a dû te mettre une patate. Elle m'a gerté et tout, elle a pété un câble. Mais c'est normal. C'est normal. Oh, attends, mais franchement, moi j'aurais rien dit à sa place. Hein. J'aurais dit attends, j'ai fait une petite fellation. Je t'aurais démonté. En plus ça a commencé à saigner et tout, c'est ça le pire. Bah oui, mais bien sûr, attends, mais c'est pas fait pour ça. Eh ouais, carrément. Et ouais, du coup maintenant on a un froid, en plus j'ai voulu aller voir un docteur, t'as vu et tout, pour pas... Ah moi j'ai pas vu, non mais j'aurais bien voulu, mais... Ouais, du coup voilà, on est vraiment en froid, c'est la galère. Bah oui, mais t'es con aussi d'avoir mordu. Bah ouais, carrément, mais le petit téton tout rond là, ça donne envie, quoi. Mais oui, mais ça se bouffe pas. Ça se bouffe pas, tu fais ce que tu veux avec, mais ça se mange pas. Ouais, bah non, mais j'ai pas vu, mais j'aimerais bien, mais là non, j'ai pas vu. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, parce que là le mal est fait, là, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, on pourrait l'appeler, tu crois? Ah oui, si tu veux, on peut l'appeler, ouais. Mais ça fait combien de temps là que c'est arrivé cette histoire? Bah, c'est tout frais, c'est même pas il y a 2 semaines, c'est voilà. Ah ouais, même donc depuis 2 semaines t'as plus de nouvelles ou Bah, on se parle, mais c'est vraiment froid, quoi. Ouais, bah oui, bah tu m'étonnes, c'est-à-dire que vous étiez tellement chaud à un moment que ça refroidit le truc. Ouais, hein. Voilà, c'est ça, carrément. Eh, on a de la colle, on va lui recoller le téton. Hein, oui, oui, bah on peut toujours s'arranger, hein, c'est sûr. Tu recoutes que d'un côté, comme ça elle peut mettre un piercing après. Ah, génial, ça c'est une bonne idée, tiens. Finalement, t'as qu'à lui dire que t'as déjà prévu le travail, que t'as déjà prévu le travail si elle veut faire un petit piercing au niveau du téton. Ouais, vas-y, on peut faire ça. Bon, t'as déjà bouffé le téton, toi, Sandro, ou pour le saigner? Ah non. Jamais? Non. Ça t'as déjà saigné ou pas? Non. Non, mais j'aimerais bien savoir, avoir l'avis des filles. Dites-nous, les filles, est-ce que ça vous est déjà arrivé, justement, d'avoir une petite fissure au niveau du téton, genre votre mec, il s'est un peu emballé comme là, mais avec Tonio, là. Parce qu'il y a de la chair, enfin, c'est assez solide, quand même, un téton, donc t'as dû vraiment la... Ah, mais il a c'est pas des dents, c'est... J'ai juste pincé sur le côté, t'as vu? Non, on n'a pas vu, mais on aimerait bien. Aïe, aïe, aïe. Quelle horreur. Tu veux le poteau, quoi? Non. Bah déjà, commence à reparler à ta meuf. Ouais, déjà, ce serait pas mal. Mais on va essayer. Pour l'instant, c'est chaud. On va essayer de l'appeler déjà. Ouais, ça serait sympa. Bah écoute, avec plaisir, nous, si on peut rendre service, tu sais bien qu'on est toujours là. Hein. Ah, bon, nickel. On va essayer de l'appeler dans un instant. En attendant, il y a Petit Panda qui dit le pauvre et pauvre téton surtout. Bah tu m'étonnes. Élise qui dit ça, c'est pour les animaux de compagnie, la perso animal de compagnie. J'ai un petit frère, c'est largement suffisant. Je préférais Blobfish à la place. Il y a Camille aussi qui dit je comprends ta copine. Qu'elle veuille plus te parler, ça doit niquer. Bah tu m'étonnes, le prince Edia qui dit mais ce mec est dingue, il a mordu à sang le téton, ça donne pas envie du tout, tu m'étonnes. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Clara ici qui dit je vis avec un animal très particulier, c'est ma sœur. Oui, aussi. Ils prennent cher les frères et sœurs. Ouais, il y a Fuck qui dit aussi sur le Twitter, mon chien flippe à chaque fois qu'on m'appelle sur Skype. Alors c'est la sonnerie peut-être qui le perturbe à mon avis. Hein. Mathias qui dit aussi mon chat est tellement con qu'il s'est foutu au-dessus de la rampe d'escalier, il s'est cassé la gueule par terre, 2 mètres plus bas. Ouais mais un chat c'est pas grave, ça retombe sur ses pattes normalement. Et si jamais toujours. Si jamais il retombe pas sur ses pattes, c'est que c'est un faux. Un chat de contrefaçon. Et qu'à ce moment-là, il faut rendre. Voilà. Et Mathieu aussi. Ah, Mathieu Valbuena sur le Facebook, là, qui nous dit salut Mickaël, ça fait plaisir de vous entendre. C'était long, ces 2 jours. Mon chat lèche tout le temps la bouche de mon frère. Ça, c'est dégueulasse, par contre. Hein. Oh. Emeline qui dit mon bichon marche sur 2 pattes. Ouais, putain, la grande classe. Ah super. Et Théo qui dit moi j'ai un chinchilla et il m'a fait un salto arrière après avoir mangé, j'étais mort de rire, il a tout vomi, non, peut-être. Gwendoline qui dit aussi sur le Facebook, moi j'ai un chat, il s'appelle Désiré, mais il fait des trucs bizarres par moments, il sait ouvrir des portes, il ouvrait des tiroirs, des sous-vêtements, il vidait pratiquement tout. Heureusement il a arrêté, puis il me suit pratiquement tout le temps, à croire que c'est un chien, et non un chat. Ouais, il y a des chats comme ça un peu bizarres effectivement. Bon, on va en parler dans un instant. Vous balancez évidemment tous vos messages là maintenant, 02 01 42 48 5. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Arnaud, oui, on va donner la réponse à la colle à 22h05, ça me paraît plutôt pas mal, hein. Oh, c'est un peu trop tôt, je trouve. Ah non, j'ai dit 22h, j'ai dit avant 22h, j'ai dit aux alentours de 22h pour être précis. Là, nous sommes aux alentours de 22h, nous allons donc appeler. Toi, tu dis que c'est tôt parce que tu espères que les gens dorment en fait, c'est ça? Voilà, ah ça. Ouais, bah ouais, t'auras plus de chances de gagner la semaine alors, hein, quand on fait 23h-2h. Bon, allez, vous vous êtes inscrit depuis 20h10 là pour la colle de ce soir. La colle était la suivante, je suis né dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. Si vous aviez la bonne réponse, il fallait répondre tout simplement par SMS en envoyant Mickaël au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique, ou via le Facebook de l'émission. Bon, c'est parti, on appelle le gagnant ou la gagnante, Arnaud. Si il ou elle décroche et qu'elle a la bonne réponse, c'est gagné. Si elle ne décroche pas, c'est perdu. Allez, y a plus qu'à espérer, hein. Enfin, pour toi en tout cas. Allô? Oui. Bonjour, comment tu t'appelles? David. Salut David, c'est Mickaël, t'es sur Fun Radio là. Je t'appelle pour la colle de ce soir. Et y a Arnaud qui a une question à te poser. J'écoute. Donc je suis né dans l'eau, je vis dans l'eau, mais une fois sorti de l'eau, si celle-ci me touche à nouveau, je disparais. Qui suis-je? C'est celle. Bonne réponse. Eh ben voilà. Bravo David! Bravo David, tu repars avec le jeu Godens, donc un nouveau jeu de chez Sega, tu vas pouvoir te marrer avec puisque tu vas pouvoir danser, toi, ta meuf, tes enfants, je sais pas. Et donc le principe c'est de pouvoir évidemment justement mettre genre l'iPad par exemple devant toi, l'iPad avec la petite caméra frontale te filme et elle te corrige en l'occurrence pour pouvoir devenir un pro de la danse. Tu sais bien danser ou pas toi David? Non, bon, pas trop quand même, hein. Eh ben écoute, très bien, tu vas pouvoir t'entraîner comme ça, c'est parfait. Bon, et tu vas repartir aussi avec un iPad ou la PS3, tu choisis quoi? L'iPad. L'iPad, bah voilà, l'iPad est pour toi. Oh putain, Arnaud, tu dois avoir la rage parce que tu voulais le jeu, tu voulais l'iPad. Ah putain, t'as rien du tout là. Bon, mais on va avoir Sandro ou pas? Ouais, je te repasse Sandro, Arnaud, pas de problème. Salut Arnaud. Merci, bonne soirée à toi. Allez, ciao à toi Arnaud, et puis bah bravo David, hein. Merci beaucoup. Avec plaisir. Salut David, à bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Allez, ciao. Et demain on aura le jeu là, il y a Toff qui va pouvoir essayer le jeu Godens, il va pouvoir danser et tout là. Je danse tellement bien. Mais oui, ouais. Je vais le finir en une soirée. Oh, ça va être beau, ça va être magnifique. On mettra ça évidemment dans un instant. Tony au retour avec ta meuf qu'on va essayer d'appeler, tu lui as mangé le téton depuis, elle te parle plus et c'est normal. On aura Florian également là pour parler des animaux de compagnie, t'es là Flo? Ouais. Très bien, tu vas pas bouger, on va parler des animaux de compagnie dans un instant avec toi. Ouais. Parfait. Et puis je vous rappelle également qu'il y a le poisson, l'animal le plus moche du monde qui est sur le Facebook de l'émission. Vous pouvez aller le voir. Il ressemble un peu à Toff, hein, si vous cherchez. Ouais. Facebook.com/Mickaël officiel. Allez voir, il n'y a pas de problème. Il y a Charlotte aussi qui a envoyé un message qui dit mon hamster est sorti de sa cage en voulant descendre l'escalier. Il a fini sa descente en roulé-boulé avec une patte cassée. Ah, il est con le hamster aussi. Hein. Mon chat fait ses besoins aux toilettes, c'est Léo. Ah, oh, ça c'est fort. Le chat il va aux chiottes. Oh, c'est fort. Hein. C'est énorme. Est-ce qu'il tire la chasse, Léo? C'est la question qu'on peut se poser. Exactement, est-ce qu'il se torche? Bon, ben on compte sur vous, vous balancez tous vos messages, attention avec impatience maintenant. Facebook.com/MIKAELOfficiel, venez nous rejoindre également, venez faire un like, venez tout simplement, devenez fan de la page, hein, comme plus de 130 000 personnes en même pas deux mois. C'est gentil, merci en tout cas pour tous les likes que vous avez fait, tous les messages que vous avez déjà déposés. On compte sur vous, venez de plus en plus nombreux, faites passer le message dans votre dans votre boulot par exemple, hein, vous leur dites, que tous les soirs sur Fun Radio, il se passe quelque chose. 20h, minuit le dimanche soir et 23h-2h tous les jours de la semaine, du lundi au jeudi, c'est Mickaël No Limit et vous êtes invités à prendre le contrôle de Fun. Et pour prendre le contrôle de Fun, c'est pas compliqué, vous appelez le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0. Et restez là puisque dans un instant je vous cale quoi? Le son de Martin Garrix. Il y en a beaucoup aussi qui l'ont demandé, le son de Martin Garrix, là on va se le mettre dans un instant. Martin Garrix, ça va débarquer et je vous rappelle que si vous avez envie d'écouter un son en particulier, hashtag Mickaël sur le Twitter, vous faites vos demandes et on vous passe ça avant minuit. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. No Limit. Mickaël. Mickaël No Limit. No Limit. sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio tous les soirs dans toute la France. On est tout simplement le 15 septembre. Là, 22h10, on est en direct avec vous toutes et vous tous et ça fait bien plaisir. Et vous êtes là aussi, vu le nombre de messages qui arrivent, là vous êtes nombreux, tant mieux. Prévenez vos potes également qu'on est là sur Fun Radio. N'hésitez pas à leur dire de venir liker la page MIKL officiel et de venir faire un petit follow sur Instagram et sur Twitter. Il faut taper aussi MIKL officiel et si vous me faites un follow, moi aussi je vous ferai un follow par derrière. Voilà, avec ça plaisir. Bien, ça. Oui, j'aime beaucoup derrière. Bon, plein de messages, notamment Juliette qui dit oh là là, le mec qui a mordu le téton, j'ai à la fois mal pour les filles, mais je suis pété de rire quand même. Oh, dégueulasse, Juliette. Et Enzo qui dit ma soeur a déjà vu une meuf branler son copain dans le tram. Ah oui, c'était le sujet de tout à l'heure, ça. Si vous avez déjà vu des trucs un peu chelous dans les transports en commun, il y a Félicien qui dit l'émission est terrible. Merci, Félicien. Et puis, vous pouvez toujours évidemment aller voir sur le Facebook de l'émission l'animal le plus moche du monde. À vous d'aller balancer vos commentaires et d'aller voir surtout la photo maintenant sur le Facebook de l'émission facebook.com/MIKL officiel. On attend tous vos messages évidemment, on les lit en direct sur l'antenne de Fun, on est en direct jusqu'à minuit. Et dans un instant, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous la semaine dernière, on a eu Amine qui nous avait appelé pour faire croire à son oncle qu'il avait piqué un lion et qu'il fallait le refourguer. On fait ça dans un instant après Martin Garrix. Maintenant c'est Animals sur Fun, bienvenue. Le son de Martin Garrix à l'instant sur Fun Radio. C'était Animals, Martin Garrix sur Fun. MIKL, No Limit, le dimanche soir, 20h minuit, sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, et plein de messages qui arrivent d'ailleurs. Il y a le Prince Nadia là, qui dit là, oui, MIKL, tu peux nous faire un follow par derrière. Là, je pense que toutes les tweeteuses qui te suivent en sont ravies. Oh, bah, toutes, je sais pas, mais écoute, avec plaisir. Hein, comme je l'ai dit, hein, si vous voulez, vous me faites un follow sur Twitter et puis moi, je vous followerai par derrière. Il y a Fuck aussi qui dit 3 semaines que j'écoute l'émission et je surkiffe grave. Merci, Fuck, sur le Twitter. Charlie qui dit l'émission est trop bien, elle continue comme ça. Ben on compte pas s'arrêter tout de suite, hein. Même si ça déplaît à beaucoup, mais c'est pas grave. Il y a Valentin aussi qui dit j'ai une question, ma meuf est plus jeune que moi et elle a déjà fait l'amour alors que moi non, et qu'est-ce que je dois faire? Bah vas-y, fais-lui l'amour, Valentin, ouais, là, qui t'attend. Mais propos, demande-lui qu'elle t'explique un peu là. C'est ça que tu veux faire. Il y a Enzo qui dit mon chat fait du parapente avec moi, bisous à l'équipe. Putain, ça c'est la classe le chat, ça quand même. Et Simog qui sur Twitter qui dit c'est le contraire, c'est les femmes qui prennent le plus de place dans les transports en commun. Ça c'était un message qu'on a eu tout à l'heure quand on a demandé si les mecs étaient respectueux envers les filles dans les transports et qu'est-ce que vous avez déjà vu de spécial justement dans les transports en commun. Bon, dans un instant, il y aura notre ami comment il s'appelait, Amine, qu'on avait eu la semaine dernière, c'était jeudi, qui voulait piéger son oncle et qui voulait lui faire croire en fait qu'il avait piqué un lion pendant qu'il était bourré, un peu à la Hangover, comment vous appelez, ce qu'ils avaient. The Very Bad Trip. Very Bad Trip, parce qu'en fait le titre original c'est The Hangover. Et alors les Français ils se sont dit tiens, on va changer le titre pour donner un côté plus français. Et ils ont fait Very Bad Trip. Alors, j'ai toujours pas compris, hein. je comprends pas non plus pourquoi est-ce qu'ils ont changé ça pour mettre Very Bad Trip, donc mais un titre en français là, qui t'a changé. Pas, en fait Hangover, ils savent non, pas mais d'accord. La gueule de bois. Ouais, mais oui, mais en fait le titre Hangover c'est que aux États-Unis. Ouais. Et que dans le reste du monde c'est Very Bad Trip. Ah, ouais. C'est peut-être les Canadiens ils ont peut-être changé le nom. Non, ils ont dit c'est bourré au volant. Effectivement, ouais. Con comme ils sont. Oh, j'ai du respect pour les Canadiens mais avec leur système de changer tous les mots là, genre les panneaux stop, ils mettent arrêt, les merdes des drive-in, c'est commun d'Ovalin. Non mais je trouve ça con, tu vois, de tout changer, je suis désolé, mais bah oui, les chiens chauds pour un hot dog, je suis désolé. Il y a un moment, faut pas déconner quoi. Le bleuvage pour une boisson, c'est ça. Oh, on va dans un McDo, je sais plus ce que c'est. Fast food, manger rapidement là. Ouais, dans un manger rapidement. Et le mec il nous dit plein avec quoi comme bleuvage? J'ai quoi? Et il pensait que je me foutais de sa gueule. Et il me dit qu'est-ce que vous prenez comme breuvage? Alors je regarde Polo, je dis bah attends, je comprends pas ce qu'il me dit. Bah, il a cru qu'il était revenu au temps du Moyen-Âge. Non mais oui, mais qu'est-ce que vous prenez comme breuvage en fait? Ouais, c'est, ouais, voilà, qu'est-ce que tu veux comme boisson dans le menu quoi. C'est un truc de ouf pour ceux qui ont jamais été au Canada. C'est un peu particulier au début, surtout quand vous voyez sur les enseignes chien chaud. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Et en fait c'est un hot dog. Mais ouais, ils te le traduisent littéralement, ils s'en foutent là-bas, ils sont bien. T'as déjà été au Canada, Angélique, toi ou pas? Non, pas du tout. Et toi, Tonio? Non. Ah bah si vous y allez, vous allez vous marrer, hein, je peux vous le dire. Mais il faut aller du côté français évidemment pour bien se marrer. Hein, Québec, parce que les autres évidemment ils parlent anglais. Bon, Angélique, t'as eu des nouvelles de ton mec de ton ex-mec entre-temps ou pas? Bah oui, bien sûr. Et alors qu'est-ce qu'il a dit? Parce que alors pour ceux qui viennent d'arriver, donc Angélique était enceinte de son ex, ils sont plus ensemble depuis 15 jours, il décrochait plus au téléphone, il donnait plus de nouvelles et elle voulait simplement lui annoncer. J'ai essayé de lui annoncer mais il n'a jamais décroché le téléphone et donc je lui ai laissé le message avec la bonne nouvelle sur le répondeur. Et entre-temps, Angélique, quelles sont les news? Ben, il m'a dit que il allait du moins, il voulait voir si c'était vraiment vrai. Et qu'après, par la suite, il reconnaîtra si c'est vraiment vrai. D'accord, bon, bah très bien. Bah, alors, si t'as pas. Si, t'es, c'est cool. Si t'es sûr que c'est lui le père, t'as rien à craindre. C'est bien, ils vont, moi, ils vont le reconnaître. Rien à craindre. Bon, bah, et très bon, bien. Le dernier message qu'il m'a dit, voilà quoi. Qu'est-ce qu'il a dit? Je lui ai pourri la vie. Que tu lui as pourri la vie. Bah oui, mais en même temps, il avait qu'à pas mettre la graine, hein. Il est con, c'est lui. Non, mais tu vois, tu fais pas un bébé tout seul, quoi. Tu vois, il était là aussi, hein. C'est clair. Bon bah voilà, écoute, tout est dit à un moment, hein, faut quand même pas décoller quoi. Bon bah écoute, bah très bien, écoute, tiens-nous au courant Angélique hein, pour la suite. Ok, y a pas de soucis. Bon, allez, merci à toi d'avoir été là, et puis Angélique, tu reviens quand tu veux, gros bisous en Dordogne. Okay. Salut. Allez, ciao. Salut. À toi, bye. Ciao. On va reparler des animaux de compagnie dans un instant là. Et puis il y a Tonio qui est de retour avec nous, qui a un problème avec sa meuf. Enfin, c'est au-delà du problème là. C'est-à-dire que le mec, il avait des préliminaires avec elle, lui a bouffé le téton. Mais vraiment hein. Au point que ça saigne, c'est ça le truc. Ouais. Il y a un message de Marine sur le Facebook qui dit: moi, ça m'est déjà arrivé que mon gars me mord le téton. Le lendemain, j'avais trop mal, mais pas au point de mettre un front entre nous. Il y a Quentin qui dit: ma copine est conne, que dois-je faire? Bah écoute, vire là, hein, si tu la trouves conne. Non, mais tu vois, si tu la trouves conne, il y a un moment. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous? On a quoi comme matériel? On a pas de quoi arranger ça? Non? Ah, si, on peut toujours faire le lance-flamme. Ouais. Éventuellement un peu, et puis sinon, si vraiment tu veux t'en débarrasser, après on peut toujours demander éventuellement à Tov de prendre le scooter et de partir quoi. Mais... allez, pose caca, roule, voilà. Petit pose caca, roule. Exactement, par là-bas. Bah moi, s'il me donne les mensurations, je peux peut-être gérer. Hein. Sans blague. Bon, Tonio. Ouais. Bon, on va appeler ta meuf dans un instant, mais avant ça, il y a Simon qui est avec nous, 20 ans des Pyrénées-Atlantiques. Salut Simon. Salut. Comment ça va? Ça va, nickel. Bon, bienvenue à toi Simon. Tu voulais donner un conseil à Antonio. Enfin, un conseil, je sais pas, mais en tout cas, tu voulais dire un truc à Antonio. Pas trop un conseil, ouais. Ben, moi aussi, il est arrivé un truc chaud. Enfin, c'était pas par rapport à ça, mais... Alors, en rentrant de soirée, j'avais ramené une zouze. T'avais ramené quoi? Une zouze. Ouais. Une zouze, une fille, ouais. Ouais, et, ouais. Et pendant les préliminaires, quoi, elle me faisait une pipe. Et je crois qu'elle est restée un peu trop longtemps. J'ai vu qu'elle s'est levée. Elle est partie à la salle de bain et j'entendais vomir. Quoi, tu lui as pété dessus? Mais non. Ah ouais, elle a voulu faire gorge profonde et ouais. En fait, elle se l'est mis au fond. Ouais. Eh ouais, bah ouais. Ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses qui arrivent. Et du coup, mais... comment ça s'est passé après? Ben, ça s'est fini quoi. Ah, elle t'a viré pour ça? Oh putain. Non, c'est moi qui suis parti. Ah, c'est toi qui es parti, d'accord, ok, très bien. Ouais. Bon, ben comme quoi ça peut arriver dans les deux sens. Hein. Bon, Simon. Ah oui. Et Simon, depuis ça t'est plus arrivé, rassure-moi. Non, plus jamais. Bon, ça va alors. Bon, écoute, Tonio, on va appeler ta meuf. Ok, maintenant. Ça marche. Bouge pas Simon, on l'appelle maintenant, tu lui parles, je lui parle, on fait quoi? Ouais, bah vas-y, parle-lui en premier. Bon, mais qu'est-ce que je lui dise, moi, Tonio, vas-y. Tu lui dis, en gros... Que tu t'en veux, blablabla, enfin voilà, le cinéma habituel, quoi. Et tout, je suis dégoûté, je pensais pas que ça allait arriver jusqu'à là et tout. Bon, très bien, écoute, très bien. T'as mis un froid en plus, parce que je voulais la forcer à aller au docteur, c'est ça, le pire, elle voulait pas, elle était gênée et tout, c'est ça qui est... Non, du coup, t'es chez le docteur. Ouais, voilà. Non mais c'est vrai, on dit pas au docteur, on dit au pute ou chez le docteur. Voilà, bon, on y va, on l'appelle, d'accord? On y va? Allez, c'est parti. On l'appelle tout de suite. Voilà. Et donnez ça à votre prof de français demain comme moyen mémotechnique. Voilà. Vous lui direz ce qu'elle a dit. Voilà, au pute et chez le docteur. Non mais je pense qu'il y en a plein qui vont s'en souvenir. Du coup. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux parler à Mélissa? C'est moi. Bon, salut Mélissa. C'est Mickaël, tu me connais pas? Non. Non, très bien. Par contre, t'as le kit main libre ou quoi? Parce qu'il y a de l'écho là, c'est une horreur. Oui, je peux voir. Ah, je sais pas si tu peux juste prendre le téléphone normalement ou... Parce que du coup, ça fait de l'écho. Ah. Allô? Allô? Oui. Ah non, ça fait encore de l'écho. Ouais. Bon, attends, je te rappelle, Mélissa. D'accord. Je te rappelle, bouge pas. Hop, et c'est bien parce qu'elle me demande pas qui c'est, tu vois. Qu'est-ce que je veux? Tu lui as dit que c'était Mickaël. Oui, bah et alors? Mais on va me dire Mickaël qui? C'est magique, c'est un nom magique. Attends, oui, c'est vrai. Allô? Allô, Mélissa? Allô, Mélissa? Oui. Bon, il y a toujours de l'écho, je comprends pas. Bon, soit, c'est pas grave. Bon, Mélissa, je t'appelle en fait parce que je connais Tonio. Oui. Tu te souviens de qui c'est? Oui. Ouais, enfin, t'aurais eu du mal à l'oublier, quoi. Non, j'ai pas oublié, non. Non, c'est sûr. Bah, en fait, il m'a un peu parlé de l'histoire, là, et il m'a dit que c'était un idiot, que c'était un con, il s'en veut, et il voulait savoir si t'étais guéri. Si c'est guéri, là, il a parlé de quoi? Il a pas parlé de la grippe, quoi, tu vois. D'accord, oui, c'est pas guéri, non. C'est pas guéri? Parce que là, non, là j'ai une grosse croûte. Ah, t'as une croûte? Oh merde. Oh merde. Faut peut-être amputer là. Non, il faut aller soigner. Non, mais t'as été voir le médecin? Il m'a forcé à y aller. Bah, c'est bien, il a bien fait. Oui, non, mais c'est assez gênant quand même. Non, mais c'est gênant, d'accord, mais après, ça reste un médecin, il va pas se foutre de toi, c'est rien. Hein. Tu vas pas laisser une croûte quand même sur le sein, là, sur le téton. C'est joli une croûte. Oui, c'est sûr. Non mais enfin, parce que voilà, t'es sur Fun Radio, là, Mélissa et Tonio nous avaient appelé pour nous expliquer un peu l'histoire. Bon, on s'est quand même bien foutu de sa gueule, faut quand même le dire, hein, ça c'est vrai. Mais surtout, vraiment, il s'en veut, vraiment. Hein. Ok. Bah, attends, je te on le passe. On est sur Fun Radio, là. Ouais, on est sur Fun, Mélissa, c'est Mickaël, on est là de 20h à minuit. Tonio. Ouais. Bon, allez, dis-lui que t'as un trou du cul, que tu t'en veux, que... Bah, tu sais quoi? Moi, j'ai une proposition, avant même que tu parles, Tonio. Si vous vous remettez ensemble, Mélissa, au cas où... Mélissa? Oui. Voilà. Tu pourras lui mordre de toutes tes forces la bite. Non, mais non, je suis pas bizarre comme ça, moi. Non, mais genre une vengeance comme ça, un partout, balle au centre, et puis vous continuez votre vie, quoi. Ouais. Bon, Tonio. Ouais. Bon, vas-y. Ouais, ben, je suis désolé. J'ai vraiment pas voulu faire ça. Je me sens mal à l'aise et tout par rapport à ça. J'aimerais que tu vois qu'on se revoit et qu'on se reprend quand même. Non, mais ça, je veux qu'on soit, hein. Moi, j'allais pas aller au petit tas, tu vois. Mais là, le fait que tu m'attises devant tout le monde, par contre, là, c'est pas exactement. Mais c'est vrai, on parle de problème, y a pas de soucis. Genre, Fun Radio, c'est la famille. Mais oui, mais oui, c'est la famille. Il y a un peu quand même beaucoup de monde qui écoute, là, donc... Mais non, il y a personne. C'est entre nous, là. En fait, c'est radio entre nous. D'accord, ouais. Non, mais en même temps, on s'est pas quitté, Mélissa. On sait même pas où t'habites. Oui, ben encore... Non, mais voilà, donc du coup, qui va te reconnaître? Ouais, ben je sais pas, mais bon, c'est bien, là. Oui, non, mais ça, je veux bien le concevoir, mais t'inquiète pas, on ne connaît pas. C'est juste que là, voilà, il s'en veut et il aimera bien réparer, quoi. Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en penses? C'est gérable ou pas? Oui, c'est gérable. Ah, ben voilà, Tonio, là! Écoute, j'ai du fil et une aiguille. Oui, bah si on veut, effectivement, on peut venir réparer. J'adore les femmes. On peut venir réparer. Hein. Non, ça ira, merci. Très bien, pas de problème. Bon, eh ben, écoute, bonne soirée, Tonio. Mélissa aussi. Hein. Je peux faire une petite dédicace? Oui. Allez, vas-y, vas-y. Ben, je fais une dédicace à mon cousin Olivier, Roman, Sylvain, ma soeur Léa, voilà. Et après, bon Marley aussi, petit bon Marley, là. Eh ben, parfait. Et Mélissa? Oui. Si tu veux, on peut venir réparer. Hein. J'ai le marteau piqueur, il est prêt là. On a le matériel. Et on peut même cautériser un peu là. Voilà, c'est fait, allez. Voilà. Voilà, bon, là, il va te manquer un peu de sein, mais. Ouais, mais. Tu iras voir dans le Vinfun? Bah, voir dans le Vinfun? Bah, ça marche. Je t'en prie, Tonio. Salut, hein, Tonio. À bientôt, Tonio. Salut, Mélissa. Je travaille en moi, j'aime bien demander des packs le Vinfun. Ah, je t'en prie, écoute, avec plaisir. Bon, plein de messages sont arrivés également, là. Il y a un message qui est arrivé, vous êtes trop énorme, là. Étoffe et super laid. On dirait un peu mon cul, mais lui, une fessée sur sa tête de cul. Avec plaisir. Quelle violence gratuite! Ah, il était bon. Je vais le relire parce qu'il était bien. Donc, je relis. Vous êtes énorme, étoffe et super laid. On dirait un peu mon cul. Mais lui, une fessée sur sa tête de cul, mort de rire. Voilà. Merci pour ton message. Très sympa. Oh, c'est bon. Marine qui dit. Merci. Voilà. Il veut lui donner mon Facebook. Sa meuf est vraiment une coincée qui la largue. Et Let's Be Freaks qui dit oh putain, chez le docteur, tu m'as tué, Mickaël. Mais non, mais c'est vrai. C'est un bon moyen mémo technique. Hein. Je suis sûr qu'il y en a plein qui vont plus oublier. Des heures de colle. Pour le bac, ça va être bien. Tu mets ça et tout. C'est... Bah ouais, non, mais c'est vrai. C'est nickel. Le prince Nadia qui dit aussi, on dit au pute et chez le docteur, à noter sur un post-it immédiatement. Merci Mickaël pour ce rappel, écoute avec grand plaisir. Et pour parler encore des animaux de compagnie là, Émilie qui dit mon chat plante ses griffes sur le papier peint, grimpe au mur et se jette sur moi. Le message est clair, il ne supporte pas que j'aille dans la douche. Oui, mais il aime pas l'eau en même temps le chat. Hein. Et alors Clara ici qui dit Polo s'improvise chirurgien à l'occasion. Oui, mais c'est uniquement pour rendre service. Bah oui. Uniquement pour rendre service, vous nous connaissez. Et puis Viro qui dit hop hop hop, on se moque pas du Canada. Non, je me moque pas du Canada, je moque du français canadien, ce qui n'est pas pareil. Mon chat se casse la gueule du haut des escaliers, quel con. Bah oui, c'est un chat en même temps. Et Sylvie qui dit bonjour, je vous écoute, je suis plié de rire avec tout ce que j'entends. Vous êtes géniaux, la bise à toute l'équipe. Merci à vous. Dans un instant, restez là, puisque nous allons vous diffuser un canular qu'on a eu l'occasion de faire jeudi. Merci d'ailleurs à Amine qui nous avait appelé pour nous piéger son oncle. Voilà, son oncle, il voulait lui faire croire simplement en fait qu'il avait dérobé un lion et que là il était bien emmerdé puisqu'il y avait les flics qui étaient là, etc. Il était bien emmerdé. Donc on fait ça dans un instant sur Fun Radio et puis on va s'écouter un son que vous avez également découvert sur Fun. Le son de Bakermat, les Hollandais de Van Dijk sur Fun Radio. On écoute ça tout de suite. Il est 22h28, on est en direct sur Fun Radio jusqu'à minuit. 01 42 48 5000 pour prendre le contrôle. Et 02 851 4x0. On est là tous les soirs, 20h minuit et la semaine de 23h à 2h sur Fun. I have a dream. C'est Fun Radio et Bakermat à l'instant, vous avez découvert chez nous, hein, c'était Van Dijk sur Fun. Et puis Alexandra qui dit mon chat il monte dans la voiture quand je rentre du travail histoire de faire un petit bout de chemin avec moi jusqu'à ma place de parking. Oh bah sympa, ça fait de la compagnie. Marine qui dit mon chat s'endort grâce dans sa gamelle d'eau. Il est con. Le prince Nadia qui dit ça va faire tellement drôle d'entendre que désirez-vous comme breuvage. Ah mais non mais vraiment hein, pour ceux qui ont jamais été au Canada, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Et alors il y a Feu qui dit roule pose caca, roule. Bah très allez, bien, il va petit rouler là. Pose caca, prends ta liberté. Attends, on va d'abord mettre un petit coup de nitro là. Ah oh, putain, elle démarre plus là. Non, il y a plus rien, il se passe plus rien là. Ah, veut pas, hein. Ah, il est tard, attends, on commence. Voilà, là on est bien là. Bon, avant de récupérer dans un instant Fred qui est avec nous là. Bon voilà, pas de récupérer, on va le prendre. Allez, bonsoir Fred. Comment ça va? Ça va tranquille, un bon. Lyonnais en plus. De quoi Fred? Un Lyonnais en plus. Encore un Lyonnais? Il y a que ça là. Ouais, ce soir, il y a qu'à Lyon qu'on passe. Bah oui. Bon, et les Lyonnais qui font toujours 0-0 d'ailleurs au foot là, hein, il reste plus qu'un quart d'heure. Ils ont gagné comme d'habitude. Ouais, c'est aspiré, en même temps ils le méritent, hein, parce que le nombre de fois qu'ils ont mis des beaux tirs qui sont écrasés sur le poteau, si tu veux, c'est quand même vraiment ballot quoi. Bon, bah du coup, qu'est-ce que j'ai à dire? Bah on va parler de quoi dans un instant avec toi, dis-moi. Alors moi c'est par rapport à des amis en fait qui font que se disputer, et du coup je suis toujours entre les deux disputes, et à chaque fois c'est moi qui me ramasse tout dans la gueule. En fait. Bon bah très bien, les amis, on va en parler, t'inquiète pas, on connaît bien là. Bon, reste avec nous Fred, on va faire ça dans un instant. On va revenir avec Lorraine, avec Florian également pour parler des animaux de compagnie. Et est-ce que t'étais là toi cette semaine jeudi? T'as pas entendu quand on avait eu Amine au téléphone là pour faire une blague à son oncle? Non, ça je l'ai pas entendu parce que je bossais ce soir-là. Eh bah écoute, justement c'est la séance du rattrapage là. Donc c'était Amine qui nous avait appelé pour faire une vanne à son oncle. Et il voulait lui faire croire qu'en fait on lui avait il avait piqué un lion dans un zoo et que les flics lui le coursaient. Donc voilà, donc du coup on a Amine qui t'as raison, t'as vu. Hein. Donc Amine qui nous avait appelé là justement, c'est salut, parti. J'appelle pour faire une blague à mon oncle en fait. Une blague à ton oncle, c'est-à-dire? Je voudrais lui faire croire que en gros on a capturé un lion comme un lion. Bon, et comment t'es censé avoir trouvé un lion? On l'a piqué dans un zoo, on va dire. Normal. Ouais, voilà, en gros on était bourré et... Ouais, mais voilà, t'sais, moi aussi la dernière fois j'ai vu un orang-outan, je l'ai pris avec. Non, tu vois, j'ai pris avec moi et on est rentré ensemble, c'est main dans la main, on était cool quoi. Ah, c'est vrai. Ouais, là vous l'avez chourave quoi. Ouais. C'est ton nouvel amoureux? Oui, exactement, oui, un orang-outan. Bon, et donc du coup, ouais, à la Very Bad Drift, donc genre tu te retrouves avec un lion, t'étais bourré, tu sais pas ce qu'il fout là et là t'es dans la merde quoi. Voilà, en gros. Bon, très bien, ok. Écoute, on va l'appeler alors. Attends, est-ce que mon lion est là? Il est là. Ouais, il est là, ouais, là c'est bien là. Calme-toi, Minou. Ouais, il est vénère hein, pour le coup. Hein. Bon, très bien. Des croquettes. Et ouais. Tu fais vite, Amine. Hein. Des croquettes, tu vas voir, des croquettes. Bon, on y va. Ouais. Et pourquoi tu veux le piéger, ton oncle, en fait? Il t'a fait un truc en particulier? C'est une vengeance ou c'est juste pour l'emmerder pour le plaisir? Ouais, non, j'aime bien l'emmerder pour le plaisir. D'accord. Bon, écoute, on y va. On l'appelle. Ah. Allô? Oui? Ouais, allô Michel, ça va? Ça va être un bon client. Ouais, moi ça va pas du tout là, putain, il m'est arrivé une grosse couille. Qui? Moi? Pourquoi? Parce que, vas-y, là, tout à l'heure, je suis sorti là, putain, je suis parti au zoo et vas-y, j'étais bourré, t'as vu, et on a piqué un lion, putain. Voilà. Non, putain, sérieux, c'est pas drôle, et là... Oh, vas-y, dépêche-toi là, qu'ils viennent vite le chercher là! Putain, et là je suis avec des potes et le lion. Oh putain,

Bon, on va le rappeler dans un instant, là, justement, le Michel, pour ceux qui n'étaient pas là. Et si vous avez, si vous êtes déjà marré, rassurez-vous, la suite va être encore pire. Il y a Hugo dans un instant qui dit impeccable, mes soirs avec vous, là, vous êtes cool et sans tabou. Un petit coup de scooter, s'il vous plaît. Allez, bonne soirée à vous, c'est Hugo. Ah, si tu veux, ouais, coup de scooter, c'est parti. Allez, petit pouce caca. Allez, hop là. Et avec le nitro derrière, il y a Mickaël qui dit vous êtes super, je vous écoute tous les dimanches soir. J'ose pas vous appeler pour passer l'antenne, comment faire? Bah t'appelles, vas-y, t'inquiète, on va pas te manger. Il y a le stagiaire, il y a Sandro au standard là, 01 42 48 5000. Qui se arrive, le stagiaire il a froid ou ça se passe comment là? L'autre il est là, il a son gros pull, il se tient les bras, il est malade ou quoi là? Non mais ça caille, il est avec il fait bon, c'est les vrais hommes, ils ont pas de problème avec le froid. Nous, on met de la clim, bien sûr mec. Allez, restez sur Fun Radio, je vous cale dans un instant. Eh ben Britney Spears, ça va arriver comme promis. Puis je vous cale aussi la Swedish House Mafia, tiens. Oh, ça va faire du bien, un petit souvenir, ça. Bon vieux son là. Enfin bon vieux, il a pas 20 ans non plus, hein, mais. En tout cas, on a plus entendu depuis un petit bout de temps. Swedish House Mafia avec Juan, c'est ce qui arrive dans un instant sur Fun Radio. Bonne soirée. Et on va rappeler l'oncle de Damien dans un instant avec le lion là, ça va arriver dans un instant sur Fun Radio. Allez, venez prendre le contrôle. Je vous attends jusqu'à minuit. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Mickaël nos limites, 20h minuit sur Fun Radio. En direct sur Fun Radio dans toute la France. Allez, venez parler avec nous, venez prendre le contrôle. On est là jusqu'à minuit sur Fun Radio ce soir avec le retour d'Amine dans un instant. On avait fait ça jeudi là, le canular là, pour piéger son oncle. Il voulait faire croire en fait qu'il avait piqué un lion et qu'il était bourré et qu'il savait pas comment faire, un peu à la Very Bad Trip. On fait ça dans un instant, ça a bien démarré même si j'y croyais pas trop. Quentin qui dit vous êtes super, je vous kiffe là, sinon un coup de bazooka dans la gueule de Toff. Ah bah il est parti au chiotte là, mais t'inquiète pas, dès qu'il revient on va lui en mettre un. Mathias qui dit allez Michel putain fais pas ton con. Pipita aussi qui dit pété de rire, il est trop con le mec. Alors mets ta gueule, il se pisse, dit con, il mord de rire, il m'a tué. C'est Céline qui avait envoyé le message. Ah oui, il était bien drôle le mec là. Bon allez, venez nous rejoindre également sur le Facebook de l'émission. Là on est plus de 131 000 là, grâce à vous. Ça fait que monter, on est une émission qui a même pas deux mois, le 131 000 c'est quand même plutôt pas mal. Donc vous faites bien la promo, c'est que vous aimez bien, tant mieux, merci à vous. Vous venez également nous rejoindre sur le Twitter et sur l'Instagram, vous faites Mickaël officiel. Et puis vous nous rejoignez, voilà, si vous me faites un follow, et bien comme promis les filles, je vous follow par derrière. Avec plaisir. On fait ça dans un instant sur Fun Radio, je compte sur vous. Prévenez vos potes, c'est Mickaël No Limit, 20h minuit tous les dimanches et 23h, 2h la semaine. Après la Swedish House Mafia et One, on revient. Et voilà, 0-0 pour les Lyonnais, le match est terminé maintenant, eh oui. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Et on est de retour sur Fun Radio avec le son de la Swedish House Mafia à l'instant, c'était One. Et puis bonne nouvelle pour ceux qui l'ont demandé là. Et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup. Je vous l'ai fait découvrir tout à l'heure. Et je vous le remettrai dans un instant, le son de Britney Spears avec World Bitch. Ah, je vous l'ai fait découvrir à 20h et je vous le remets donc dans quelques instants au cœur d'une heure sans pub maintenant sur Fun Radio. On est en direct 22h51, on est jusqu'à minuit tous les dimanches soirs, vous connaissez le principe maintenant, hein. 20h minuit et toute la semaine du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat sur Fun Radio. Bon, dans un instant, retour avec Fred là qui voulait nous parler d'un problème avec un couple d'amis, Florian et Ali, ainsi que Lorraine qui voulait réagir par rapport aux animaux de compagnie, puisque sur le Facebook de l'émission, il y a toujours l'animal le plus moche du monde, allez voir, il ressemble un peu à Toff, certes. Voilà, mais c'est vrai, un petit peu. Donc du coup, si vous voulez aller le voir et laisser vos commentaires, n'hésitez pas, facebook.com/mickaëlofficiel. Retour avec Amine maintenant, qui voulait faire croire à son oncle qu'en fait il avait piqué un lion et qu'il était bien dans la merde. Son oncle qui a peur de la police apparemment. Je sais pas ce qu'il a caché, mais il a quand même peur de la police pour le coup, c'est quand même bizarre. Donc donc on va continuer, on va le rappeler encore un petit coup là pour le coup. Hein. Allez, on y va. Non, mais... En plus j'aurais pu lui parler, mais taisez-vous, je vais lui dire. Ouais. Mais sinon on peut pas lui faire croire que les flics sont arrivés et qu'on leur demande de dire que c'est à lui et qu'on lui ramène. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Amine, ton l'air tranquille. Attends Michel, là je suis avec la police, deux secondes, parce que sinon je vais me faire arrêter. Alors qu'est-ce que c'est que cet animal là derrière? Michel, écoute juste. Il a raccroché. Merde, encore raccroché. Putain, l'enfoiré. Il a dit je suis avec la police, il a raccroché. Attends, moi je vais l'appeler, il va dire arrête ton cinéma, je vais dire c'est la police, il va me raccrocher au nez, je parie. Attends, on le rappelle, c'est moi qui parle là, c'est la police. Dites-lui que j'ai dit que le lion il était à lui. Ouais, t'inquiète. On va lui rapporter. Ok. On va lui rapporter, ouais. Thank you.

Bah tu sais quoi, je vais t'envoyer une photo si tu veux du Michel. Ouais, ah, avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Il va te faire la misère parfait, demain. Parfait, ouais, parfait. Ah, bon, c'est ben... sûr, il va me défoncer. Ah ouais, grave. Bon ben merci beaucoup en tout cas, bonne soirée. Hein. Bah merci à vous aussi. Ciao. Ciao. Bon et si vous voulez vous aussi qu'on piège les gens là, n'hésitez pas à nous appeler 01 42 48 5000. C'est le numéro du standard, vous y allez. Il y a Sandro qui vous attend d'ailleurs au standard. C'est le retour ce soir hein, de Sandro. On va beaucoup parler ce soir Sandro. Hein? Hein, pas bah beaucoup parlé là. Si. Ah si, si, si, non, mais d'accord. Vous m'avez fait rire. Ah bah, écoute, tant mieux, comme quoi ce que t'arrive. Je vous écoute. Oui, ça, vous me faites rire, ça va. Oui, ça c'est vrai. On a c'est du vrai. Talent. Mais qu'est-ce que tu veux, légèrement. Bon bref, tout ça pour vous dire que si vous voulez, vous aussi, qu'on piège bah, quelqu'un de votre famille, un pote, votre copain, votre copine, peu importe, 01 42 48 5000 ou 051 4x0. Je vous rappelle également que tout à l'heure, nous ferons également le top tweetos, c'est-à-dire on élira l'auditeur de la soirée, l'auditeur le plus influent de la soirée, celui qui aura partagé un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. Donc si vous voulez bah, tout simplement bah, faire partie des 5 meilleurs auditeurs et donc être élu meilleur auditeur de la soirée, à vous, il vous reste une heure maintenant, vous mettez les messages hashtag Mickaël tout simplement dans tous vos messages sur Twitter. Et puis il y a l'auditeur qui nous dit qu'on est en top tweet. Bon, on n'a pas regardé, mais je vais te faire confiance. Bah, merci à toi, merci à vous d'ailleurs aussi. Hein. Ça veut dire que vous avez balancé un maximum de messages avec le hashtag Mickaël. C'est très gentil. Merci à vous. Il y a Colin qui dit Loca People. Est-ce que ce serait possible? C'était quoi? C'est encore Loca People? Donne-moi le nom de l'artiste là. J'ai oublié. C'était le truc espagnol là. Ouais, mais je sais plus. Je sais plus. Bah, donne-moi plus d'infos, Colin. Si tu me donnes plus d'infos, je te le mettre. Il y a Marine aussi qui dit vous êtes d'art, n'empêche. Là, je vous kiffe. Je vous renvoie une photo de moi. Est-ce que vous pourriez me donner votre avis? Bah, si tu veux, Marine. mikl@funradio.fr. Tu m'envoies ça sur mon mail. Il est devenu ouf d'un coup là. Voilà. Tu m'envoies ça sur mon mail et je te dirai mikl@funradio.fr. Quentin qui dit vous pouvez mettre ta poêle. Raya, s'il te plaît, quitte à tel top. Ah bah on va essayer du coup, mais là j'ai encore le Britney Spears à caler. Là, il y a le Showtech que j'ai promis. Et puis bah il y a le Loca People. Là, je vais voir. Ah ben bah, sac Noël, on me dit. Alors attends une seconde, parce qu'il faut que je vois si je l'ai ça. Alors si j'ai ça, alors sac Noël. Est-ce qu'on a encore ce truc là? Ça fait un bail là. Déjà, est-ce que quelqu'un a écrit de la bonne manière? C'est tout ça la grande question. Oui, nous l'avons. Je vais pouvoir te le mettre. Alors techniquement, c'était ça si mes souvenirs sont bons. Hein. C'était ça, hein? Ouais, j'adorais ce morceau. Ouais, c'était bien, c'est rigolo. Sac Noël avec Loca People. Bon, on se le mettra tout à l'heure, alors promis, pas de problème. Bon, si vous voulez balancer tous vos messages, allez-y. Bah, du coup, il n'y a plus de place. Hein. On a prévu le Britney Spears qui arrive. Yeah. Sac Noël après. Il y aura aussi Showtech avec Bouya. Donc, voilà. Bah, il n'y a plus de place, sera pour demain, les gars, hein, à partir de 23h. Et Clara qui dit aussi, c'est ouf cette histoire de Lyon. Bah, complètement. Le Prince India qui dit, ça fait un moment qu'on n'avait pas entendu ce titre. Là, il déchire le son de. C'était quoi qu'on avait mis? Swedish House Mafia. Que du bon son. Bonne émission. Dimanche soir réussi. Merci en tout cas. Et Fanny aussi sur le Twitter qui dit, putain, ça fait une semaine que j'ai pas écouté Mickaël. Dure la rentrée dans la vie active. Ah ouais, c'est clair, Fanny. Bah bon courage à tous ceux qui travaillent tôt le matin. Et Gwenolé qui aussi débarre en direct à défoncer le lion avec un pistolet laser. Oui, mais en fait je me suis gouré le bouton. C'est pas celui-là que je t'avais envoyé. Et c'était effectivement un pistolet laser. Mais ça arrive même au meilleur. C'est vrai. Non, mais c'était bien avec le pistolet laser. Moi j'ai bon, aimé. Si on a le temps, on vous remettra un petit chéri, je peux te faire cocu. Vous avez bien kiffé. Bah dites-nous s'il y en a un que vous avez envie de réécouter en particulier depuis 2 mois qu'on fait l'émission. Là, dites-nous donc hein, sur le Twitter. Mettez le hashtag Mickaël et on va enfin récupérer. Eh bien, Ali qui est avec nous là, qui appelle de Neufchâteau. Attends, de quoi? De t'appelles de Neufchâteau, c'est ça, Ali? Ouais, j'appelle de Neufchâteau. Très bien, et ben sois le bienvenu. T'as 20 ans, Ali. Et toi, tu voulais réagir par rapport aux animaux de compagnie, puisque nous avons mis l'animal le plus moche du monde sur le Facebook de l'émission. Mais c'est quoi? J'ai regardé, j'ai vu la photo. Mais c'est un poisson. C'est un poisson. Oui, ouais. C'est un poisson. Ah ouais. Ah, c'est le plus moche du monde. Ah putain. Trouve pas qu'il y a un petit peu de ressemblance avec Toff? Bah, je sais pas, mais Toff, on peut les mettre en aquarium ou pas les trucs? Oui, on peut. Ouais. Ah, il faut un putain aquarium. Pour mettre hein. Dans un aquarium. Oui, pourquoi pas, ouais. Pour être la famille, comme ça c'est bien. Bon, c'est tu l'as vu toi, Ali, ou pas la photo? Non, j'utilise pas Facebook moi. Ah d'accord, oui, ben, je l'ai mis sur Twitter aussi, sur Instagram, cela dit au passage. Mais bon, c'est bon, tu voulais parler des animaux de compagnie toi, Ali, alors c'est, je t'écoute. Ouais, parce qu'en fait, c'est même pas à moi, tu vois, c'est à mon frère. Ouais. Il l'aime bien, il le kiffe et tout, et puis je partage la même chose que mon frère. Ouais. Et, presque tous les matins, quand je me réveille, tu vois le chien dessus, il plein de bave et tout, c'est tout crade. Ah putain, c'est quoi comme chien? Un petit chihuahua. Oh là là, ah, les chiens qui mignon. Servent à rien. Oh, je déteste les chihuahuas. C'est trop mignon. Non mais, ouais, non. C'est pareil, je dis à mes parents et tout, je dis débarrassez-moi de ça et tout. Mais mon frère il tient trop, il a 14 ans, il tient trop. Ah d'accord, parce que tu vois les chihuahuas c'est ça. Hein? Non. Voilà, tu sais, il fait la misère au gros, tu sais, il fait chier, donc il continue, il aboie. Quitte à l'autre qui fait style j'en ai rien à foutre, c'est les gros chiens dans la rue. Ils se disent ouais, vas-y, c'est bon, c'est encore un petit, m'emmerde. Sauf qu'il arrête pas, il arrête pas, il arrête pas. Jusqu'au moment où t'as le gros qui fait. Voilà, il gueule un bon coup, tu vois. Eh ben, l'autre il se calme. Vous terminez, il retombe dans les jupes de sa mère. Eh ben. Ça sert à rien. C'est mignon. Ça sert à rien, Chihuahua, sans déconner quoi. Ça me fait penser à Paris Hilton. Non, il y en a des moches, c'est vrai. Mais ils sont tous moches. Non, il y en a. Oh, il y en a, ils sont magnifiques. Non, pas les Chihuahuas, non, je peux pas te laisser dire ça. Ils sont vraiment magnifiques. Je peux pas te laisser. Je sais que c'est le chien préféré de Polo, mais quand même, je suis désolé, Polo. Ça va pas, le Chihuahua. Déjà, je n'aime pas les chiens. Et puis, si je vais avoir un chien, c'est soit un chien loup. Un chien loup. Un pit, moi, carrément. Un Rottweiler, ouais. Mais pas, c'est pas ça là. Moi je vois bien Polo avec son petit chihuahua, tu sais, dans le petit sac. Oh, du quelle honte. Dans un panier. Dans un petit panier en osier. Oh, ce serait bon ça. Bon, et du coup, Ali, toi, si tu partages la même chambre, tu peux pas demander qu'il dorme ailleurs le chien? Mais non, mais je peux demander, mais le problème c'est que mon frère il aime bien avoir le chien à côté de lui quand il dort. Mais tous les matins c'est sur moi qui se réveille le chien, c'est pas sur mon frère. En fait, il est là le problème. Bah ouais, non, mais... le problème c'est pas ça, c'est qu'il est pas dressé le chien, parce que c'est pas parce que c'est un chihuahua qu'il faut pas le dresser. Normalement le chien il dort pas sur le lit déjà. Ah oui, c'est ça, il dort dans sa niche. Ouais, bah non, enfin, non, à sa place en tout cas. Non, il dort carrément avec mon frère. Oh, quelle horreur. Ah, moi ça je pourrais pas, hein. Jamais de la vie, ni chien ni chat. Attends, c'est non, mais chacun sa place. Moi je veux pas dormir dans leur panier. Et puis, comme tu vois ce que je veux dire, c'est moi s'ils viennent pas dormir dans mon lit, moi je vais pas dans leur c'est panier. C'est normal, c'est moins confortable. Oui, bah peu importe. Attends, tu mets une bonne couverture. Un chat, c'était mon con, tu mets une putain de couverture de ouf dans son panier, tu peux être sûr qu'il va aller là où c'est moins confortable. Juste pour faire chier. Ils aiment la chaleur, les chats. Bah, ils oui. aiment se mettre sur les radiateurs. Non, mais écoute, moi je vais pas dans leur panier, ils viennent pas dans mon lit. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Chacun là. Sa place. Exactement, chacun sa place. Attends, on va prendre aussi Lorraine qui est avec nous là. Salut Lorraine. Salut. Comment ça va? Bah ça va. Bon, t'appelles pourquoi toi Lorraine? Bah pour parler de mon chien qui. Alors c'est quoi comme chien? Est-ce que c'est un chien comme ça? Comme ça? C'est plutôt comme un ça. Petit chien, ouais. C'est un petit chien comme celui-là? D'accord, ouais. Ok. C'est quoi la race? C'est un fox terrier. Oh là là, c'est quoi, c'est un fox terrier? Ça ressemble à quoi encore ça? Rien. Rien. Ah, non mais sérieux, ça ressemble à quoi, hein, c'est pas? C'est tout petit, ça a les poils un peu. C'est, ouais, c'est les blancs. C'est le chien de Tintin, non? Ouais, c'est ça. Ouais, je crois. Ah, d'accord. Ouais. Un caniche. Sauf que le mien, il est noir, ouais. Non? Ah, il est tout noir. D'accord, bon, ouais. Tout noir. Bon, bah très bien. Bon, et donc, qu'est-ce qui se passe avec le Kleps? Et ben, au début qu'on l'avait, il a bouffé le permis de mon père. Quel connard! Bah oui, mais lui aussi voulait rouler, hein. Ouais, il bouffe aussi mes chaussures de temps en temps, enfin voilà quoi. Bah attends, ouais, mais il y a un moment, il faut, non, il faut dresser le chien là, attends, ouais, c'est pas la fête, hein. Mais c'était au tout début qu'on l'avait et. Il fait ses dents peut-être? Bon, il fait ses dents, attends, ouais. Je vais lui faire le portrait, tu vas voir. Il lui trouve des excuses pour s'acheter de nouvelles chaussures, c'est tout. Ouais, c'est une idée aussi, ouais. Mais vous l'avez pas dressé, ouais. Le chien, quel âge il a? Ben là, il a 11 ans, mais au début qu'on l'avait, il... Comment dire? On n'a pas trop osé le dresser parce qu'il a eu des... Il a été maltraité étant petit, donc... Ah, d'accord, ceci explique cela. Ouais, d'accord, mais il faut peut-être aller l'amener chez un dresseur. Tu me diras, à 11 ans, c'est peut-être un peu tard, mais... Non, je crois que c'est jamais trop tard, non? Bah, c'est jamais trop tard. Et ça vit combien de temps, ton chien, là, à peu près, en moyenne? Bah, le temps de se faire écraser, quoi. Non, mais je sais pas, non, mais attends, t'as des chiens qui vivent 10 ans, t'as des chiens qui vivent 20 ans, ça dépend. Moi je sais pas du tout, hein. Tu sais pas, tu t'intéresses à ton chien, toi, c'est bien. Non mais c'est bien. Attends, il y a Florian aussi qui est avec nous de 3 là. Salut Florian. Salut. Comment ça va? Bah bien. Bon bah bienvenue à toi Florian. Alors toi tu voulais aussi parler des animaux de compagnie? Ouais, j'avais un poisson rouge mais... Un poisson rouge, t'es là, sérieux avec ça? T'es un peu le bouffon de... Non mais t'es sérieux avec ton poisson rouge? Poisson rouge. Ouais. Oh là là, et qu'est-ce qu'il a fait le poisson rouge? Attends, il avait un prénom? Non. Ah ouais. Merde, ah oh, putain, dommage. Bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Bah il a sauté de son bocal, puis il est mort. Pardon. C'est parce qu'il cherchait de l'oxygène. Bah oui. C'est parce que ton eau, quand le poisson il saute de ton aquarium, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'oxygène. C'est faux, dans il l'eau. Veut juste se suicider. Bah ouais, c'est ça. Non mais c'est vrai, hein. Ouais, c'est, y a là, il met une corde. Oui. Et puis bah lui il a pas de corde, donc bah forcément oui. Bah, la seule moyen se noyer, c'est que... il peut pas se noyer. Il peut pas se noyer. Donc du coup bah il saute. Bah mais ouais. Mais tu le maltraitais Flo? Non. Oh putain, c'est tu dingue ça. Tu battais ton poisson rouge. Ouais, c'est rouge. Ça. Putain, pauvre poisson rouge, j'ai appelé la SPA moi, tu vas voir. Et tu l'as même pas fait du bouche à bouche. Ouais, c'est ça, t'aurais pu essayer de le faire revivre. Bah, je l'ai remis dans l'eau, mais après il flottait, puis bon, ah ouais, c'est mauvais signe. Ouais, quand je l'ai remis dans l'eau. Allez, nage! Nage! Ah bah, il nage pas ce con là, qu'est-ce qu'il est con, Nemo alors? Ah là là. Et depuis, t'as repris un poisson rouge ou pas, Florian? Bah non. Ah bon, d'accord, ok. Bon, j'ai assisté à une mort de poisson rouge une fois. Et la meuf, elle a pleuré quoi. Mais il y en a comme ça, ils y tiennent à leurs poissons. Hein. Bah oui, il y en a. Bête. Bon bah merci Ali, merci Lorraine, merci Flo, je sais pas si vous avez encore un truc à ajouter. Ouais, je peux passer une dédicace? Alors vas-y, Lorraine. Bah je passe une dédicace à Félix qui m'écoute. Voilà. Très bien. Eh bah message passé, gros bisous Lorraine. Salut. Salut, on embrasse tout le monde à Bonzon, ciao. Ali, tu voulais dire un truc? Ouais, je peux passer une dédicace aussi. Eh ben vas-y, à une personne comme tout le monde, vas-y Ali. Ouais, bah je passe une dédicace à tous les à tous mes quêtures des Vosges et puis à tout le monde, à toute l'équipe. Merci Ali. Bon ben c'est gentil, merci beaucoup Ali, tu reviens quand tu veux, à bientôt. Hein. Ok, allez, allez, à toi. Salut Ali, merci. Salut. Flo, à bientôt. Ouais, Mickaël. Hey, ouais, qu'est-ce qu'il y a Flo? Est-ce que tu peux foutre un coup de bazooka et un coup de lance-flamme sur le collège, s'il te plaît? Sur le collège? Je croyais sur la tête de Toff. Ouais, si tu veux. Ouais, attends, bazooka, là. Et lance-flamme. Pourquoi tu voulais mettre ça sur le bahut, là? Tu galères déjà? Non, mais bon... Non, mais c'est par principe. Non, mais t'as raison. Je vais faire la grasse mat demain. Voilà, c'est ça. Bon, ben Flo, ben, pas de problème. C'est fait. Passe une bonne soirée, Flo. Et n'oublie pas de prévenir dans le collège, là, qu'on est là sur Fun Radio, de 20h à minuit et de 23h à 2h la semaine. Et qu'ils viennent aussi nous rejoindre sur le Facebook et le Twitter. Hein. D'accord. Bon, je compte sur toi. Salut à toi. Et on va te filer des stickers, Flo. Comme ça, tu pourras faire la promo dans le collège. Ok, merci. Salut, Flo. À bientôt. Allez, ciao. Salut. Salut, retour avec Fred dans un instant. Fred, tu nous attends encore 4 minutes, là on revient après Britney Spears. Parfait. T'as entendu le nouveau Britney? Ouais, j'ai entendu plusieurs fois, ouais, y'a pas de soucis. Eh ben voilà, je te le mets maintenant, là on l'avait fait découvrir tout à l'heure à 20h sur Fun Radio. Je vous le remets maintenant au cœur d'une heure sans pub. Cherchez pas ailleurs, y'a que sur Fun que vous entendez le nouveau son de Britney Spears. Britney Spears qu'on écoute maintenant, c'est Work Bitch sur Fun Radio. Titre qui va bien, Toff. Et hey, Britney Spears à l'instant sur Fun Radio, c'était Work Bitch. Et il y a un message de Benji qui dit Work Bitch sur Fun Radio dans Mickaël. Et oui, effectivement, on l'a découvert ce soir ici sur Fun Radio. C'était à 20h, on vous l'avait passé. Il y a Fuck aussi sur le Twitter qui dit Word Bitch, ça va bien, Toff. Ah. Non, c'est pas Word, c'est Work, c'est travail. Travail, ouais, espèce ça de pute, quoi. Ça me plaît aussi, ouais. C'est ça. Et Mathias qui dit nouveau Britney, c'est juste que du lourd et c'est sûr. Il y a Moms qui dit aussi sur le Facebook une fois mon canari était mort, j'ai voulu l'enterrer, mon chien l'a bouffé. Okay. Quel connard. Maëva qui dit je vous écoute depuis une semaine et je peux plus me passer de vous. Vous êtes géniaux, continuez comme ça, je vous adore. Merci Maëva, sois la bienvenue. N'oublie pas d'ailleurs de prévenir également copain, copine, qu'on est là sur Fun Radio tous les soirs, enfin tous les dimanches de 20h à minuit et du lundi au jeudi de 23h à 2h sur Fun Radio. Il y a Clem qui dit c'est chum les chihuahuas. Bah oui, en plus c'est horrible, ça sert à rien. Et alors Clara ici qui dit c'est vrai que Polo n'a pas une tête à avoir un chien. Pourtant, il a bien un chihuahua. Ah, c'est vrai. Mais c'est pas grave, ça lui va bien quand il est dans son RER là qu'il arrive avec son petit chien, il est là, waf waf waf. Voilà. Et un message de Fuck qui dit t'as pas écouté au moins une fois Mickaël, c'est que t'as raté ta vie. C'est vrai Fuck, c'est vrai, tu as raison. Merci à toi pour le message. Merci à vous tous, hein, nombreux ce soir là pour les messages. D'ailleurs vous avez mis en top tweet sur Twitter. Venez nous rejoindre d'ailleurs sur le Twitter et sur le Facebook. Vous tapez M-I-K-L officiel. Et puis bah si vous me faites un follow sur Twitter, et bah, je vous followerai par derrière. Uniquement pour les filles bien sûr. Les autres je vous follow mais tout court. Donc voilà, je vous follow par derrière. Voilà. Oui, je m'occupe du reste. Pas de problème. Donc voilà. Tapez Mickaël officiel sur Twitter, vous me faites un follow sur Instagram aussi et je vous follow évidemment par derrière. Donc alors il y a Dédé qui dit au pire on laisse Toff se faire bouffer par le lion, ce sera pas une grosse perte. Bah finalement il s'est pas fait bouffer par le lion. Non. C'est bien passé au final, mais enfin bon. Tiens, Fred, avant de parler de ton problème, enfin c'est pas vraiment un problème, mais bon, avant de parler avec toi, est-ce que t'as des solutions, des techniques toi pour te réveiller le matin? Pour me réveiller le matin, ça me réveille tout seul, donc du coup après je suis automatique chez moi. Comment ça se réveille tout seul? Tu mets pas de réveil, rien ça? Non, j'ai jamais mis de réveil, du coup avant le réveil. Moi ça m'arrive tout le temps aussi, cela dit, hein. Je me réveille toujours avant le réveil. Bon maintenant je le mets plus. Une fois que je me rendors, par contre je me réveille plus. Ah d'accord. Et quoi tu dis, de quoi tu te réveilles plus? Une fois que je me rendors, je me réveille plus après. Ah ouais, mais ça c'est le côté négatif, effectivement, ouais. Non mais je vous demande ça en fait parce que ça fait deux fois que j'ai rendez-vous avec Toff et il se réveille jamais. Et comme mardi on a nous. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais. On avait rendez-vous vendredi à la radio, 11h, hein, ouais, bon j'étais où? Ouais, le réveil a été dur. Il est arrivé à 11h40 alors que le boss devait partir à midi, donc tu vois, on s'est bien mis. Ouais, non, en plus, il m'envoie le message. Il m'envoie le message, t'es encore dans mon lit. Hein. Oh, quel enculé, putain, je le savais ça. Ah non, bon, bref. C'est, heureusement que t'as envoyé un message, sinon je serais jamais arrivé. Hein. Voilà, bah, et donc du coup, bah, comme mardi, on a nouveau une réunion là avec le boss. Alors, la semaine dernière, on avait rendez-vous avec le boss, il a annulé en dernière minute, ouais. Donc je crois qu'il a eu peur de nous. Et donc du coup, il a remis ça ce mardi-ci. Donc est-ce qu'il va de nouveau avoir peur de nous ou pas? Bon, bah, je sais pas, on verra. Mais ce serait bien que t'arrives à l'heure, quoi. Mais ouais, mais c'est pour ça. Faut que je trouve une technique, quelque chose. Voilà. Moi, par exemple, effectivement, je me réveille toujours avant le réveil. Ou alors, j'ai le réveil tellement sensible que, si tu veux, j'ai un radio réveil et tu sais, avant que la musique démarre, ça fait. Et puis, t'as la musique. Bah, moi, je me réveille avec le. Donc, c'est-à-dire que la musique n'a même pas démarré, que déjà, je suis réveillé. Donc, ça va pas plus loin. Mais ça m'arrive assez souvent, ça. En fait, là, les deux dernières fois, j'avais mis le réveil et je ne me souviens pas que je l'ai éteint. Donc ça veut dire que j'ai dû me réveiller pour. Mais est-ce que tu te souviens d'avoir mis? Oui. Non, mais ça se trouve, tu l'as pas mis, toi, ça te connaît. C'est ça, ouais. Tu t'es auto-persuadé que tu l'as mis, tu dis, non, je l'ai mis. Voilà. Pastoff parle avec lui-même. Hein. Mais c'est ouais, ça, c'est Pastoff, ça. Tu vas mettre le réveil? Voilà. Non, je ne vais pas. Parfois, il se donne des claques. Je rentre la gueule tout seul. Hein, exactement. Parfois, j'arrive à m'embrouiller des heures avec moi-même. Hein. Bah, sans déconner. Bon, et toi, donc, Fred, donc toi, tu mets pas de réveil, tu te réveilles tout seul. Sinon, tu lui proposes de mettre de l'ail sous son oreiller et il sentira comme ça, il se réveille automatiquement. Ouais, mais va pas dormir du tout, là, pour le coup. Hein. Il sera à l'heure. Ouais. Tu vas avec une tête de déterré. Ouais. Ça, c'est possible. Tiens, il y a Mathias qui dit non, Mika, je veux que tu me follow par derrière. Ah non, c'est que les filles, Mathias. Hein. Je veux dire, faut quand même pas déconner non plus. Bon. Sinon, marteau piqueur le matin. Oui, le marteau piqueur est une idée, effectivement. Certes, ça va réveiller tout l'immeuble, mais pourquoi pas. C'est une idée. Réveil du matin. T'imagines l'angoisse, quelle horreur. Bon, dites-nous si vous avez des plans sympas là pour le réveil le matin, qu'est-ce que vous faites? Et là qui mettent genre 4-5 réveils, tu vois, un peu partout dans la pièce. Comme ça ils sont obligés de se lever. T'as un réveil qui existe, tu sais, qui te réveille, qui fait de la lumière petit à petit, comme ouais, si c'était la mais vraie ça, c'est de la merde. Du jour. Ah, c'est vrai. Alors, oh, bon, peut-être que ça fonctionne, je sais pas. Je l'ai essayé une fois. Alors chez moi, j'avais mis un réveil. T'as déjà essayé ça, Fred, ou pas, toi, les réveils? Ça, c'est de la vraie merde, parce qu'après ça s'arrête pas la journée, ça se met tout le temps en journée. Ah ouais, non, mais moi j'ai pas eu ce problème. Alors si tu veux comment t'expliquer que moi, donc je dormais, heureusement ma copine m'a réveillé, parce que bon, donc je dormais tranquillement, donc je me suis dit, tiens, je vais essayer le bordel avec la petite lumière, avec le bruit des vagues et tout. C'est-à-dire que le moment où le truc il a démarré, si tu veux, en fait j'ai switché de rêve, je me croyais à Hawaï, tranquille, donc je dormais encore mieux. T'as pas compris, en fait. Ah non, je dormais encore mieux, tu sais, je me croyais à Hawaï, bien pépère, et puis jusqu'à ce que je reçoive un gros coup, genre, ah il est l'heure, ça fait 10 minutes, je suis quoi. Donc si tu veux, j'étais déçu parce que je me suis réveillé en retard, j'étais encore plus déçu parce que j'étais pas à Hawaï, en fait. Hein. Donc, bon, j'ai essayé une fois, je me suis dit, vas-y, laisse tomber, ce truc, ça marche pas, ça sert à rien, quoi. Donc, dites-nous si vous avez déjà essayé, comment ça s'appelle, le réveil lumière, je crois, Philippe, ou un truc comme ça. Réveil lumière, je pense. Ouais, réveil lumière, un truc comme ça, bon, bref. Bon, Fred, sinon, tu nous appelais pourquoi, toi, à la base? Ouais, donc moi, j'appelais parce que du coup, en fait, j'avais connu une amie avant, du coup, où on s'entendait super bien. Et en fait, depuis qu'elle s'est venue avec son pélo, bah, du coup, c'est la vraie guerre, en fait. Avec son pélo. Ça veut dire que c'est un peu la guerre, effectivement, ouais. Non, pélo, c'est ce qu'on dit chez les Lyonnais. Non, mais on dit ça aussi, hein, pélo, hein, y a pas de problème. Donc, et ça du veut coup, dire c'est la vraie guerre, et du coup, après, à chaque fois qu'il se dispute, puis il va croire que je la trompe avec elle, machin. Et du coup, ça va super loin et ça part en couille à chaque fois. Ouais, bon, et t'as essayé de parler un peu avec le mec, séparément? Ah ouais, mais en fait, le souci, il est trop coincé, il veut jamais dire les choses en face, et du coup, après, il s'en prend à. Il lui dit tout à Jenny, en fait, tout ça, et du coup, après, c'est Jenny qui me répète tout, après, il dit, ouais, t'as tout répété, machin, et tout. Et pourquoi tu laisserais pas un peu leur bordel au milieu, là, tu sais? C'est-à-dire que s'ils s'énervent, bah, ils s'énervent, s'ils s'engueulent, ouais, ils s'engueulent. Ouais, mais après, comme j'avais dit, j'avais pensé à faire un petit canular avec eux, en fait. Ah, si tu veux, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Bah en fait j'avais pensé, parce que comme ils m'ont cassé les couilles à chaque fois, ouais tu me trompes machin, bah, pour voir leur réaction en réalité, en fait les appeler, se faire passer pour la copine de l'autre et le copain de l'autre et mélanger les deux en même temps, quoi. Attends, donc tu veux piéger les deux en même temps, quoi. Ton couple d'amis, mais tu veux faire quoi exactement? Voilà. Parce que j'ai décroché à un moment. Non, du coup, en fait, du genre, le nouveau mec appelle justement le mec de Jenny pour lui dire, ouais, j'ai trompé ta meuf et tout. Et après, la meuf du mec appelle pour dire qu'elle a couché avec son mec. J'ai trompé ta meuf, ça veut rien dire. En fait, il voudrait que Michel appelle. Non, mais voilà, en fait, c'est ça, j'appelle sa copine pour lui dire, j'appelle son copain pour lui dire que je me suis tapé sa meuf à lui, sa en meuf fait. À lui, voilà. Voilà, c'est ça. Oui, pourquoi coup, pas. Ça, mais là, pour faire des embrouilles en plus. Ouais, bah, ça va faire des embrouilles en plus. Ah ouais, parce que là, pour leur faire comprendre. Non mais là ils vont juste ils vont juste comprendre qu'ils vont te dégager. Mais t'inquiète pas, t'as frappé à la bonne porte hein. Oh là là. Oh là, là. Si on peut foutre le bordel. Bah justement, veux... comme ils écoutent jamais Fun Radio, bah justement ça leur apprendra à écouter Fun Radio. Quel connard là. Bon bah très bien. Écoute, on va déjà voir si est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de vous retrouver au milieu des couples d'amis, tu sais, qui se déchiraient. Donc du coup, tu te retrouves comme un con au milieu. Le pire c'est quand les deux sont amis et que tu fais ouais. Mais et toi, qu'est-ce que t'en penses? Oh putain, qu'est-ce que tu veux dire au milieu? Parce que là tu dois prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ouais, ouais. Bah non, tu dis moi tranquille, j'ai pas envie. Non mais après tu vas dire hein. Ah t'as vu, tu m'as léché comme ça là, c'est connard. Ça, c'est ça, c'est ça. Donc en fait quand c'est ça, c'est la merde. C'est ah, la donc merde. Vous êtes comme ça les mecs aussi alors. De quoi? Ah oh, bah les meufs elles sont pires hein. D'après ce que vous dites. Mais non, non, je dis pas que je le fais. Ouais, tu m'as lâché, machin. Mais non, non, j'imagine. Non, non, moi je ferai jamais ça. Moi jamais je vais prendre. Tu vois, je suis pas un mec qui se dispute facilement, mais en plus, tu vois, je vais pas me laisser. Je vais pas me laisser avoir, quoi. Tu vois, s'il y a un couple d'amis qui me dit, hey, qu'est-ce que t'en penses? Si la meuf, je peux pas la piffer, je lui dis, attends, t'es une connasse, écrase-toi. Si c'est l'inverse, bah, je le ferai aussi. Mais si les deux sont amis, bah, qu'est-ce que je dise? Ouais, voilà, qui s'arrange, quoi. Non, ouais, bah, tu vois. Ouais, c'est ça, voilà, qui s'arrange, quoi. Qui s'arrange entre eux. Il y a un message de Mathias qui dit raison de plus pour les piéger, ils écoutent même pas Fun, c'est vrai. Bah oui, voilà. Bah oui, oui, non, mais c'est vrai. Attends, on va réfléchir au truc, là. Bon, il y a quoi? On a un lion? On a un paquebot? Ouais, bah bon, ça va pas nous aider. J'ai un marteau. Non, là, faudrait faire un petit scénario. Oui, oui, mais justement, t'inquiète pas, on va y réfléchir, Fred. On va y réfléchir, bouge pas, ne t'inquiète pas, Fred. Bon, dites-nous les autres si vous avez les bons plans pour le réveil, là, si vous voulez qu'on réveille, enfin, si vous voulez qu'on réveille, si vous avez des solutions pour les réveils, pour Toff en l'occurrence, là, comment est-ce que vous faites pour être sûr de vous réveiller? Alors, il y en a qui mettent des réveils un peu partout dans la chambre, effectivement, pourquoi pas. Il y a Laurine aussi sur le Twitter qui dit, mais j'ai arrivé de louper la sonnerie de mon réveil, et je me souvenais pas de m'être réveillé et de l'avoir éteint, bah, comme Toff. Ouais. Bah, exactement. Bah vous devriez coucher ensemble, Laurine. Avec plaisir, envoie tes mensurations. C'est cela. Gwenolé qui dit, moi maintenant, je laisse mes volets ouverts, comme ça je prends pas la lumière dans la gueule. Ouais, mais ça va pas t'aider à te réveiller. Let's Be Freaks qui dit, le soleil, y a rien de mieux. Oui, mais tout le monde n'habite pas dans le sud. Le Prince Nadia qui dit, Mickaël, y en a qui ont le sommeil très lourd et tu peux faire tout le bruit que tu veux. Il ne se réveille pas. Ouais, je sais, on a déjà eu des amis comme ça. Colin qui dit, moi je mets mon réveil ACDC à l'autre bout de ma chambre, je suis bien obligé de me lever. Ouais, c'est pas mal, ça réveille bien, effectivement. En ce moment, je n'entends pas mon réveil non plus, c'est Clara ici. Simon qui dit, moi, je me réveille 15 minutes avant mon réveil. Ça, je déteste. S'il y a bien un truc qui peut m'énerver le plus, c'est de mettre un réveil qui va me pré-réveiller. Parce qu'une fois que je suis réveillé, je me lève, tu vois. Mais quand tu t'es déjà à moitié réveillé, tu sais qu'il te reste plus que 15 minutes. Et t'es là et tu dis, putain, j'ai pas envie de me lever, c'est une galère. Mais il y a pire que ça, c'est l'envie de pisser. Et il reste 10 minutes avant que tu doives te lever. Mais moi, j'ai la flemme. Parfois, j'ai envie de pisser 2 heures avant de me lever, je vais pas. Hein. Toff, il se pisse dessus. Ouais, grave. Je pisse sur le bord du lit, je rentre après. C'est clair. Il y a Feu qui dit, c'est un connard, il écoute pas Fun, il a raté sa vie. Et Rose qui dit, ma grand-mère ressemble au poisson le plus horrible du monde. Bonsoir, tout l'équipe, je vous kiffe, c'est Rose. Merci, Rose. Bah, allez voir la photo. Je vous ai mis le poisson qui est le plus moche du monde, l'animal le plus moche du monde, sur le Facebook de l'émission, facebook.com/Mickaël officiel. Bon, je vous cale comme promis le son de Bouya dans un instant. Voilà, je vous l'ai fait découvrir il y a quelques semaines maintenant, le son de Showtech hein. Et je vous le mets dans un instant. Et puis un auditeur aussi qui avait demandé, auditeur ou auditrice, je me souviens plus de son prénom, merde, le Loca People là. Ah, je sais plus. Me souviens plus. Bon, bah, c'est pas grave. Dans un instant, je vais vous le mettre. On peut faire un petit top tweetos là, une demi-heure avant la fin. Très bien. Quels sont les 5 plus influents? Quels sont les 5 auditeurs les plus influents sur le Twitter de l'émission, évidemment, qui ont mis le plus de messages avec le hashtag et Mickaël? On peut pas? Non, parce que la page vient de se rafraîchir. Ah merde. Bon, t'en as pour combien de temps là? Bah, il faut que tu répares la page. 80%. Ah, t'es à 20% là? Bah ouais, il vient de refaire 20% là. Oh putain, bon, on fait ça après, sac Noël et Loca People. Alors, on l'avait demandé, on vous le met maintenant, tiens. Alors, c'est un vieux son aussi, c'est un truc il y a 3 ans, mais on nous l'a demandé. Alors, comme j'ai dit que vous pouviez choisir les titres, bah, y'a pas de problème, vous mettez le hashtag et Mickaël. On écoute maintenant un bon vieux son qui fait du bien, la sac Noël maintenant sur Fun Radio. C'est Loca People, c'est Mickaël No Limit, on est jusqu'à minuit, bienvenue sur Fun Radio. All day, all night. What the fuck? Un truc à dire. Mickaël, appelez Mickaël. Nos limites. Fun. 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Ouais, on est sur Fun Radio en direct sur Fun Radio 23h29. On est là jusqu'à minuit ce soir sur Fun Radio. Si vous voulez nous écouter, n'hésitez pas. On est là également du lundi au jeudi. Pour ceux qui peuvent nous écouter que le dimanche ou qui viennent de nous découvrir, bah, soyez les bienvenus sur Fun Radio. On est là de 20h à minuit et la semaine du lundi au jeudi de 23h à 2h du mat. Avec des places pour le concert de Michael Moore aussi à vous offrir dès demain sur Fun Radio. Et j'aurai aussi le nouvel album d'Avicii à vous offrir demain. demain soir entre 20h et minuit. Sans oublier aussi les jeux Godens qu'on testera demain, qu'on aura aussi évidemment les iPads à vous offrir et les PS3. Voilà, comme ça vous savez, vous connaissez le plan pour toute la semaine. Il y a Oliver aussi qui dit plan pour se réveiller, mettre une musique bien pourrie en alarme et le téléphone au bout de la pièce. Et là, tu te lèves, pas le choix, pas faux effectivement, c'est pas mal. Il y a Wesh Mayol qui dit aussi, tu mets un réveil super fort à l'autre bout de la pièce. Une fois levé, tu arriveras pas à te rendormir, pas faux non plus. Yaku aussi, moi mon réveil c'est la voix de ma mère, c'est Paul P qui avait envoyé, Paul PC28 qui avait envoyé ça. Et Dams qui dit je mets un réveil mais ça sert à rien, chaque fois je suis levé avant tellement j'ai peur d'oublier. Oui ça m'arrive aussi, mais c'est surtout quand genre je pars en vacances, je dois pas rater l'avion et donc du coup tu sais je mets le réveil mais en fait je dors super mal parce que tous les jours je me réveille pour dire mon dieu est-ce que j'ai pas raté le réveil. Vous savez les vacances moi c'est sacré hein, donc moi faut pas que je le rate hein. Oh là, oui, ça c'est... On sait. Ah non. Je peux partir sans valise, je m'en branle, mais pas sans... Mais l'avion ne partira pas sans moi, que ce soit clair. Bon, allez, dans un instant sur Fun, je vous cale le Showtech avec Booya. Showtech avec Booya, je vous le cale tout à l'heure sur Fun Radio. On est au cœur d'une heure sans pub, et ça c'est la bonne nouvelle, et on est là jusqu'à minuit sur Fun Radio, il y aura Party Fun aussi tout à l'heure. Oh, vous écouterez évidemment du son comme ça, bien entendu. Bon, alors, avant de parler des réveils, on va prendre Fred, là, maintenant, de Lyon, là. Allô, Fred ? Ouais, ouais, toujours là. Bon, toi, c'est un couple d'amis, là, qui se disputent tout le temps, et donc, toi, t'es toujours au milieu, et forcément, ça te saoule, normal ? Ouais, ça me saoule, et puis ça me retombe toujours sur la gueule, même quand je suis pas là, donc au bout d'un moment, ça... Bah ouais, non, mais c'est ça. Comprendre, bah, voilà, on en est rendu à leur faire comprendre la réalité des choses, si ça devait se passer. C'est ça. Bon, et donc, du coup, tu veux qu'on appelle le mec qui s'appelle Edine, et la meuf qui s'appelle Jennifer ? Voilà, et du coup, comme ça, on leur fait croire un gros canular, mais... et au moins, comme ça, j'espère qu'ils vont réagir. Une question, Edine, il a toujours faim ? Ah bah non, lui, en fait, il... Après, oh putain Elle est énorme, Polo. Merci, mais je valide cette vanne. Voilà, moi, je la valide pas, moi. Ouais, c'est ça. Vous savez quoi, un coup de bazooka dans votre gueule à tous les deux ? Non, Marteau Bigger. Si tu veux. Je suis tof et j'approuve cette vanne. Ah bah, je m'en fous. Voilà, et lance-flamme. Ouais, parce que pour arroser la photo quand même. Hein. Exactement, ouais. Non, mais sans déconner. Oui. Bon, Fred. Bon, alors, tu veux qu'on appelle les deux, toi, alors hein, parce que les deux, ça va être compliqué. D'abord le mec, pour voir sa réaction, déjà, comment il va réagir. Et lui, tout de suite après, il va l'appeler directement. On va voir directement. D'accord, ok, très bien. Bon, écoute, on va l'appeler, c'est parti. Donc, je lui fais croire que je sors avec elle. Alors, elle ressemble à quoi, deux mots, là, que je sache? Elle est blonde. Parfait, j'aime bien. C'est à peu près 1m80, à peu près. Ah, oh, putain, oui, je suis plus grand que moi, ça. Donc, et du coup, voilà, les yeux. Grandes mains. Les yeux. Elle a 25 ans, elle a les yeux bleus. Ouais. Ouais, elle aime quoi? Ah bah ça après, c'est important. Bon, où est-ce que je peux la voir rencontrer, ouais? Tu peux l'avoir rencontrée à Couzon, elle habite à Couzon au Mont d'Or, donc elle travaille à la maison de retraite. Oh putain. C'est les papis qui doivent être contents. Ah, je suis tapé ta copine. Très bien. Bon, bah, c'est des papiers en fin de vie, donc ils n'ont pas beaucoup d'espoir. Hein. Justement, ils n'ont rien à perdre. Bon, allez, on y va, on l'appelle. Je sais pas ce que ça va donner, on verra bien comment ça va se passer. Il va décrocher au moins. Oui, si jamais il décroche pas, c'est pas grave, on l'appellera demain. Oui, t'inquiète pas, s'il décroche pas ce soir, on l'appellera demain, dans la semaine. T'inquiète pas, on va pas lâcher l'affaire. Hein. Ah bah moi non plus. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on y va, on l'appelle, c'est Edine. Alors moi, je vais m'appeler Michel, évidemment, et puis voilà. Je l'ai rencontré à la maison de retraite, on verra bien. Allez. Allô. Allô. Ouais, c'est qui? C'est Michel. C'est Edine, là? Michel qui? Ouais, mais je m'appelle Michel. En fait, je t'appelais. Tu vois qui c'est, Jennifer? Ouais. Ouais, je voulais dire que c'était fini entre vous. Pourquoi? Parce que j'ai pris ta place. Voilà, tout simplement. Donc elle voulait attendre pour te le dire. Elle traîne. Donc voilà, j'ai pris les devants, j'ai pris ton numéro de téléphone, je t'appelle et voilà quoi. Donc Ah ouais. Bah tu sais quoi, ce serait cool qu'on se rencontre, on en discute. Non mais j'en ai rien à foutre, moi je veux pas voir ta tête, hein. C'est bon, hein. Moi j'ai déjà nié Jennifer, hein. C'est bon. De toute façon, il n'y a rien à discuter, hein. C'est fait. Hein. Je suis arrivé, c'est que je suis mieux, et puis voilà. Hein. Et ça fait combien de temps? Ça te regarde pas, t'es de la police? Et alors, j'ai le droit de savoir, là? Non, t'as aucun droit, là. Ouais, t'as aucun droit. D'ailleurs, tu vas virer son numéro de téléphone directement, là, de ton répertoire, là? Non. Je veux bien, parce que ce soir-là, je l'ai décommé un peu. Non, non, mais j'en ai rien à foutre. Non, t'inquiète pas, tu vas pas me faire à l'envers. Alors, si t'attends que je m'énerve, t'es mal tombé, mec. Alors, je peux te dire. Donc, tu vas prendre ton téléphone, là, maintenant, tu vas l'enlever directement, le numéro du répertoire, hein, t'as compris? Ah, t'as plané, hein. Parce que non, j'ai pas plané, tu vas l'enlever directement avant que je m'énerve. Quoi? Et donc, tu vas faire quoi? Je vais faire quoi? Bah, tu vas faire quoi? C'est-à-dire, je comprends pas. Tu vas me faire quoi, même si je la vois tout le temps? Ah non, mais tu la verras plus, c'est fini, de toute façon, elle va plus te voir, voilà, c'est fini. Bah, si. Non, mais cherche pas, c'est terminé. Over, O-V-E-R, over. Et ta mère, elle est over. Eh oh, reste calme, t'as compris? Tu vas te calmer tout de suite. Sinon, tu vas me faire quoi? Non, mais tu sais pas ce que je vais te faire, mais il vaut mieux pas que tu saches, va. T'as compris? C'est fini, fini, F-I-N-I-E-T. Voilà, et c'est over, over, A-U-V-E-R. Merde, il est parti. A-U-V-E-R. Voilà, bon, on va là. Ah, faut le rappeler. Et fille, hein. Avec un T, ça t'a pas percuté, ça. Eh, hey, t'appelles Jennifer, tu dis que tu sors avec son mec? Bah non. Ah, ça non. Bon, attends, on va le rappeler encore un coup ou on laisse mijoter un peu? Ouais, bah faut pas lâcher l'affaire. Bon, attends, on va le rappeler. Si dormait, ça va le vénère. Sa réaction. Ouais, attends, je le reprends là. Bouge pas. Allez. Hop. Allô? Ouais, et dis donc, plus jamais tu me raccroches à la gueule, hein, compris? Ah ouais, non, parce que tu te la ramènes un peu, il me semble, là, d'accord. Oh, oh là là. Attention, il joue avec Michel. Oui, je pense qu'il ne... Hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Il ne se rend pas bien compte de qui il parle. On le rappelle. Bon, sinon, on appellera sa meuf, t'inquiète. Allez, allô. Ouais, bah là, c'est bon, tu t'amusais, là? Ah, là, je suis au téléphone avec Jennifer. Ouais, super. Et elle t'a dit évidemment qu'elle connaissait pas, blablabla. Ouais, d'accord, ok. Ah non, c'est bien. Bon, tu sais ce qu'on va faire. On va vous voir tous les deux, hein, d'accord? Alors déjà, tu peux dire à Jennifer qu'elle allait se faire enculer. D'accord? Ouais. Hein, parce que bon. Et alors, on va se voir à trois. Ouais. Ok. Et puis là, je vais vous taper tous les trois. Enfin, tous les deux, en l'occurrence. Hein, non, comme ça, on va remettre l'église au milieu du village, hein? Déjà, si t'arrives à taper, ne serait-ce que moi. Mais arrête ton cinéma. Mais j'ai déjà vu des photos de toi, t'es sérieux là? Déjà, ferme là. Mais tu ressembles à une poule mouillée? Quoi? Mais t'es là, tu ressembles à rien. Et tu vas me faire peur? P-E-U-R. Mais c'est quoi cette tapette là, sérieux? Vas-y, c'est quoi, demain on va se voir? Ouais, bah si tu veux, on peut se voir demain, ouais. Mais quoi qu'il en soit, c'est fini, hein. T'as compris? Ah non. Avec c'est over! Ok? Over. Mais c'est quoi cette paltringue là? Non, mais fais pas le malin, t'inquiète pas. Tu vas voir directement l'outil appelle Jennifer. C'est une poule mouillée, c'est ce que je te disais. Au lieu de réserver, au lieu de gérer le truc en homme, non, il a fallu que t'appelles. Jennifer, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, espèce de poule. Espèce de poule? On dirait un vieux coq. On dirait un vieux coq à la retraite. Et les coqs, ça mange quoi? Ça mange des vers. Donc tranquille, demain je vais peut-être manger, tu vas voir. Ouah! Je sais pas si je vais me remettre de ça, hein. Tu m'as cassé là. KAC. Vas-y, t'es quoi? Ouais. Tu sais où elle habite? De quoi? Tu sais où elle habite? Ouais, dans ton cul, elle habite, c'est là qu'elle habite? Non, dans la chatte à ta mère que je t'ai connu. T'as vu comment t'es? Je vais te mettre une patate, mec, tu vas pas te rendre compte là. il rigole. Il rira bien, il rira pas demain. Ça se voit que tu sais vraiment pas qui je suis. Ouais, t'inquiète pas, ouais, je sais très bien qui t'es, moi j'ai pas de problème, moi je vais tout seul. Je viendrai seul pendant que tu vas venir avec tes potes. Hein? T'es mort mon pilote. Ouais, je suis mort. Je vais te mettre une patate, j'ai un marteau piqueur, je vais te le mettre dans le fion, tu vas voir. Moi j'ai pas besoin d'objet. Regarde, il a déjà démarré là. Je te le mettrai en. Tu vas voir, tu vas prendre cher, hein. Tu vas prendre cher, je te le dis. Passe le bonjour à Fred de ma part. De quoi? De quoi tu me parles avec Fred? Eh, Edine, attends. Je te mets le téléphone là où je pense. Voilà. Merde, il est parti. Bon, Fred, je crois qu'il a grillé le dossier là. Hein. Bah, rappelle-le, en même temps, on lui dit qu'il est sur son radio. Bon, vas-y, appelle-le alors. Hein? Vas-y, appelle, c'est toi qui gère. Ah, appelle. Ouais, je vais lui dire. Vas-y. Ah, il décroche plus. En même temps, il doit être saoulé. Ouais, je pense. Ouais. Bon, on va te laisser comme ça, Fred. Hein. Hein? Oh bah laisse-le message. Bonjour. Vous êtes oh le répondeur de Baltringue. Laisse-le message de Fun Radio. Merci de laisser un message après le bip. Non, bah non, on va te laisser dans la mer, Fred. Ça me paraît mieux, ça, c'est plus drôle, non? Ouais. Non, attends, on va le rappeler, mais on va se mettre la pub et on le rappelle après, d'accord? Ok, ça roule. Comme ça, il aura peut-être eu le temps de discuter avec Jennifer. Il aura peut-être Jennifer direct. Bah ouais, mais tu veux que je dise quoi, moi, Jennifer? Bah moi, je vais lui dire. Tu veux dire, oh non, on va attendre. J'ai envie d'avoir Edine encore un coup au téléphone, moi. Ah ouais, bah si tu veux, y a pas de problème. C'est enculé. le mec, il sort plus de son rôle. Bon, allez, bouge pas, Fred. On va revenir avec toi dans un instant. Vous toutes et vous tous également en direct sur Fun Radio. Il y a Simo qui dit enfin, il s'est réveillé là. Bah ouais, il était temps. Le prince est là qui dit over, t'as compris. Allez, Michel. Non, bah attends, on parle pas comme ça, Michel. Je pense que là non plus. Eh, hey, tu te rends compte de la chance que t'as? Non, il a pas bien compris le concept là. Il y a message aussi qui est arrivé qui dit Michel, vas-y, balance à toi. Un seau rempli de merde de vache. Ouais, alors je peux éventuellement gérer. Voilà, je peux juste lui mettre le troupeau éventuellement, hein. Ça c'est possible, voilà. Il y a Let's Be Freaks qui dit faut jamais se mêler des histoires de couple. Oh bah on s'est pas mêlé là. Hein. Et pour le réveil, il y a Angélique qui proposait un saut de flotte dans la tranche. Ouais mais le saut de flotte, t'as remarqué qu'il va pas venir tout seul. Ah ouais, il va falloir se lever pour aller le chercher, tu vois. Ou vivre avec quelqu'un qui va te le mettre en pleine tronche. Là, tu vas mal le vivre, ça va gueuler sur celle ou celui qui te l'a mis en pleine gueule. Bref, ça va être compliqué. Bon, restez sur Fun Radio. La dernière ligne droite de l'émission, c'est dans un instant. Et avec le rappel de Edine, on va parler également là des réveils. Hein. Si vous connaissez les systèmes pour se faire réveiller facilement ou pas facilement, venez nous en parler. Maintenant, je compte sur vous. Et si vous voulez venir nous suivre également là sur le Twitter et sur le Facebook, vous êtes les bienvenus. Continuez à passer le message. Et on est au top suite encore une fois, décidément, depuis tout à l'heure. C'est cool. Merci à vous toutes et tous. En tout cas là sur le Twitter encore une fois, MIKL officiel, vous me faites un follow et moi aussi je vous followerai, mais par derrière, uniquement pour les filles bien sûr. Donc je compte sur vous. Voilà, Twitter, vous tapez MIKL officiel, pareil sur Instagram. Et on revient dans un instant avec le son de. Le son de Showtex sur Fun Radio. Booyah! Ça va arriver dans un instant sur Fun Radio et pour prendre le contrôle, un seul numéro. Prenez le contrôle, appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Fun Radio, no limites. Mickaël, no limites. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio tous les soirs, en direct dans toute la France avec la dernière ligne droite. Il y a Party Fun qui se prépare. Ce sera dans un quart d'heure sur Fun Radio. Et n'oubliez pas aussi demain matin, hein, Bruno dans la radio dès 6h. D'ailleurs, il y a l'auditeur, c'est Romain qui disait que lui, il se réveillait avec Bruno. Vous faites bien là, demain matin, 6h-9h, c'est Bruno dans la radio sur Fun Radio avec plein de cadeaux à gagner, notamment avec le nouvel album d'Avicii qui sera gagné avec le JPI, avec plein de trucs. Vous allez voir si vous ne connaissez pas. Eh bien, vous allez découvrir tout à l'heure à partir de 6h. Sur Fun Radio. On va revenir dans un instant avec notre ami Fred. On va essayer de rappeler Edine là. On lui a mis la misère il y a quelques instants là au téléphone. Donc on va refaire ça d'ici quelques instants sur Fun Radio. Venez encore nous rejoindre évidemment sur le Facebook, sur le Twitter, où on est en top tweet ce soir grâce à vous là. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Prévenez vos potes évidemment. Vous tapez MIKL officiel sur Facebook pour nous rejoindre. Pareil sur Twitter en fait, tout simplement. Si vous me faites un follow, moi je vous follow aussi par derrière, uniquement les filles. Et Dani qui dit c'est quoi un follow? Bah rien, c'est venir sur le Twitter et me suivre en fait. Suivre mon actu. Et moi je suivrai la vôtre, voilà tout simplement. Et Mickaël officiel, je compte sur vous. Et puis on écoute le son de Showtech maintenant, découvert dans l'émission sur Fun Radio, c'est Booyah. Yes, all we care about is party, keeping them good vibes in the end. Et encore un son que vous avez découvert sur Fun Radio là, Showtech sur Fun Radio, c'est Booyah. Allez, bienvenue si vous venez de débarquer, là c'est la dernière ligne droite certes, mais vous êtes quand même les bienvenus évidemment. On sera de retour demain à partir de 23h. Il y a Mathias qui dit là, trois bonnes soirées en votre compagnie, Mika, Tof, Polo, Sandro, merci beaucoup. Oui, merci surtout d'être là aussi Mathias. Il y a Max 27 qui dit qui a Instagram. Bah moi, hein, c'est Mickaël officiel, Max 27, là tu peux venir nous rejoindre, il n'y a pas de problème. Là aussi je follow mais que les filles par derrière évidemment. Les autres je peux les follow eux aussi, hein, mais pas au même endroit. Voilà, exactement. Let's Be Freaks qui dit oui, merci à toute la team pour ces belles soirées que vous nous offrez du dimanche au jeudi. Clara qui dit merci à ma soeur qui a pris tous les tampons alors que j'ai piscine demain. Oh la connasse. Oh la galère. Et Arnaud qui dit pour le réveil, je dis le pet tof là qui pue la mort, c'est bon pour le réveil. Ça effectivement. Le problème c'est que lui ça le réveille pas puisque c'est le sien. Et il y a Dédé qui dit au pire on laisse tof se faire bouffer par le lion de tout à l'heure là, c'est pas une grosse perte. Ça le réveille pas. C'est vrai. C'est vrai. Bah oui, c'est vrai que ça le réveille pas puisque c'est le sien. C'est ça le problème. Bon, allez, danse sur Fun Radio. Bah quoi, c'est vrai. On aura le générique à la fin. Bah oui, ça, oui, oui. Ton P en général, ça. Bah si, ça peut être. Ouais, le tien peut-être. Celui de Polo. Celui de Polo, ouais. Celui de Polo, j'avoue. Bon, retour avec Fred là maintenant, avec son couple d'amis qui se disputent tout le temps. Il est toujours au milieu, du coup, ça le saoule. Ouais, du coup, on a appelé le mec de ce couple qui, pour lui faire croire que, en fait, j'étais le mec de sa copine pour un peu foutre la merde. Du coup, il l'a assez mal vécu, hein. Bah justement, ça lui ferait une leçon au moins. Voilà. Bon, je sais pas si ça lui ferait une leçon, mais en tout cas, on a rigolé. Bon, on le rappelle maintenant, d'accord. Tu l'appelles toi, Fred, okay. Hein, d'accord. Ouais, vas-y. Ok. Et nous, on est derrière, au cas où. Alors, s'il décroche encore. Oui, bonsoir. Allô, Edine. Oui, Fred. Ouais, t'étais en direct sur Fun Radio, je t'ai fait une farce. Non, t'es sérieux? Bah ouais, regarde derrière qui c'est qui t'attend. De quoi? Écoute derrière le monde qu'il y a derrière moi. On va le laisser en galère, évidemment. J'entends rien. Ah, tu vas entendre? Parce que la nuit ne nous entend pas. Allô? Ouais, non, mais le téléphone, j'entends rien. Eh, hey, nickel, tu fous quoi, là? Tu l'as pas mal pris, au moins. Le pauvre. Tu vois? Ouais. Non, parce que... C'est pas un problème. Non, franchement, pas du tout. Non, après, voilà, c'était juste pour te dire en même temps que tu vois, tous vos engueulades à deux balles, ça servait à rien et ça saoulait tout le monde. Et c'est comme ça que vous êtes retrouvés tous les deux, au bout du compte. Ouais. Et sauf que là, t'as vu ce que je veux dire, c'était pas qu'autre chose, quoi. Dit, ouais, mais après, tu vois, c'est ce qui a saoulé tout le monde. Et en même temps, tu vois, c'est pas ce qui fait que... voilà, c'est... Après, comme je dis, on peut pas souder des amitiés à la base des engueulades. Et encore engueulade sur engueulade, tu vois ce que je veux dire. Mmh. Ah, ils vont pas pleurer, tous les deux, quand même. On va dire, vous titillez les petites choses ensemble, ouais. Vous titillez, et du coup, bah voilà, on en est rendu à ce point-là. Pour vous faire comprendre les choses, qu'au bout du compte, on est obligé de vous faire une farce pour que vous compreniez. Et ça, c'était le but de la farce. Moi, je pense qu'en fait, vous êtes amoureux l'un de l'autre. Ouais, c'est ça. Nickel, ça suce, là. Nickel. Ouais, je pense, hein. Je bah, pense. C'est bon, Fred, tu peux lui dire, hein. Bah ouais, vas-y. Dis-lui, Fred. À vous, ton coming out. Bon, Edine, t'es en direct sur Fun Radio et en fait... Et en fait, Fred, il est en kiff sur toi, quoi. Arrête tes conneries. Voilà. Je pensais que c'était plus sur Jennifer. Allez, mets le marteau piqueur. Fred, tu seras en kiff sur Jennifer? Ça, c'est lui qui pense ça. Ah non, on était plusieurs à le penser. Ah mais c'est ça d'où vient le problème alors? Tu nous as raconté n'importe quoi. Non, c'est lui qui a toujours pensé ça. Moi c'était ma meilleure amie à la base. Et c'est moi qui lui ai présenté, toi qui te rappelles. Là je passe sur Fun Radio là. Ouais, t'es en direct sur Fun Radio, Edine. Tout le monde. Voilà, enfin devant tout le monde, mais en tout cas tout le monde t'entend. Attendez, c'est la combien déjà? C'est la combien? Ah, ah bah tu devrais le savoir. À la fréquence. Je sais pas, t'es dans quelle ville, Fred? À Lyon. À Lyon, c'est... 93.3. Exactement. Voilà, tu as un bon contrôle, c'est pas mal. Tu as bien répondu à la question. Tu 93.3. Voilà, tu as un pack fun. J'ai reçu le pack fun. Ah, tu l'as déjà reçu, bon bah très bien. Bon, tu t'entends là, Edine, ou pas? C'est 93.3. Ouais. Ouais. Ah bah attendez deux secondes. Ah bah vas-y, bah comme ça t'auras fait la vérification, là, tu seras en direct. On va l'arrêter. En même temps, il dormait, je pense. Tu dormais là, Edine? Ah non, même pas, je vais me... Ah, pardon, alors je pensais que j'essayais de trouver d'excuses. Oh bah il dort jusqu'à 9h le matin, donc... Oui, ah bah d'accord, alors ça va. Il y a Mickey qui dit mort de rire, les bâtards. Et alors, le prince Nadia qui dit toutes les soirées sont parfaites avec vous. Bah merci, le prince Nadia. Et Let's Be Freaks qui dit tellement contente de retrouver Sandro. Eh bah oui, elle est de retour depuis tout à l'heure, là, enfin depuis 8h ce soir. Bon, ça y est, t'as remis la radio là sur le 93.3, Edine? Ouais, c'est bon, là, je m'entends. Là. Alors, qu'il entend? Voilà, parfait. Ouais, il se kiffe là. Voilà. Bon, bah du coup, comment on fait alors, Fred, là, pour le problème avec Jennifer, là, comme t'es en kiff sur elle? Bah, moi, je suis pas en kiff sur elle, c'est lui qui s'est mis ça dans la tête, hein. C'est pas ce que tu nous as dit tout à l'heure, hein. Bah ouais, Fred. Non, arrête de chercher l'embrouille, toi. Hein, écoute, assume, Fred, c'est pas ce que tu nous as dit tout à l'heure, hein. Moi, ouais. Dis la vérité, Fred. Moi, j'ai encore un extrait, non, là. J'ai encore un extrait où on t'entend dire que t'étais en kiff sur Jennifer. Non, ouais. T'as pas d'extrait, c'est pas possible. Si, j'ai un extrait. Ne m'oblige pas à le ressortir. J'irai pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, mais bon, ce que tu penses par contre. Bon, Edine, du coup, c'est quoi vos histoires de bordel là? Vous allez vous calmer maintenant là, entre couple? Ouais, bah justement, nous on s'était calmés depuis bien longtemps. Non, je ne t'entends pas parce que t'as dû mettre le kit main libre ou le haut-parleur là. Ah non, même pas. Ah. Non, alors... c'est le vieux portable que j'ai là, que Fred, justement, m'avait lâché. Ah, bah ouais, t'as vu, en plus, t'as décapité le chien dans la zone, hein. Le dernier que t'as eu, tu l'as acheté dans la Saône. La radio. Bon, vous racontez un peu votre vie là, avec votre téléphone portable dans la Saône. Ouais, donc voilà, donc c'est juste pour te dire qu'en gros, comme ça revenait à chaque fois, ça devenait saoulant et au bout du compte, c'est ça que, comme je te disais tout à l'heure. Voilà, donc Fred, maintenant, ils viennent te dire que c'est terminé, ils vont plus s'engueuler pour rien. Bah j'espère. Ah. Bah je confirme. Bon, bah passez une bonne soirée tous les deux. Hein. Ouais. Y'a moyen de gratter un casque à DJ? Un casque DJ? Attends, laisse-moi réfléchir. Ouais. Non. Allez. Non, non, on n'en a plus. C'était la semaine dernière, les casques DJ. Il n'y en a plus, là, Fred. Là, t'as en retard d'une guerre. Il y en aura peut-être d'autres. Il y en aura peut-être d'autres. Faut écouter le matin. Ils en auront gagné le matin. Chez Bruno. Okay. Voilà. D'accord. Ok, ça roule. Bon, salut Fred. Salut Edine. Allez, bonne soirée. Allez, ciao à vous. Bye, bye, bye. Bon, et avant de terminer l'émission là avec Damien et Quentin là pour le réveil. T'es là, Damien? Ouais, ouais, ça va. Ah, voilà, ça parfait. Ça va, tranquille, ouais. Damien, t'appelles La Ciotat, toi, dans Bouches-du-Rhône. C'est ça. Bon, ben, bienvenue à toi. T'avais un conseil, toi, pour le réveil? Ben, en fait, moi, donc, j'ai mon réveil, mon téléphone, et qui me le réveille jamais. Ouais. Et ensuite, j'ai ma mère qui arrive avec la casserole et la cuillère en bois qui tape dedans. Non, t'es sérieux? Ta mère, elle vient avec la casserole et elle te démonte la violence. C'est vrai, ça? Elle a raison, ta mère. Ma parole, c'est vrai. Non, ma parole, c'est vrai. Et... ouais, mais ça marche. Attends, c'est horrible. Putain, c'est un truc de dingue. Ça doit être violent. Ça doit être une horreur, le coup de la casserole là qui arrive. Quelle horreur. Ah ouais. Au moins 4 fois par semaine, quoi. Ouais, mais ouais. Mec, franchement, t'as un gosse et il se réveille pas. Tu fais quoi? Bah, tu vas le secouer. Même. Non, mais tu le secoues, tu vas t'arriver avec une casserole à côté, tu tapes pas comme une hystérique. Mais voilà. Comme ça, il s'en rappelle. Et si... ah, non, oui, mais parce bah, que c'est rappeler, hyper désagréable en fait. Donc, du coup, comme ça, la prochaine fois, il se réveillera de lui-même. Ouais. Pour m'en rappeler, je m'en rappelle, ouais. Ah oui, ça c'est sûr, ouais. Bon, bah écoute, on va essayer de faire ça avec toi. Enfin, le problème, c'est qu'on habite pas dans le même appart, mais on va s'arranger. Ouais, voilà, ouais. Et au pire, s'il se réveille pas, on ira avec Polo, on ira le défoncer, hein. Ouais, on va lui défoncer. À coup de casserole, hein, que ce soit clair. Ouais, sans pitié, sans pitié. Exactement, ouais. Bon, ben, Damien, juste une question comme ça, tu regardes souvent la télé ou pas, toi? Je travaille le soir, donc la télé, c'est non. Oh, bah, tu peux la regarder la journée, hein, tu sais, ils allument pas les metteurs à 20h, hein. Ouais, non, mais la journée, je dors. Je suis venu à 6h le matin, donc la journée, je dors. D'accord, quoi. D'accord. Non, parce que là, je voulais te parler, je voulais te présenter quelques extraits qu'on avait vus, ce qu'on appelle les 2B de la télé, avec Amélie qui est en tête de peloton, là, avec la séance relaxation d'Amélie Nothomb, là. C'est assez particulier, hein, écoutez. What does she want to fiori? Alors, moi, ça me déstresse pas du tout, hein. Au contraire, j'ai juste envie de lui mettre un coup dans la tronche, là. Cette femme est écrivain. C'est clair. Hein. Ouais, c'est vrai. Un coup de casserole, là, aussi. Hein. Ouais, un coup de casserole dans sa gueule, effectivement. Et puis, dans Tellement c'est Vrai, clair. Également, on a eu un manif. Écoutez. C'est parti, il fait beau. Ah, c'est bon, là, on y est. Ouais. On va commencer à pécho. Bonjour. Est-ce que ça vous tente? Voilà, vous en choisissez un ou aucun, comme vous voulez. À vous. Niveau tête, aucun. Niveau tête, aucun. Donc ça met directement les choses à plat. Là, hein. Mais ce serait bien d'ailleurs qu'on parle de vos piratos. Là, ce soir, on n'a plus le temps. Mais demain, si jamais vous avez envie qu'on en parle, dès 23h, on sera en direct sur Fun. N'hésitez pas à laisser vos messages maintenant, hein, sur mon mail mikael@funradio.fr ou alors directement sur le standard 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 pour la Belgique. Et puis pour finir, hein, l'île des vérités, c'est Manon qui pète un câble et elle décide de jurer sur la tête. Mais de qui, à ton avis? Bah, sa mère, comme tout le monde. Hein? Ouais, sa mère, ouais. Sa mère aussi, ouais. Sa mère? Ok. Il m'a dit, mais moi, t'étais carrément moustique. Sur la tête de mon chihuahua et de ma grand-mère que j'ai la vérité, d'accord? Eh ouais, sur la tête de mon chihuahua et de ma grand-mère. C'est bien parce qu'elle met quand même les deux au même étage quand même, c'est pas mal. Chihuahua et la grand-mère, qu'est-ce qu'ils sont cons quand même. Ouf. Bon, eh ben merci beaucoup Damien d'être passé, hein. Ouais, bonne soirée. Salut Damien, à bientôt. Ciao, ciao. Merci. Allez, à bientôt. Ciao, ciao Damien. Bon bah parfait. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, alors Top Tweetos maintenant. Attention, Top Tweetos, comment ça se passe? Alors je rappelle que bah, ce sont les 5 auditeurs les plus influents sur le Facebook, le Twitter de l'émission, pardon. Le hashtag est Mickaël. Et donc quel est le numéro 5? Un nouveau. Ah. Et on a failli avoir deux nouveaux dans le top 5. Ah bah vas-y, ouais. Fais péter toujours le premier. Alors, enfin le cinquième en l'occurrence. Le cinquième, c'est Mathis Willix. Eh bah bienvenue Mathis Willix, là c'est vrai qu'on t'avait pas encore entendu là. Bah non, enfin, vu en l'occurrence. Bienvenue. Bah bienvenue à toi, bienvenue sur Fun Radio, là 20h minuit tous les dimanches et puis 23h 2h là toute la semaine. T'es le bienvenu, tu reviens quand tu veux. Voilà, donc quatrième Max 2-7. Ah ouais, lui par contre on le voit souvent, ouais, Max 2-7, Max ouais. À côté du 8. Oui tout à fait, merci pour cette vanne. Ensuite Echo 90. D'accord. C'est un nouveau aussi ça, non? Non, c'est les habitués ça. Ah bon? Ouais, Periferoni, pareil. Ouais, on fait et les numéros 1. Bah, comme d'hab, hein, Let's Be Freaks. Bon, bah, très bien. Voilà. Bon, bah, et donc, voilà. Sinon, je voulais dire que donc, le 6ème, c'était un nouveau aussi, c'est Suri 3x7. Très bien. Bah, bienvenue en tout cas. Bah, merci en tout cas pour tous vos messages que vous avez envoyés ce soir. Dieu sait qu'ils ont été nombreux, nombreux, nombreux ce soir. Merci à Anthony d'avoir été là. Le Prince Nadia, Clara ici. Il y avait Let's Be Freaks également sur le Twitter. Il y avait Clem. Il y avait Colin. Il y avait qui encore? Il y avait Quentin sur le Facebook. Mathias, Pépito, Céline. Alex 88 600, bref, il y en a eu beaucoup, hein, et beaucoup de nouveaux aussi ce soir. Merci à vous en tout cas. Tous les dimanches on est là de 20h à minuit, et également bien entendu tous les soirs de la semaine, du lundi au jeudi, de 23h à 2h. N'oubliez pas que si vous voulez les stickers de l'émission, on en a envoyé plus de 1000 ce week-end, donc ils arriveront demain et après-demain chez vous. Et donc si vous en voulez plus des stickers de l'émission, n'hésitez pas bien sûr à appeler dès maintenant le stagiaire 01 42 48 5000 hein, au standard, il fera des heures sup, ou 02 851 4x0. Et puis sinon vous voulez le faire par mail également, en fait sandro@funradio.fr, elle transférera tout au stagiaire. Et doublez-le. Oui, j'aime bien ça. Voilà. Envoyez deux mails. Voilà. Oh, parce Sandro adore ça. Ouais, n'oubliez pas vos coordonnées, hein, sandro@funradio.fr. Non, par contre, oui, mettez bien votre adresse complète, parce que comme vous êtes nombreux à envoyer des mails, je peux pas répondre à tout le monde. Non, toi non, mais le stagiaire oui. Du coup, ceux qui n'ont pas mis leur adresse, on les efface automatiquement. Oh l'autre, comment t'as vu comment c'est. Bon ben voilà, sandro@funradio.fr. Bon ben passez une bonne nuit tout le monde, merci d'avoir été là. Merci Victor également d'être passé, hein, qui est souvent sur le Twitter là, ce soir. Merci à vous, hein, merci de m'avoir accueilli. Écoute, avec grand plaisir. Tu voulais faire une dédicace aussi? Ouais, bah je fais une dédicace à tous ceux qui m'auront reconnu, tous ceux qui m'auront écouté. Et si vous pouvez liker ma page Facebook, United States of Pop. Donc c'est sur les news des stars de la pop. Voilà. United States of Pops. Voilà. Très bien, parfait. Et la page Facebook également de Polo, hein, United States of Enculé. Voilà. Si vous voulez tout savoir sur les enculés, il n'y a pas de problème. Bon, avant de partir, eh ben évidemment le générique, allez. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Évite de te sucer, toi l'enculé. Enculeur, gros loup, un cul comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. C'est toi qui encule ton nom, t'es un enculé. Tu ne veux plus dormir ou bien manger, car t'encule ton nom toute la journée. Pom pom pom pom pom pom. Qu'est-ce qui se passe ici? Allez. Attention, attention, attention, attention. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Que veux-tu, Polo est un enculé? Quelle cochonnerie! Que veux-tu? Ils sont canadiens. Toi l'enculé. Allez Victor, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Enculé. Ça un enculé. Enculé. Toi, t'es un enculé. Enculé. Oui, ce sont des enculés. Et ben voilà, passez une bonne nuit tout le monde. Super content d'avoir été avec vous de 20h à minuit. On se retrouve demain dès 23h avec un nouveau Chéri, je peux te faire cocu. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit. À demain. Nickel, nos limites. Nos limites. C'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio.